Voilà, ben bienvenue à tous. Ce débat ce soir, on accueille exceptionnellement justement Jean Robin avec nous. C'est la première fois, tu inaugures en fait la formule, hein, Jean. Tu es le premier invité de la caserne avec qui on discute en direct. On va. Je suis toujours le premier, donc ça tombe Tu vois, bien. bah ouais, c'est ça. Donc tu inaugures plein de choses. Bah, tu auras l'occasion de nous en parler. Je Alors. vous réserve un méga scud d'ici à 1 heure et demie à peu près. Ah, on va se Voilà, laisser le ok. temps On a de. dit à moitié d'émission. Un scoop à nous soumettre et tu nous dis que c'est un énorme scoop au point que ça va susciter chez nous beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de gens, une fois de plus, parce que tu m'as dit là en préparation que j'avais déjà choqué beaucoup de gens, donc je vais rester dans mon créneau. Et peut-être aller encore un peu plus loin, tiens. D'accord. Bah, tu nous expliqueras comme ça justement qu'on comprenne bien c'est quoi ton créneau et c'est quoi. Parce que tu as un personnage qui suscite beaucoup. De comment dire de réaction voilà réaction qui sont positives mais aussi négatives. Ça t'as pas mal de gens qui se disent mais où est-ce qu'il veut en venir Jean Robin? C'est quoi son projet? Moi, ce que j'entends le plus comme critique à ton égard, c'est le fait que tu divises et que tu apportes une énorme division constamment sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'on nous dit Jean Robin, à chaque fois qu'il s'exprime, il rapporte une division sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet. Alors, bon, bah, tu nous diras ce que t'en penses, et si tu Ouais, je répondras à peux déjà ces... répondre là-dessus, Ah c'est bah, tu peux important. répondre à tes détracteurs, parce que ça, c'est une remarque que j'ai souvent, souvent, qu'on m'a dit à Jean Robin, il divise. Bah, c'était ce qu'on disait aussi de De Gaulle. Donc, comme je suis gaulliste, en tout cas période 40-45, hein, pas après, ça me va. Et puis c'est ce qu'on disait aussi de Jésus. Donc, comme c'est mon maître et seigneur et sauveur, ça me va encore plus. Et je me compare pas à lui tout de suite. J'attends les gens. Ah, ça y est, mégalo, il se compare à De Gaulle, il se compare même à Jésus. Non, je prends des exemples de personnages historiques qui ont existé, hein, Jésus a existé, là je m'adresse à mes amis athées, comme je l'étais moi-même avant ma conversion, ce sont des personnages qui divisaient parce que la vérité divise, et ce sont des gens qui ont dit la vérité, que ça plaise ou non. Justement, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et ce qu'on comprend jamais là-dedans, c'est que c'est pas, il n'est pas venu, justement, il a tué personne, et il a même dit à Pierre de remettre son épée dans son fourreau, donc c'était pas un chef de guerre comme Mahomet, mais c'est quelqu'un qui était la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, elle tranche le monde, notamment en deux, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Donc, quand on divise, déjà, ça veut dire qu'on fait quelque chose, parce que les gens qui divisent pas, ça, a priori, ils font rien. Quand on fait rien, on divise rien. Et puis, effectivement, les collabos et les résistants, par exemple, en 40, ils étaient divisés, et c'était des Français. Et comme l'a dit Mark Twain, on ne sait jamais, dans un peuple, qui sont les vrais collabos et les résistants jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. Voilà. Et là, on est en guerre, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui m'en veulent, parce que je défends une vision résistante, et je vais pouvoir le démontrer. C'est ça mon créneau, si pour répondre à ton autre question. Et je sais que ça va paraître pédant, ah, ça y est, il se prend encore pour De Gaulle, voilà. Mais ça, j'ai l'habitude, et je m'en fiche pas mal, parce que les gens parlent beaucoup, et puis quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Donc moi, j'agis, je l'ai démontré depuis longtemps, et là, tout le monde est tombé sur moi, ouais, t'es parti en Polynésie, t'as quitté la France, voilà, t'es un lâche, ça c'est ce qu'on me dit toujours. Donc déjà, une, je vais tout de suite couper les critiques. Ceux qui me disent ça, ils ont intérêt à préparer leur nom, prénom, adresse et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, hein, parce que moi, tout est public et j'ai toujours parlé sous mon nom, sous ma, mon, j'ai jamais caché mon visage. Donc tous les mecs qui viennent sous pseudo me disent ouais, t'es un lâche, déjà première chose. Et deuxième chose, moi, je suis parti en France et je considère que c'est vous qui êtes plus en France justement. Vous êtes en France occupée. Donc moi, je suis en France libre. Ici, il n'y a pas d'Union européenne, donc je suis en Polynésie, hein, pour ceux qui sont pas encore au courant. Je suis en Polynésie française, ici il n'y a pas d'islam, ici il n'y a pas d'Union européenne, on est au franc, donc même si bon, le franc est indexé sur l'euro, ça je suis d'accord, mais bon, on est au franc polynésien quand même. Très peu de marxisme, et ça c'est parce que c'est un pays libéral ici, il y a très peu d'assistés, il y a très peu de pompes aspirantes justement de l'immigration, il n'y a pas d'allocation familiale, il y a très, enfin, c'est l'équivalent de 70 euros par mois par enfant, vous voyez, donc c'est que dalle. Il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a quasiment pas d'impôt sur le revenu, etc., etc. Et donc, tout ça fait que c'est un pays sain, voilà. C'est pas Mayotte, où il y a plein de gens qui vont débarquer pour foutre leur boxon et obtenir la nationalité française et surtout les allocations qui vont avec. Ici, il y a des Français qui ont viré l'islam, parce que l'islam a essayé de s'implanter ici, donc ça sert à rien de dire, ah, mais t'as pas l'islam parce que c'est trop loin de tout. Ben, c'est pas vrai. Si vous regardez il y a 5 ans, il y a un gars qui s'est pointé, un imam, 23 ans, avec 2 millions d'euros en poche, des Saoudiens. Il a voulu créer sa mosquée, et les Polynésiens, ils ont dit niet, et ils l'ont viré à coup de pompe dans le train, et il y avait 5000 personnes dans les rues de Tahiti, enfin de Papeete, ce qui est énorme, ce qui représenterait, je sais pas, 500 000 à 1 million de personnes dans les rues de Paris, pour dire les femmes, on préfère être à poil qu'avec le voile, c'est une formule, hein, mais voilà, et puis les hommes, on veut manger du cochon, enfin tout le monde, non à l'islam, et ils ont viré l'islam. Voilà. Et pour nos amis racialistes qui nous écoutent, 90% des gens ici ne sont pas blancs. Hein. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec Hassen, justement, et il a eu beaucoup de mal à défendre le fait que la France, majoritairement blanche encore, avait accueilli l'islam les bras ouverts et vous vous faites bouffer en ce moment, et puis pour à mon avis pour encore longtemps, sauf s'il y a une résistance justement, alors qu'ici, eh ben ils leur ont botté le train parce que ils sont fiers d'être français, voilà. Pour faire le lien, puis je m'arrête parce qu'après ce sera trop long, mais l'argument, alors j'ai écouté, tu sais très bien que j'ai écouté ton débat avec Hassen, je me rappelle de ce passage et je me rappelle de l'argument d'Hassen, et il te disait que si ça avait été possible, si justement ils ont pu avoir cette réaction là, c'est à cause de leur homogénéité ethnique. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que j'ai pas compris ta réponse bien, justement, par rapport à ça. Ils sont fiers d'être français, ils sont fiers d'être tahitiens aussi. C'est-à-dire que, voilà, moi je suis d'accord avec Boris Lelay quand il dit « moi je suis fier d'être breton », à condition qu'il soit fier d'être français, et il l'est aussi. Donc ça apporte une force, un enracinement culturel dans sa langue. Les gens ici parlent tahitien. Souvent, malheureusement, les marxistes français envoient leurs professeurs qui apportent leur culture marxiste française, donc qui tue la culture polynésienne. Voilà, c'est le centralisme jacobin français qui va jusqu'en Polynésie française. Et les Polynésiens n'ont pas le droit de développer leurs propres professeurs. Ici, ils sont obligés d'aller en métropole pour passer leur CAPES. Tout ça est bien foutu. Les profs marxistes arrivent ici surpayés avec votre argent, pas le mien, avec le vôtre. Ils touchent 4000 euros net par mois. Voilà. Poser comme ça une culture athée, donc anti-chrétienne. Et ici, les Polynésiens sont chrétiens. Donc, Hassen, il n'a pas compris. Il veut pas comprendre parce que ça colle pas avec son idéologie. Mais les gens ici, ils sont enracinés. Voilà. Ils n'ont pas subi la culture, en plus, marxiste. Ici, c'est libéral. Et ça, je sais que ça colle pas à son logiciel et à beaucoup de Français parce qu'ils ont été endoctrinés par cette éducation nationale socialiste. Hein, et c'est pour ça qu'on a après des conversanos qui arrivent. Moi, j'ai rien contre ce gars-là, mais je le vois débarquer. Je suis national socialiste ou Soral, voilà. Je suis national socialiste. Eh ben, je suis désolé. Ces gens-là sont les produits du système. Le système aujourd'hui, c'est une oligarchie, même quasiment plus nationale, mais carrément socialiste. Ça, c'est intéressant. Donc, en Polynésie, donc, il y a encore... C'est vrai qu'il faut expliquer que la Polynésie, c'est un territoire qui a un statut particulier. Ils ont leur propre monnaie, donc c'est le franc pacifique. Donc, d'ailleurs, au niveau du pouvoir d'achat, tu penses qu'on vit mieux en Polynésie qu'en France ? Comme je disais, donc, en fait, il y a une parité de pouvoir d'achat. Mais ici, en fait, il faut manger local. Il y a des fruits à profusion. Si tu commences à venir ici et à manger à vouloir manger comme tu manges en France, c'est-à-dire avec des yaourts, tu vois, avec du chocolat, avec des machins, du vin, c'est sûr que tu vas te ruiner. Mais tant que tu manges local, il y a l'équivalent de la patate ici, qui s'appelle le ourou. Il y a plein de choses comme ça. Tu peux manger des fruits, des mangues. Il y a que ça. Nous, on a un manguier chez nous. Pendant 3 mois, on bouffe que des mangues. Et c'est gratuit. Hein. Donc, voilà, il faut savoir être intelligent et pas commencer à... Justement, c'est ça, l'adaptation locale et l'enracinement local. Et là, ça rejoint des trucs même survivalistes. Tu vois, moi, je vais même jusque-là, donc ça va loin. Mais il faut être intelligent et garder son argent pour la guerre, parce qu'on est en guerre. Et quand tu te définis, toi, comme un soldat du Christ, parce que ça, c'est quelque chose... voilà, t'as expliqué ta conversion... un mois justement après cette fameuse émission qu'on avait faite ensemble, ça aussi c'est quelque chose qui a étonné beaucoup de gens. Comment tu le définis, soldat du Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bon, il faut savoir que il y a la conversion qui est bouleversante, Et puis ensuite, il y a ça décante, si tu veux, c'est que Dieu travaille en toi, il te fait lire la Bible, parce qu'avant, moi, j'avais jamais ouvert une Bible, sauf pour la critiquer. Et là, il te la fait lire, et surtout, il t'y fait croire. C'est ce qui change vraiment entre un athée, parce qu'un athée peut lire la Bible, mais d'une part, il va pas y croire, et il va pas la comprendre, parce que Dieu, en fait, lui met un voile sur les yeux, c'est volontaire. Alors, ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça, c'est son plan divin. Et donc, ce qu'il appelle les élus, hein, je me prends pas pour Néo de Matrix, ceux qui croient que, parce qu'ils ont pas de culture chrétienne, et en France, on en manque vraiment. Quand je dis, je suis un élu de Dieu, ils disent, ah, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui, mais c'est la définition du chrétien, hein. C'est juste la définition biblique du chrétien. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont les chrétiens. Donc, j'ai rien inventé. Et soldat du Christ, c'est venu au fur et à mesure que j'ai compris en lisant la Bible qu'on était, en fait, sur cette terre pour être un soldat. Et il y a un verset qui le dit mieux que tout autre, c'est dans Job. Donc, Job 7:1, le sort de tout homme sur cette terre est d'être un soldat. Voilà. Donc on peut pas mieux trouver. Et simplement, attention, c'est pas un soldat justement avec l'épée physique. Jésus, il avait pas d'épée. Mais on nous dit c'est la Bible l'épée. Et c'est il y a tout un passage dans Éphésiens. Ceux qui sont intéressés pourront chercher ça, qui nous définit ce que c'est une armure, ce que c'est une épée, ce que c'est la cuirasse. Et donc c'est la vérité, la justice. La parole de Dieu, le casque du salut, voilà. Donc, en fait, c'est ça, un soldat, c'est quelqu'un qui est protégé par Dieu et qui a la foi, donc qui peut déplacer les montagnes. D'accord. Et toi, tu es, en plus, tu te définis comme protestant. Bon, après, moi, je suis chrétien, si tu veux, avant tout. Protestant, c'est quelque chose qu'on a défini dans l'histoire pour se distinguer de ce qui était en train de devenir l'hérésie catholique. C'est-à-dire que jusqu'au... Même saint Thomas d'Aquin, tu vois, on est encore dans le christianisme, pour moi. Mais c'est à partir... Alors, il y a un pape, là, j'ai pas son nom, mais c'est juste après Charlemagne, donc, tu vois, dans les années 800, où il y a un pape qui commence à vouloir imposer, sur le modèle de Charlemagne, justement, mais au niveau spirituel, il commence à vouloir imposer un empire chrétien, de force. Et donc, là, ça commence à partir en sucette, parce que notre royaume n'est pas de ce monde, hein, comme dit Jésus aux chrétiens. Et donc, là, ça va commencer à enfiler les perles de l'hérésie une par une, et on va progressivement s'éloigner du Christ et de ce qui nous a donné comme modèle, en voulant faire de la politique. Tout simplement, le pape, aujourd'hui, c'est de la politique. Il n'y avait pas de pape à Rome avant le VIe siècle, par exemple. Donc, ça a été progressif, ça s'est pas imposé d'un coup, et c'est pour ça que quand on voit apparaître le protestantisme après, au 14e siècle, fin du 14e avec Jan Hus en Tchécoslovaquie, et puis Wycliffe en Angleterre, et puis Luther en Allemagne, et puis après Jean Calvin, qui est français quand même, et qui est le français le plus important de l'histoire. Maintenant, je le sais, puisque personne nous apprend qui est Calvin dans l'école nationale socialiste, justement, hein, mais c'est le plus grand français bien avant Napoléon. Napoléon était un dictateur, et c'est considéré comme le plus grand des Français, à l'étranger notamment. Moi, quand j'étais au Japon, on me disait le plus grand français, c'est Napoléon. C'est terrible d'avoir comme premier personnage le plus connu, machin, un dictateur, franchement, athée en plus. Donc bon. Non, le plus grand, c'était Calvin, parce que sa théologie a fait émerger la première puissance du monde, qui s'appelle les États-Unis, et que beaucoup de gens, parmi ceux qui nous écoutent, détestent, je le sais, alors qu'ils bénéficient d'Internet qui vient des États-Unis. Donc c'est là où il faut mettre un peu vos contradictions en sourdine. Il faut se mettre à la page. Internet, ça vient des États-Unis. La liberté d'expression totale, ça nous est donné par les États-Unis. Et tout ça, c'est arrivé grâce à Calvin, notamment, hein, c'était pas le seul. Mais c'est sa théologie qui a fait émerger donc le calvinisme, comme on l'appelle aujourd'hui, avec tous ses attributs. Et moi, c'est vrai que je me réclame du calvinisme, parce que j'ai fait le tour, après ma conversion, de toutes les écoles de pensée, hein, les catholiques, les adventistes, les mormons, j'ai vraiment fait le tour. Pentecôtistes, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des sanitos, il y a tout ce que tu veux, mais c'est vraiment dans le calvinisme que je retrouve le mieux ce qui m'a été transmis lors de ma conversion, et que je comprends au fur et à mesure. J'ai vu que tu critiques... Trop long dans mes réponses. Non, mais c'est intéressant, avant qu'on rentre dans les questions, j'imagine nombreuses, mais qu'on aborde certains sujets, comme ça, en plus, ça suscitera aussi d'autres questions. Toi, tu dis que, justement, le protestantisme a beaucoup plus résisté beaucoup mieux en tout cas au mondialisme et à l'Union européenne que les pays catholiques. C'est un fait, mais il faut faire attention déjà parce qu'aujourd'hui, le protestantisme est utilisé notamment par les catholiques, hein, qui sont ses ennemis, comme un terme englobant des gens qui ne sont pas du tout protestants et qui ne se disent pas eux-mêmes protestants. Je pense à tous ceux que je viens de citer, qu'on appelle souvent arméniens, arbitre humain, bon, qui est un autre sujet, mais voilà, tout ce qui est mormon, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, tout ça, c'est pas protestant, hein. Faut arrêter 2 minutes. Les protestants, c'est-à-dire réformés, les héritiers de la réforme, ce sont principalement les luthériens qui se trouvent aujourd'hui en Scandinavie, donc ils font pas partie de l'Union européenne sauf la Finlande. Si je dis pas de bêtises, en tout cas ils Bah, sont la beaucoup Suède et le plus. Danemark, Enfin, il y a la ils ne sont pas Suède dans qui fait l'euro, partie hein. quand même. Ils ont pris déjà leur distance. Enfin, c'est pas ceux. Par exemple, si je compare avec l'Europe de l'Est, eux, ils sont à fond dans l'Union européenne et on sait pourquoi. D'ailleurs, c'est pour des raisons bassement financières. Hein. Ça, on a oublié aujourd'hui quand on écoute Orban et ses grandes diatribes contre l'Union européenne. Le gars, il a pris l'échec. Hein. Il a bien Oui, mais encaissé. alors, pardonne-moi, Jean, Pardon. de te couper, mais tu vois, justement, sur cet exemple, par exemple, la Suède, protestants, ils accueillent l'immigration de masse. Alors là, le véritable cauchemar absolu est l'exemple de la Pologne catholique, qui, elle, refuse complètement. Alors certes, ils veulent être dans l'Union européenne pour prendre des subventions, on va pas leur en vouloir quand même là-dessus, tu vois. Moi, il y a quelqu'un qui arrive qui me dit j'ai des millions à te donner, je vais pas lui dire non. Mais ensuite, ils sont pas prêts à tout céder, quoi, quand même. Il y a un verset très connu qui dit: Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Et souvent, Mammon, bon, c'est pas l'argent, mais ça peut être interprété comme l'argent dans certaines traductions, notamment catholiques. Donc là, pour moi, les pays de l'Est, ils se sont fourvoyés dans une nouvelle dictature, après s'être fourvoyés dans le communisme, et après s'être fourvoyés souvent dans le nazisme, parce qu'ils l'ont subi à chaque fois. Mais là, ils y vont volontairement, donc c'est vraiment des cons. Comme tu dis, pour de l'argent. Alors si tu peux vendre ton âme pour de l'argent, quand tu t'appelles Victor Orban ou comme machin, et ben après va pas te plaindre que l'Union européenne veut t'imposer des migrants. C'est faut sorte. Pourquoi j'ai traduit là son dernier discours parce qu'il est en pleine campagne électorale. J'ai traduit son discours. Pourquoi il dit pas bah sortons de l'Union européenne, tu vois? Pourquoi il joue pas le asselineau local? Eh ben parce que il est sur deux tableaux et souvent avec les catholiques on le voit, on essaye de jouer sur deux tableaux et ça marche pas. Donc Ouais, mais peut-être parce que le Viktor Orban, comme les Polonais, ils sont sur un logiciel économique libéral où ils ont envie de participer à la prospérité d'Europe de l'Ouest, mais ils n'ont pas envie d'être sur le même logiciel du point de vue culturel et libertaire que celui de l'Europe de l'Ouest. Alors ils avaient peut-être pas compris que c'était un package que l'un impliquait l'autre, mais ils refusent réellement le modèle culturel, mais par contre, ils n'ont rien contre le modèle économique. On peut pas leur en vouloir quand même là-dessus. on peut leur en vouloir parce qu'ils n'ont même pas compris que c'était l'URSS dans lequel ils rentraient. C'est ce qu'a très bien expliqué Farage et que les Français n'ont pas compris parce qu'ils sont, encore une fois, éduqués par l'éducation nationale socialiste et les médias de l'oligarchie qui sont de gauche et d'extrême gauche. Donc ces gens-là vont dépeindre l'Union européenne comme ultra-libérale. Alors il faudra qu'on m'explique comment la PAC est ultra-libérale. C'est un système de subvention de A à Z. Il faudra qu'on m'explique comment les ultra-régulations de partout sont ultra libéral, c'est pas vrai. C'est Farage qui a raison et c'est Orban qui a tort. Il est rentré dans un truc néo-marxiste, néo-communiste. On en avait parlé en 2014. Barroso, il a été membre carrément du parti communiste de son pays de Portugal. Il a été maoïste. Enfin, c'est la totale. Et si on les regarde tous, ce sont des bureaucrates sortis souvent de l'URSS. Qu'elle l'a. Je suis Donc assez d'accord avec ce que tu dis, forcément, sur l'URSS. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il joue sa partition au sens de l'intérêt national. L'intérêt, quand même, de la Hongrie ou de la Pologne, c'est d'être dans cette Union européenne, de profiter des subventions. En plus, ils en sont largement bénéficiaires. Et de sortir leur pays, justement, de rattraper le retard. Donc, mais le retard économique, eux, ils n'ont pas envie de calquer le modèle culturel. Parce qu'au contraire, ça les inquiète. C'est quand même les seuls à en parler. Tu peux pas retirer à Orban de cette levée contre, justement, même en Slovaquie ou en République tchèque. C'est les seuls à aborder cette problématique culturelle avec les Polonais et qui s'inquiètent de la situation des migrations en Europe, alors que les autres pays européens sont complètement apathiques, je veux dire, sur cette question, à part les peuples, hein, je parle pas des peuples, mais les gouvernants. Merkel, c'est bras ouverts. Macron, c'est pareil. Bon, bah là, en Italie, ça risque de changer. En Autriche aussi, certainement. Mais on voit que quand même, eux, ils sont un peu quand même des rebelles. Je suis étonné que tu me dises que ces gens-là, ils soient que intéressés par l'argent, certes, mais il n'y a pas que ça quand même. Justement. Tu ne vois pas que les gars sont tombés dans un piège pour un petit billet. Voilà. Parce que tu seras le premier à dire comme moi que le journaliste qui se prostitue pour dire le contraire de la vérité, bah, c'est un mauvais journaliste. Et ben, un dirigeant d'État qui va faire perdre la souveraineté de son pays, hein, parce que c'est ça l'Union Européenne, tu viens de l'UPR, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Le gars, il a accepté de perdre sa souveraineté pour un petit billet. Et ben ça, c'est pas un bon dirigeant. Après, moi, je suis pas contre tout ce qu'il dit Orban, par exemple, mais là, ça va pas plaire à tout le monde, y compris ceux qui, les catholiques qui le soutiennent, parce que dans son dernier discours, il a dit « Je suis contre Soros et tout ce qu'il représente », donc ça, ils seront d'accord, mais il a dit dans la phrase d'après « Et je soutiens Israël ». Voilà. Eux, ils se défendent, etc. Et là, il faut écouter les discours, parce que il y a la propagande en France qui parle même pas d'Orban. Alors là, c'est même pas la peine. Parce que c'est un discours, en effet, son discours, moi, je l'ai plutôt apprécié, hein. C'est un discours avec des valeurs, avec, je veux dire, on aimerait bien avoir ça en France. Le problème, c'est que le gars, c'est lui qui a signé, il me semble, l'entrée dans l'Union Européenne, ou c'est un de ses prédécesseurs, peu importe. Mais lui, il dit rien pour la sortie de l'Union Européenne, ce qui réglerait, maintenant, à la limite, tu vois, s'il voulait être filou. Il a touché son chèque, il se casse. Et là, ok, moi j'aurais du respect pour ce mec-là, mais là, il dit non, on va rester dans l'Union Européenne, on va continuer à toucher les chèques, et puis on veut pas des migrants, mais non, mon gars, c'est l'un ou l'autre. Et juste pour revenir sur la Suède, parce que c'est important, il faut savoir que c'est le pays scandinave le moins protestant, justement, et le plus catholique et athée. Et c'est ça qui explique, justement, selon moi, hein, j'ai une vision, c'est vrai, assez religieuse maintenant, après ma conversion. Il n'y a pas que ça, mais disons que ça joue énormément. La Norvège, par exemple, qui est beaucoup plus protestante que la Suède, moins envahie, même si elle l'est quand même malgré tout. Mais si tu regardes leur politique, notamment ces derniers mois, ils ont commencé à annoncer qu'ils vont déchoir de la nationalité les terroristes. C'est un pays où tu peux pas avoir la double nationalité. Ils sont en train de construire un mur, je sais plus où, à leur frontière. Enfin, il y a des trucs qui se font en Norvège, tout comme au Danemark d'ailleurs. Le Danemark, c'est le pays des caricatures de Mahomet. Hein, ça, on l'a oublié, le Jylland Posten. Donc voilà, c'est des pays qui sont résistants et qui vont virer, je pense, toute cette immigration, ça leur prendra un peu de temps. Donc la Pologne et les autres, la Hongrie et tout ça, ils ont un discours viril, dur contre l'immigration, mais ils sont au sein de Schengen et donc ils sont foutus. Ils vont avoir un dilemme là. Soit ils restent dans l'Union Européenne et ils vont se faire envahir, littéralement, et ça va être la guerre, soit ils sortiront de l'Union Européenne et ils récupéreront leurs frontières. Mais c'est l'un ou l'autre. Ok, bah écoute, intéressant, effectivement, comme question, intéressant. Alors, il y avait une autre question aussi que je voulais te poser, c'est par rapport au lieutenant Beltrame, parce que tu as fait, alors moi j'ai vu une vidéo, mais tu m'as dit qu'il y en existait une deuxième, mais t'es extrêmement critique à son égard, enfin tu fais des comparaisons qui ont choqué tout le monde, et voilà, on me parle beaucoup de cette vidéo en me disant, mais Jean Robin, où veut-il en venir avec cette affaire? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue? Ouais, déjà, j'ai pas choqué tout le monde. Il y a plein de militaires qui sont venus commenter sous ma vidéo. Je renvoie les gens aux commentaires de ma première vidéo, ce que Arnaud Beltrame révèle de la France, qui sont venus commenter et qui ont dit, bah, vous avez raison. Et ça me fait mal au cœur de le reconnaître, mais c'est vrai. L'armée française aujourd'hui est complètement désorganisée. Et je te disais juste avant qu'on commence le live, que j'ai regardé juste avant de venir, je me suis refait une piqûre de rappel, l'excellent débat que tu avais organisé entre Adrien Abosi et Christian Vanesse sur De Gaulle et Pétain. Et j'invite vraiment tous les gens à le visionner s'ils l'ont pas vu, voire à le revisionner s'ils l'avaient vu à l'époque comme moi. Parce que là, on le voit d'une manière complètement différente. Les deux intervenants, qui sont pourtant opposés sur le fait de savoir qui a sauvé la France, hein, De Gaulle ou Pétain, sont complètement d'accord sur le fait que à l'époque, l'armée était complètement désorganisée et les gens se sont couchés. Bon, eh ben c'est la même chose aujourd'hui, voilà, et personne veut le reconnaître, et donc résultat, ben on a un héros comme Arnaud Beltrame, un gars qui a collaboré avec l'oligarchie toute sa carrière. Donc ça, c'est quand même un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, et je vois pas comment ce gars-là est défendable, sauf si, ah ben voilà, maintenant il faut mourir pour devenir un héros. Alors c'est facile, ben tout le monde va devenir des héros en se suicidant, dans ce cas-là, parfait, mais non, c'est justement pas un modèle, ça c'est un contre-modèle. Donc Beltrame a assuré la protection de l'Élysée pendant 4 ans, donc là je sais même pas ce qu'il vous faut. Il n'y a pas plus haut, hein. Après c'est l'Union Européenne ou c'est le Pape hein, quasiment, mais bon, dans l'oligarchie. Il a fait un certain nombre de choses qui sont absolument indéfendables. Là, j'avais fait une liste, mais bon, je vais pas vous refaire la vidéo. Là, je vous renvoie à une deuxième vidéo où je résume un peu tout ça, où je compare carrément Beltrame à Horst Wessel. Alors, moins de gens l'ont vu, celle-là, mais je pense qu'elle va encore plus les choquer, parce que Horst Wessel, c'était un sous-lieutenant de nazi, de la SA, et qui est mort dans des conditions rien de héroïque. Je vous renvoie la vidéo pour les détails. Et donc, Goebbels en a fait un héros. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est même devenu le symbole de l'armée nazie à partir de 1933, parce qu'il est mort en 1930, tué par un communiste. Et donc, il est devenu un héros de l'armée nazie avec une chanson, soi-disant qu'il avait composée, mais à mon avis, c'est les nazis qui lui ont composé, Die Fahne hoch. Et donc, dans cette chanson, d'ailleurs, c'est assez drôle pour Conversano et tous ses copains, il dénonce les rouges et les réactionnaires de droite. Hein. Donc, c'est assez drôle. Les nazis étaient d'extrême-gauche, hein, de gauche et d'extrême-gauche. Donc, il dénonçait les rouges, c'est-à-dire leurs frères ennemis communistes, marxistes, comme eux, et la droite réactionnaire, etc. Donc, Beltrame, aujourd'hui, l'oligarchie s'en est servie. Il était franc-maçon. Alors là, j'aimerais bien savoir comment des catholiques sincères peuvent défendre un franc-maçon. Sa loge, il était à la Grande Loge de France. Alors certes, on va me dire, oui, c'est une loge de droite, c'est pas le Grand Orient. J'en ai rien à foutre. Ce sont les francs-maçons qui font partie de l'oligarchie, et c'est pas étonnant que ce mec-là soit franc-maçon, c'est parce qu'il faisait partie de l'oligarchie, il l'a défendu, et plus on monte c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, plus on monte dans l'oligarchie, plus il faut être franc-maçon. Ah bah voilà. Sauf que le gars, il était à la fois catholique et franc-maçon, ce qui est incompatible, d'après les catholiques eux-mêmes. Mais vous vous rendez compte que il y a beaucoup de catholiques qui sont francs-maçons, et après, j'entends Abosi d'avance qui va me dire, ah, mais ça, c'est à cause de Vatican II et l'Église conciliaire. Tu vois, je fais même les questions et les réponses. Et moi, je vais lui rappeler, à ce cher Adrien, que Joseph de Maistre, il était catholique et franc-maçon. Hein. Souvent, c'est le modèle absolu, machin. Catholique et franc-maçon. Et ça, c'était bien avant Vatican II. Louis XV, il était catholique et franc-maçon. Alors ça, c'était avant Vatican II aussi, il me semble. Et Louis XVI, votre cher roi, là, machin, eh ben, c'était un catholique et un franc-maçon. Donc là, il faut vous poser des questions sur ce qu'est le catholicisme, parce que c'était avant Vatican II. Et cette histoire d'église conciliaire, d'ailleurs, ne tient pas du tout la route, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est un truc qu'on a inventé chez les catholiques les plus patriotes pour se dire « Ah non, moi, c'est pas pareil ». Mais quand on pousse un peu, on leur demande... moi, j'ai eu des discussions poussées avec ces gens-là, pas avec Adrien Abosi, parce que monsieur est trop vaniteux pour m'adresser la parole, n'est-ce pas ? Par contre, il y a des chrétiens, des catholiques un peu moins vaniteux avec lesquels j'ai pu parler en profondeur de ça, et quand on les pousse dans leur retranchement, on leur dit « Mais alors, c'est qui le pape pour vous ?»« Ah bah alors, et c'est quoi Vatican II ? C'est un concile, vous reconnaissez ou pas ?»« Oui, on reconnaît. » Parce qu'ils sont obligés, ils sont catholiques, et tous les catholiques sont obligés de reconnaître la totalité des conciles. Donc Pierre Hillard, Adrien Abosi et tous leurs copains, en fait, jouent sur deux tableaux, et au lieu de dire la vérité. La vérité, c'est que l'Église catholique, depuis 40 ans, pousse à l'immigration à fond, et notamment l'immigration musulmane, parce qu'ils veulent faire un front de la foi. Et voilà. Et là, on arrive au discours de Soral, et vous avez la boucle qui est bouclée. Oui, bien que les personnes en question, elles se revendiquent pas de l'Église conciliaire. Elles la réfutent quand même. C'est ce que je viens de dire. Elles essayent de créer un distinguo qui n'existe pas entre une Église conciliaire et une Église qui serait pas conciliaire. Mais soit ils reconnaissent Vatican II, puis, et ils sont catholiques, soit ils ne les reconnaissent pas et ils ne sont pas catholiques. Et donc, quand on les pousse dans leur retranchement, c'est ce que je viens de dire, et ben, chaque fois, et tu verras, essaye avec Adrien, c'est ton copain, pousse-le dans ses retranchements et demande-lui, Adrien, qui est le pape aujourd'hui ? Parce qu'une église catholique sans pape, ça n'existe pas. Et il va te dire, ah, c'est François. Il aura du mal, mais c'est ce qu'il te dira. Et il te dira, est-ce que tu reconnais Concile Vatican II ? Ah, bah oui. Parce qu'il est obligé, sinon il est hérétique d'après les catholiques. Voilà. C'est quoi être catholique ? Reconnaître tous les dogmes sans la moindre exception. Sinon tu es hérétique. Ça, je suis désolé, c'est dans leur truc fondamental. Hein. Donc il faut se renseigner sur le catholicisme. Même les catholiques eux-mêmes le savent pas. Et ça, des gens comme Pierre Hillard qui se disent ultra méga giga catholiques, ose défendre publiquement l'idée d'une église conciliaire qui n'existe que dans leur tête. Ça n'existe nulle part. Tu veux dire, pour toi, eux qui sont... Parce qu'il y a ce qu'on appelle les catholiques tradis, par exemple, qui forment quand même des contingents énormes de gens, c'est-à-dire qui obéissent au rite catholique, mais qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape, pour toi, tu dis, ne peuvent pas être catholiques, en fait. Si, ils la reconnaissent. Bien sûr qu'ils la reconnaissent. Ah ben non, ils la reconnaissent pas. Ils prétendent justement que c'est que ça dépend en fait. À la fraternité Saint-Pédis, il y a toutes les nuances, si tu veux, possibles et imaginables, parce que les gens, c'est leur conscience là qui parle, et ça les fait chier. Excuse my French, de reconnaître un concile comme Vatican II. Sauf que est-ce qu'ils reconnaissent Louis XV et Louis XVI et Joseph de Maistre hein, comme des catholiques, parce qu'ils étaient catholiques et francs-maçons. Donc c'est trop facile, de, si tu veux, de faire... En plus, cette histoire de Vatican II n'a aucune importance, parce que déjà, comme je viens de le démontrer, avant, comme Arnaud Beltrame, il y avait des catholiques et des francs-maçons au plus haut sommet de l'oligarchie. Et c'est pour ça que moi, je parle d'une oligarchie catho-marxiste. Voilà. Ok. Bon, bah, tu sais quoi, on va commencer à prendre aussi des questions... des avec soldats. Plaisir. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude par ordre. Allez, on va commencer. Mon cher Amorality, est-ce que tu as une question? Voilà. Normalement, tu peux poser ta question. Mon cher Amorality, allez, à toi. Amorality, alors ouais, parce que des fois, je sais pas, les gars, ils écoutent, je sais pas trop. Alors, citoyen Frenchy. Es-tu là? Ouais, je suis là, mais je viens juste de débouler et j'ai écouté quoi 10 minutes. Ah, d'accord, les... ok. Bah, bah, t'inquiète, tu reviendras plus tard alors. Alors, mon oui, cher Dom. Pas de questions non plus. Allô, Dol. Frénésique. Hey, soldat, réveillez-vous là. Frénésique. J'adore dans la caserne. Allô, Frénésique. Non. Allô? Ok, bon, bah alors on passe direct. Alors FTP, t'es là? Ah non, bah lui, il est. Voilà. FTP, est-ce que tu m'entends? Au moins, est-ce que tu m'entends? Allô? Tireur partisan, je sais il est pas là. S'il m'entend. Oui, bien, je t'entends pas. Ah, au moins, ouf! Il y a quelqu'un. Est-ce que tu as une question, alors, FTP? Pour ma part, non, pas pour l'instant. Ok. Jessica Las, ma chère, est-ce que tu nous entends? Ah, attends, je vais te démuter quand même. Voilà. Jessica Las. Je veux bien débrouiller cool. En attendant, parce que... Ah, bah voilà, tu vois... Pardon, mon micro était coupé, je pouvais pas parler. Tu vois, un peu... Moi, la seule question pour le moment que je me pose, parce que d'habitude, je suis plutôt pas d'accord avec Jean-Robin, mais jusque-là, je peux pas contredire ce qu'il a dit foncièrement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en France pour récupérer notre pays concrètement? Parce qu'on va pas pouvoir tous venir en Nouvelle-Calédonie, quoi. Ouais, donc c'est la Polynésie. Polynésie française, pardon. Nice, c'est la merde, hein. C'est comme dans les autres dom-tom, donc je te conseille pas d'y aller. Mais c'est la bonne question que tu poses et ça va me permettre de dérouler en quelques minutes ce que j'avais dit déjà en 2014 chez Tepa. Donc je vous y renvoie pour ceux qui seraient intéressés pour voir que voilà, j'avais quand même un minimum de vista, parce qu'il y a les gens qui parlent et puis qui se contredisent à un an ou deux ans de distance. Moi, je me suis pas contredit là. En 2014 chez Tepa, j'ai repris une vidéo que j'avais faite, et Tepa pourra confirmer, où j'avais dit voilà, on est comme en 40. Il y a juste des forces différentes. Donc le nazisme, c'est l'islam. Son but, c'est d'occuper la France et de la soumettre à son idéologie, pareil. Il y a l'UGIF, c'est le CRIF. Alors là, je viens de rediffuser sur ma chaîne une vidéo CRIF, UGIF, même combat sur YouTube. On me l'a restreinte en me disant je sais pas quoi, parce que je rendais hommage à Mireille Knoll. Et par contre, Hyssen, lui, il fait des vidéos contre le CRIF, c'est vu 9000, 10000 fois sans problème. Donc, c'est marrant, il y a une prime à l'antisémitisme dans ce pays, c'est assez drôle. Quand on est philosémite et qu'on tape sur le CRIF, ça passe pas. Puis quand on est antisémite et qu'on tape sur le CRIF, ça passe. Donc là, on voit bien, selon moi, que le CRIF favorise l'antisémitisme. Ensuite, donc, le CRIF, son but, c'est de faire l'alliance avec l'ennemi, donc je rappelle l'islam, pour le dompter. Et c'est le but de ma vidéo CRIF, UGIF, même combat, vous verrez. Ils sont fait fait alliance notamment avec les musulmans et le CFCM depuis des années et des années, en essayant de le dompter comme l'UGIF avait fait alliance avec les nazis à l'époque, et ils ont fini déportés. Donc je vous laisse imaginer ce qui va arriver au CRIF. Il y a les gens de gauche, les gens de gauche revendiqués, héritiers de Blum et d'Aladier. Et ben aujourd'hui on les connaît, hein, c'est toute cette gauche de merde entre Macron, Hollande et tous les autres. Et alors eux, leur but c'est de laisser l'ennemi progresser au maximum en pensant pouvoir le contenir, évidemment. Et on célèbre Beltrame comme un héros. On pourrait même faire la comparaison avec Munich. Voilà, Daladier célébrait Munich. Bah voilà, c'était une victoire Munich, hein, bien sûr. Donc Beltrame c'est un héros, évidemment. Ensuite, il y a les pétainistes revendiqués. Donc là, il y a Zemmour, le chef de file de toute cette clique, Abosi dans son sillage, qui reprend admirativement Éric Zemmour, hein, le roi de l'oligarchie, quand même le gars qui est le plus invité dans les médias depuis 15 ans. Donc quand il y a un gars qui est le plus invité dans les médias depuis 15 ans, il faut commencer à se poser des questions, à mon avis. Et quand il se revendique de Pétain lui-même, là, je veux dire, bon, d'un gars qui a perdu. Bon. Et alors, tous ces gens-là gravitent autour du FN parce que là, j'ai même vu ton. Alors là, ça m'a vraiment rendu triste parce que je pensais que Papacito était quelqu'un d'un peu plus évolué que ça. Mais voilà, c'était très bien ton émission avec lui. Et puis au dernier moment, ah super, moi, Adrien Abosi, c'est mon mentor. Et voilà, tout s'effondre. Un pétainiste revendiqué qui est le mentor d'un gars qui se dit pro-israélien, résistant, etc., des muscles partout. Voilà, je dis, c'est pas possible. Donc il y a vraiment une occupation en France des esprits qui se développe un peu partout et que je constate, moi, avec d'autant plus de recul que j'ai la distance géographique. Et il y a même des gens comme mes amis, mais qui sont en train de devenir des ex-amis, parce que là, ils commencent à me courir sur le haricot aussi, de riposte laïque, qui eux, bah pareil, Beltrame est un héros, Sterron est un héros aussi. Alors, il y a le cas Sterron aussi. Ce gars-là fait l'apologie de l'islam, mais c'est un ami de Papacito aussi, d'ailleurs. Il le cite parmi les résistants et il ose le comparer à Majid Oukacha, qui est anti-islam, qui vit dans la dissidence, la résistance, la clandestinité. Le gars ne dit pas où il habite et il est menacé de mort chaque jour des dizaines de fois. Comparer Majid Oukacha, qui n'est plus mon auteur, donc j'ai même plus d'intérêt à ce que son livre se vende, et tant mieux si son livre se vend. Oser le comparer à Sterron, c'est vraiment ne rien comprendre, je veux dire, parce que Sterron, il est planqué en Angleterre, il se dit algérien, d'accord, donc les intérêts de mon pays, l'Algérie, je veux dire, il y a un site auquel je vous renvoie que j'ai créé, parce que là, ça m'énerve, franchement, tomber dans ces filets-là, parce qu'il va dire, vous êtes envahis en France, vous êtes des merdes, en plus, il nous crache dessus, on dit, ah, il a dit qu'on allait, on est envahis en France, et puis il condamne le terrorisme, parce que ce sont des sunnites, alors que lui, il est chiite, donc ça va, non, ça va pas, donc je vous renvoie au site sterongate.wordpress.com, vous aurez toutes les preuves que ce gars n'est pas de notre côté, il appelle au djihad contre la France, il appelle à ce que les Algériens viennent piller la France et soumettre la France à la jizya, pour ceux qui connaissent, hein, l'impôt par capitation. Enfin, c'est de la folie de soutenir un mec pareil. Et moi, j'ai dénoncé ça, effectivement, j'ai créé beaucoup de remous, parce que c'est ça, quand on dit la vérité, et là, j'en veux un peu à Majid, parce que moi, je lui avais demandé de taper sur ce mec-là, il avait la légitimité, il a refusé, parce qu'il s'est dit, ah bah, j'ai plus d'intérêt, et c'est ça le problème, c'est voilà, on en revient à Orban tout à l'heure avec le petit billet, on en revient au petit billet, je vais avoir plus d'abonnés si je tape pas sur Sterron. Bah non, ça marche pas comme ça, moi, j'en ai rien à foutre d'avoir un abonné ou 10 000, c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est la France, et la France, on va pas les sauver, même avec 50 000 abonnés, il faut arrêter les conneries, on va la sauver, justement, avec ce que je vais vous dire. Alors, j'avance un peu, mais les pétainistes, c'est important parce que j'ai revu ton débat, tu vois, que tu as organisé, auquel j'avais contribué d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai convaincu Vanest de venir sur ton plateau, et j'étais très content que tu acceptes, parce que c'est un vrai bon débat. Même si Vanest a trop coupé la parole à Abosi, c'était chiant. Mais on se rend compte de la division qui existe encore aujourd'hui sur l'histoire qu'on connaît parfaitement entre les pétainistes et les gaullistes. Ça veut vraiment dire qu'il y a deux états d'esprit. Il y a un état d'esprit résistant, je suis désolé, des gens qui disent non. Voilà. Même seul contre tous, moi aujourd'hui je suis seul contre tous sur Beltrame. Seul, et tout le monde me tombe dessus, ouais tu vas avoir les services, tu vas avoir la gendarmerie, fais gaffe à la gendarmerie à Papeete ou à Tahiti, ils sont là. Ben oui, j'ai pas fui moi justement, c'est bien la preuve, je suis en France, donc la gendarmerie elle peut venir toquer à la porte là dans 5 minutes et venir m'embarquer dans un panier à salade. Donc arrêtez de dire que j'ai fui. À la limite, s'il y en a un qui a fui, si on veut lui dire du mal de lui, c'est Boris Lelay. Mais vu les procès qu'il s'est pris dans la gueule, moi, je vais pas tirer sur lui. Mais oui, lui, il est à l'étranger. Moi, je suis en France. C'est vous qui y êtes plus. Bon, donc le but du FN, c'est de faire croire qu'on est en démocratie. Et tous ces pétainistes là qui disent aller voter, parce que riposte laïque, ils disent voter FN, comme Aldosterone, comme Adrien Abosy, comme Alain Soral. Et Adrien Abosy dit du bien d'Alain Soral, ça c'est pas acceptable d'un résistant. Il a même dit, et là je vous renvoie, si je me rappelle, j'ai vérifié avant pour être sûr, vous allez à la 51e minute du rendez-vous dissident du Raptor sur Ménel, et vous allez entendre un truc hallucinant d'Adrien Abosy, le voile n'est pas un système oppressif de la femme. Et ça ne passe pas, je suis désolé, quand on a désigné l'ennemi qui est l'islam, ça ne passe pas. Mais son problème à lui, c'est qu'il a désigné l'ennemi et c'est pas l'islam. Voilà. Lui, son ennemi, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est l'oligarchie, c'est les Lumières. Alors faudra bien me dire qui est les Lumières aujourd'hui. Moi, je les vois pas, les Lumières. Je vois plutôt les ténèbres. Et donc, comme il désigne pas le bon ennemi, eh ben, il arrive à des mauvais, comme les pétainistes en 40, il arrive à faire alliance ou à tolérer l'ennemi, puisque même chez toi, Tepa, il a dit dédicace à l'Algérie et aux Algériens. Et il était pas ironique. Ça, c'est mais pas si. Vrai. Ça, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Il était complètement ironique. Ah non, non. Justement, je t'ai entendu ça. Je t'avoue, franchement, j'ai trouvé ça de mauvaise foi que tu dises ça parce qu'il était complètement non, ironique, mais complètement. Même s'il était ironique, c'est stupide parce que ça peut être interprété de l'autre manière comme moi je l'ai fait. Et sur ces questions-là, on n'est pas, tu vois. On rigole pas, moi je suis en guerre. Lui, il fait de l'ironie. Attends, c'était l'histoire de Sterone aussi. Ah non, j'ai appelé les Algériens à demander un maximum d'argent à la France, mais c'était de l'ironie. Attends, c'est bon quoi. C'est quoi ces gens-là? Ils sont pas sérieux. Ouais, mais c'est possible moi, ça aussi. Moi, Jean, je te l'avais dit ce que je pensais de ta vidéo, c'est parce que quand j'ai vu les arguments que tu présentais contre Aldosterone, j'ai pensé aussi la même chose en me disant, mais attends, et si c'était de l'ironie de la part d'Aldosterone? Que ça, je peux pas le savoir. Aldosterone, de toute façon, je dois l'inviter, je manquerai pas de lui poser la question. Mais, tu vois, c'est pareil, est-ce que c'est pas de l'ironie aussi de sa part? Est-ce qu'on peut pas dire, est-ce qu'il y a pas du quatrième degré? Ah mais le quatrième degré, si tu veux. Moi, en fait, il faut pas juger un homme sur une citation. Adrien Abosy, je t'ai cité l'histoire du voile. Et là, c'était pas de l'ironie. Il est très sérieux sur l'affaire Ménel. Comme Aldosterone qui dit, c'était de l'islamophobie, d'accord? Adrien Abosy dit, le voile n'est pas oppressif pour la femme. Bah, je suis désolé, le gars, soit n'y connaît rien, mais j'en doute, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est ça le problème avec des Abosy et des Soral, tout ça. Ce sont des gens intelligents, comme les pétainistes de l'époque, qui mettent leur intelligence au service de la collaboration. Et c'est ça, moi, mon problème. Et moi, je leur tends la main à ces gens-là pour qu'ils viennent de notre côté, du côté de la France. Parce que là, ils sont du côté de l'islam. On fait pas de compromis avec ces gens-là. Et donc, on peut pas juger une personne sur une citation. Donc, l'ironie, ok, une fois. Mais 25 fois, comme Aldosterone, moi, j'ai 25 preuves sur le site que je rappelle, sterongate.wordpress.com. Allez vous faire une opinion vous-même. Quand vous dites que le Coran n'est pas antisémite, hein, et que Zemmour fait le jeu Al-Qaïda en le disant, quand vous dites que Tariq Ramadan, les filles qui l'a violée, elles le méritaient bien, quand vous dites tout un tas de trucs à la con comme ça, ou que vous êtes algérien, ou qu'ils font, je fais partie de la nation arabo-musulmane, et que mes frères passent avant tous les autres, je veux dire, et quand il va dans une mosquée chiite, se faire appeler frère et parler devant la profession de foi musulmane, au bout d'un moment, si tu veux, et c'est pareil avec Abosy, s'il y avait à la limite que ça, mais non, il a aussi fait l'apologie d'Alain Soral. Moi, je suis désolé, je sais qu'il y a des Soraliens qui écoutent, sans doute, parce qu'il y en a partout maintenant, comme les collabos en 40. Ces mecs-là, moi, sur ton plateau, je les avais qualifiés de Déa et Dorio, hein, Soral et Dieudonné. Donc, si on est clair comme moi, sur la stratégie qu'on désigne l'islam comme le nazisme, ces mecs-là se couchent devant l'islam. Hein. C'est égalité et soumission. C'est pas égalité et réconciliation. Et même Maurice Jean, tu vois, l'a dit sur ton plateau. Voilà. Il a dit, c'est de la soumission, c'est de la taquilla à deux balles. Je suis pas d'accord avec Maurice sur beaucoup de choses, mais là, il a raison. Donc, il faut arrêter. Mais lui, il joue sur les deux tableaux. Il est dit de Pierre Hillard. Enfin, voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est pas clair. Moi, je suis clair. Quitte à trancher, quitte à me mettre beaucoup de gens à dos, j'en ai rien à fiche parce que moi, j'ai Dieu de mon côté. Voilà, j'ai la foi, je suis désolé. Et un gars comme Adrien Abosy, je peux lui reprocher énormément de choses sur l'islam, comme je viens de le faire, mais aussi, il se dit, oui, les pétainistes voulaient sauver des âmes. Lui, je veux dire, Pétain était républicain. Van Est lui a dit sur ton plateau, et il n'a pas bougé une oreille à Abosy, parce qu'il sait que c'est vrai, il n'a rien à dire là-dessus. Il a soutenu un républicain contre De Gaulle, le catholique. Okay, donc déjà, c'est pas cohérent. Deuxième chose, je l'entends jamais citer de versets bibliques. Et ça, c'est dérangeant quand on se dit un homme de foi. Voilà, moi, je t'en ai déjà cité un certain nombre. Je vais t'en citer d'autres, d'ailleurs, parce qu'on va me dire... ouais. C'est pas tout à fait vrai, mais je pense qu'il veut pas faire trop de prosélytisme, parce que moi, j'ai déjà fait des interviews avec lui où il cite des versets bibliques, mais on va pas remettre en cause, tu vois, de toute façon, et c'est un érudit, Adrien. Mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je l'ai jamais entendu, moi, citer. Avec quel point ? Ah si, il en a déjà fait, hein, sur, Oui, il a déjà cité les même vidéos, dans les premières émissions qu'on a faites ensemble. Il y a même une émission qui me semble, il en cite plein, quoi, justement. Pas et après, sur voilà. Pétain et De Gaulle, sa démonstration, elle est quand même éloquente. Elle démontre que l'affaire de, en fait, un méchant Pétain et un gentil De Gaulle, c'est plus compliqué que ça. Et comme je l'ai dit souvent, si on critique Pétain, il faut critiquer mille fois plus Léon Blum et la gauche, parce que ce sont eux la cause. Et aujourd'hui, je critique mille fois plus l'oligarchie catho-marxiste que même Soral, tu vois, à la limite, ou même Abosi. Mais le problème, c'est que ces gens-là sont contre moi. C'est pas moi qui suis contre eux. Enfin, c'est trop facile, ça. On est opposés, comme en 40. Il y avait des collabos qui pensaient être patriotes. Et là, aujourd'hui, Abosi vient te justifier. C'est ça, je trouve, qui est grave. C'est qu'il vient justifier les soumissions de la France, en te disant si c'était ça le patriotisme. Et ça, c'est le problème d'un certain catholicisme. Parce que De Gaulle était catholique. Moi, j'ai rien contre les catholiques. On me dit souvent, ouais, t'es contre les catholiques. C'est faux. Intégralement. Moi, je suis gaulliste, justement. Je suis pas pro Pétain qui était républicain, ok, qui était baiseur, comme dit Soral, hein, à propos de quelqu'un d'autre, c'était un baiseur, Pétain. Alors, que Abosi, qui se pare de toutes les vertus du monde, là, vienne défendre un baiseur invétéré, qui n'avait pas de famille, et qui parlait du travail, de la famille, de la patrie, il travaillait pas, il avait pas de famille, et la patrie l'a donné à l'ennemi, comme l'a très bien dit Christian Van Est face à Abosi, et là, il avait rien à dire, parce que c'est ça, au final, De Gaulle, c'était un modèle personnel, hein, quand ceux qui connaissent un peu la vie de De Gaulle, ils connaissent son enfant trisomique, d'accord, il a pas avorté son enfant trisomique, d'ailleurs, il s'en est occupé comme personne, et ça l'a transformé. Donc, je suis pas en train de défendre De Gaulle dans tout ce qu'il a fait, parce que il est pas parfait, et puis à partir des années 60, il a fait n'importe quoi, il a justement justifié cette politique de rabia, qui fait qu'on est envahi aujourd'hui, et tout en dénonçant Colombé les deux mosquées, c'est ça qui est nul. C'est lui qui a fait le renversement d'alliance avec les américano-sionistes, hein, comme certains aiment dire. C'est lui qui a craché sur Israël en 67 pour ouvrir les bras au monde arabo-musulman pour des intérêts bassement économiques. Là aussi, le petit billet, non, ça marche pas. C'est pas l'honneur, là. De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Il l'a dit à propos de Pétain. Moi, je le dis à propos de De Gaulle. Voilà. Donc, juste pour citer un verset important pour ceux qui me critiquent, là. Ouais, t'arrêtes pas de critiquer, c'est faux. Je dis le bien et le mal que je pense des gens. Donc, c'est pas ça, une critique à charge. Une critique à charge, c'est dire, ouais, t'es un con, casse-toi. Non. Ceux qui ont regardé mes vidéos, c'est des vidéos d'une heure, souvent. Je regarde des heures de vidéos des gens que je critique, donc en bien et en mal, et je cite exactement les citations, les phrases qu'ils disent. Donc c'est pas vrai, je suis pas là à cracher sur tout le monde. J'essaye, justement, là, le proverbe 28-23, c'est celui qui ne prend les autres trouve plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Moi, je suis pas un flatteur. Même ceux qui veulent pas utiliser la Bible, vous avez la fable du corbeau et du renard, hein. Sur le tout homme, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, il y a même d'autres versets qui en parlent. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. C'est Proverbe 29,5. Donc, il faut écouter un peu les gens qui prennent des risques. Moi, j'ai toujours dit sur ton plateau, et les gens qui veulent être un minimum objectif sur moi le savent, je n'ai pas peur de froisser pour dire la vérité. Et je ne lèche pas les fesses des médias ou de l'oligarchie ou machin. C'est évident. J'ai encore rediffusé récemment ma première télé. J'ai passé tout le plateau sur le grill, y compris Alexandre Delval, y compris le présentateur, y compris les deux autres invités. C'était ma première télé, je leur ai cassé leur effet. J'ai sorti une feuille en leur disant « mais vous êtes une chaîne ». C'était France O en plus, j'étais même pas encore en Polynésie, je savais rien du monde ultramarin, et je leur ai dit « France O, c'est une chaîne à part, alors que nos compatriotes sont des compatriotes, sont des Français à part entière, et vous faites une chaîne à part, et c'est communautariste, vous avez travaillé sur Beurre FM, moi je l'ai dit en direct face au mec, et j'ai plus jamais été invité, voilà, évidemment, parce que quand on dit la vérité, voilà ce qui se passe. Mais c'est important, parce que moi je me projette, ça c'était il y a 8 ans, et là je suis aujourd'hui, je dis la même chose, et je varie pas mon discours en fonction de mes auditoires, ce que font beaucoup de ceux que je suis en train de critiquer. Donc moi, je critique pas pour rabaisser les gens, j'essaye de les ramener dans la résistance. Alors, ça peut faire... Voilà, Conversano, ça lui a pas plu, je sais, il a réagi, mais selon moi, il a mal réagi, comme Hassen d'ailleurs. Ces deux-là, ils se sont énervés, ils ont réagi puérilement, et d'ailleurs, Hassen, ça lui est retourné sous la forme d'un retour de bâton, à tel point qu'il est venu s'excuser le débat d'après. Donc voilà... Et on a parlé stratégie calmement après, et c'était beaucoup plus posé. Donc voilà, la réaction de Conversano, moi, pour moi, elle est puérile. Dire j'entends un pet de Polynésie, c'est pas au niveau qu'on attend. Et il pourra se justifier demain, parce que tu l'invites demain, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Conversano, moi je t'aime bien, mais déjà le national-socialisme, c'était ceux qui nous occupaient, donc arrête, ils étaient de gauche, je te dis, écoute le Horst Wessel Lied, hein, nous sommes contre les rouges et la réaction, c'est qui aujourd'hui qui traite les gens de réactionnaires? C'est la droite peut-être, mais non, c'est les gens de gauche et d'extrême gauche, et ça il faut se renseigner, parce que sinon on tombe dans les pièges de l'oligarchie justement. Et donc, le FN aujourd'hui rassemble tout un tas de gens très hétéroclites, très hétérogènes, mais qui disent tous, il faut croire qu'on est en démocratie, qu'il faut voter. Et là, moi, je m'adresse à toi aussi, Tepas, qui croit qu'on est encore en démocratie apparemment, alors que tu as milité à l'UPR. Tu sais très bien qu'on n'y est plus au moins depuis 2005, voire même 2002, quand on a vu ce qui s'est passé en 2002. C'était tout sauf de la démocratie, hein, je parle du deuxième tour de l'élection présidentielle. Enfin, de l'entre-deux-tours déjà, et puis la réaction de Chirac, et puis de tout, les médias, enfin, voilà. Et aujourd'hui, résultat, tout le monde est au garde-à-vous devant Arnaud Beltrame et Macron et tout ça. Et vous voyez même pas, parce que c'est progressif, on est de 2002, c'était évident, à aujourd'hui Beltrame, et ben il y a plein de patriotes ou de gens qui se croient patriotes qui vont tomber dans les filets de l'oligarchie en disant, bah oui, Arnaud Beltrame qui a protégé l'oligarchie pendant 20 ans, qui a été rémunéré par l'oligarchie, qui c'est même pas c'était pas un truc de héros, faut arrêter, le héros il sauve les gens, lui il a sauvé personne, on dit cette caissière, mais elle aurait été sauvée quand même par le GIGN, donc c'est pas vrai. Faut arrêter de tomber dans ces pièges-là. Le héros, c'est par exemple le mec qui a désamorcé les bombes en bas de l'immeuble du 16e, je crois, ou je sais pas où. Moi, j'habitais dans le 16e, donc je sais ce que ça peut représenter. Il y avait des centaines de personnes dans cet immeuble qui auraient pu mourir et qui seraient morts, d'ailleurs, si ça avait explosé. Lui, il les a sauvés. Et ben, personne n'en a parlé. Voilà, c'est ça, un héros. J'ai vu ça dans un article récent. Mais personne ne le connaît, ce mec-là. Je suis incapable de même, tu vois, de répéter son nom. C'est ça, un héros. Et moi, je m'en fous que le gars soit lieutenant-colonel ou qu'il soit un civil. Celui qui sauve 100 personnes. Ou les Américains, tu vois, dans le Thalys. Ça, c'est des héros parce qu'il y a eu zéro mort. Zéro. Il y a eu quelques blessés, mais c'est tout. Et ben, Beltrame, il a rien sauvé du tout, et surtout pas au niveau de son rang. Ce mec-là était une élite. Et à tous ceux qui me crachent dessus en me disant, ouais, en fait, tu lui craches sur sa tombe. J'ai beaucoup plus d'estime pour ce gars-là que tous ces laudateurs réunis. Parce que moi, je suis pour la protection des militaires français, des gendarmes français et des policiers français. Je veux pas qu'ils se suicident, justement. Je veux pas qu'ils soient emmenés dans là où l'oligarchie les emmène, avec cette propagande maintenant où on fait des suicidaires des héros. Parce que son père s'était suicidé, hein. Ça, on l'a pas rappelé. C'est pas relayé dans les médias de l'oligarchie. Il y a juste la Dépêche qui a fait un article là-dessus. Son père s'est suicidé et il l'a su une semaine avant de se suicider lui-même, hein. Donc voilà. D'accord, je te trouve dur, moi, avec ce que tu dis, oui, les collabos, les pétinistes, Abosi, bon, je suis pas tout à fait d'accord. Il se dit pétiniste ou pas? Je sais pas s'il se dit pétiniste, mais en tout cas, il réhabilite, oui, la mémoire du maréchal Pétain, oui, c'est clair. Parce que lui, il a carrément dit... mon grand-père a sauvé un aviateur américain, moi je l'aurais tiré dessus, je suis un collabo, tu vois. Et ben ce mec-là, il est avec qui? Hein? Il est avec Soral, il est avec Abosi et tous ces gens-là. La nouvelle opinion publique, c'est n'importe quoi, son concept, ça tient pas debout une seule seconde. Il y a des gens là-dedans qui sont d'accord sur rien. Il a mal défini l'ennemi. Voilà. Et ben ça marche pas son truc. Il y a des gens qui sont contre l'ennemi qui s'appelle le nazisme, d'accord, et l'oligarchie qui était l'oligarchie vichyste à l'époque, qui est l'oligarchie catho-marxiste aujourd'hui. Et puis c'est tout. Et donc quand on virera l'islam, eh ben on virera l'oligarchie avec, parce que ces gens-là ils marchent de pair. Aujourd'hui c'est des questions de vote et de démographie et d'argent. Encore le petit billet, voilà. Toujours le petit billet. Donc les résistants gaullistes revendiqués comme moi, ok. Moi je sais que Van Est il se dit c'est un de mes auteurs, donc en plus tu vois ça me fait mal parce que ce mec-là il dit Arnaud Beltrame était un héros. Bah non, merde. Pas toi, Christian. Pas avec tout ce que tu sais sur le gaullisme. Tu viens pas nous défendre un gars qui a échoué. C'est pas un héros, un mec qui échoue, faut arrêter. Nous, on est là pour rétablir la démocratie et l'honneur. Pour répondre à la question de... pardon, de la demoiselle, là, qui me posait... Je suis un peu emporté, mais... Ouais. D'ailleurs, je vais prendre une autre question. La question, c'est quels sont les moyens d'y arriver. Oui, parce que t'as pas expliqué. C'est vrai que, Jean, tu n'es pas venu fondamentalement... Voilà, ça aussi, je voulais te poser la question. Tu as dit, oui... En me comprenant dedans, en me disant oui, comment tu arrives encore à croire à une solution politique et à appeler les gens à aller voter alors qu'il y aura, il y a pas de solution derrière dans cette voie-là. Alors c'est quoi la voie selon toi? Vas-y, explique-moi. Est-ce que déjà, je vais te l'expliquer, mais est-ce que déjà t'es d'accord sur le fait qu'on n'est pas en démocratie? C'est important. Alors qu'on soit pas en démocratie, oui, je le comprends. Maintenant que on sortira pas de ce merdier par une solution politique, j'ai du mal à voir autrement, en fait. Ou alors qu'on m'explique. Voilà, mais la politique, ça se limite pas aux élections. De Gaulle, il a fait de la politique ou pas, en 40? Bien sûr. Il a fait de la diplomatie. Ah oui. Donc, il a pas appelé à voter pour Pétain, lui, à ma connaissance. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a un système qui est... c'est pas exactement pareil, mais on peut dire c'est super Pétain. Là, voilà, il y a des mini Pétains comme Abosi, puis il y a des grands Pétains comme Macron. Bon, super. Alors on a que Pétain en face de nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. La politique, ça consiste aujourd'hui. Je parle là aujourd'hui en 2018. On a Internet. Je l'ai souvent dit depuis 15 ans. C'est pour ça que ça m'énerve un peu de me répéter. Mais De Gaulle, il avait la BBC. Nous, on a Internet, les gars. Et on est dessus là. C'est grâce aux Américains. Moi. Donc aujourd'hui, il y a Trump. Ok. Donc ça, c'est une première chose. On peut pas mettre de côté ce gars-là qui est protestant. Et je suis désolé. C'est pour ça que l'anti-américanisme primaire. Ça ne tient pas une seconde. Entre Obama et Trump, c'est le jour et la nuit, ok? Mais Trump, c'est lui qui a été élu et il est protestant et c'est lui que beaucoup de pétainistes d'ailleurs disent ah super Trump, et puis au final, bah ils oublient de dire qu'il est protestant évidemment parce que ça rentre pas dans leur case, tu vois? Mais il est protestant et il est soutenu par un pays encore majoritairement protestant. Pour combien de temps? On ne sait pas, parce que là aussi, comme en Suède, ils sont envahis par les catholiques et les catholiques, c'est les Mexicains qui représentent un tiers de leur immigration. Et là, au moment où on parle, il y a 1500 de gars du Honduras et du Salvador et de ces gens-là qui fuient leur pays de merde parce que c'est le catholicisme qui est dominant et qui est monoethnique souvent. Donc c'est pour ça que là, je renvoie Hassen et Conversano à leurs inconséquences. Eh bien, tous ces gens-là, ils viennent envahir les États-Unis et Trump dit non, on va construire un mur et on veut pas de vos conneries. Il dit pas catholique parce que il sait, évidemment, il est plus intelligent que ça. Mais le problème aux États-Unis, c'est l'immigration de masse, sauf qu'elle est catholique. Et donc, elle est beaucoup moins nocive que chez nous, l'immigration musulmane, où là, c'est carrément le choc des civilisations, quoi. C'est pour ça qu'on doit se débarrasser de l'islam. Donc, on a un modèle. C'était les gaullistes en 40. Et moi, je parle pas des gaullos communistes, hein, parce que ça, c'est trop facile aussi. Ah ouais, les gaullos communistes. Déjà, il oublie de dire, Adrien, quand il dit ça, que jusqu'en 41, les communistes, ils étaient avec Pétain, et qu'à Vichy, c'était que des mecs de gauche et d'extrême-gauche. René Belin, c'était la CGT, d'accord? C'était numéro 2 de la CGT. C'est celui qui a fait, après, tout un programme qu'a repris le CNR derrière, en effet, avec, là c'est là où De Gaulle, là je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, et ça nous a effectivement fait perdre beaucoup de temps, avec le CNR et toute cette politique de sécurité sociale obligatoire, de retraite par répartition, qu'avait mis en place Vichy, bref, mais bon, là je m'éloigne, donc, moi ma stratégie elle est simple, les gars, c'est comme en 40, il faut pas réinventer la roue, ça a marché en 40, je vois pas pourquoi ça remarcherait pas aujourd'hui. Il faut juste l'adapter avec ce qu'on a à disposition. On n'a plus Londres à disposition, Londres est musulman, hein. Londres est à à l'ennemi. Donc, comme ça, c'est terminé. L'Angleterre est en grande partie à l'ennemi. Il y a des tribunaux de la charia là-bas partout qui ont émergé comme des champignons. Donc, c'est foutu. Et ça sera aux Anglais de se débrouiller. Et nous, on doit faire alliance, nous, les résistants français, avec les résistants anglais, comme Tommy Robinson et d'autres, à condition que, là aussi, Tommy Robinson ne tombe pas dans les, les pièges de l'oligarchie et de l'islam, puisqu'il a rencontré l'équivalent d'aldostérone, mais là-bas, avec lequel il veut se faire des trucs, mais non, ça marche pas. Donc même Tommy Robinson, vous voyez, dit, si vous écoutez cette interview qu'il a faite de cet imam, il dit, moi j'ai grandi avec les musulmans, je suis d'accord pour accueillir plus de musulmans s'ils viennent en paix. Donc quand on entend ça de la part du meilleur résistant anglais, on se dit, putain, c'est foutu. Mais à mon avis, les meilleurs résistants anglais, ils sont en prison actuellement, c'est les mecs de Britain First, hein, mais ça c'est encore autre chose. Oui, mais concrètement, ça veut dire mais concrètement, voilà. Tu n'es pas expliqué... J'y viens. Le maquis, aujourd'hui, il est numérique, ok ? Il est pas... vous n'allez pas aller dans le Vercors, je veux dire. Ça n'a pas de sens. On a changé de situation. Donc, il faut prôner la paix, déjà. Ça, c'est vachement important, parce que j'entends beaucoup de gens... alors, qu'ils le veuillent ou pas, un gars comme Conversano, c'est vu comme étant un appel à la guerre civile. Qu'il le veuille ou pas, donc il faut qu'il en prenne conscience, et j'espère qu'il y répondra demain, parce qu'il peut dire « Non, moi j'appelle pas la guerre civile », mais concrètement, c'est ce qu'il fait. Donc il faut qu'il gère ce problème, parce que son approche racialiste, là, ça ne marche pas. C'est une mauvaise stratégie. Comme je l'ai démontré à Hassen, 90% des Blancs aujourd'hui sont de gauche et d'extrême gauche, hein, donc ça ne marche pas. Ils ont été endoctrinés par l'oligarchie marxiste, donc ça ne marche pas. Donc il faut prôner la paix, mais être ferme, c'est-à-dire on a un ennemi aujourd'hui parmi nous, c'est un autre peuple qui s'appelle l'islam, les musulmans. On peut les respecter et dire, écoutez, vous avez vos croyances, nous déjà on nous a pas demandé notre avis, hein, pour que vous veniez en masse. Et là, de plus en plus vite, en plus, et puis avec une démographie galopante. Personne nous a demandé, parce que justement on n'est pas en démocratie, tu vois, tout ça se tient. Donc, il faut demander aux musulmans de partir dans un pays musulman. En plus, il y a un concept dans le Coran qui s'appelle la hijra, qui a été développé, tu vois, moi je tends la main, le cheikh Imran Hossein, qui a été révélé par Soral. Et ben, ce gars-là dit, les musulmans doivent partir, c'est dans le Coran. Vous êtes mécréants si vous êtes sur une terre non musulmane. Et la France est une terre non musulmane, et elle restera non musulmane. Vous pouvez me faire confiance. Et à tous les patriotes français qui se battent pour qu'elle reste non musulmane. Donc, prenez la paix, ça veut dire, écoutez, vous êtes musulman, la France n'est pas musulmane, elle ne le sera jamais, et elle peut pas tolérer qu'il y ait un autre peuple parmi elles, ça s'appelle une cinquième colonne, et c'est pas acceptable. Donc, ce qui va se passer, c'est pas dur. Il y a deux choses qui vont se passer. L'une ou l'autre, plutôt. Soit, vous allez continuer, parce que tout le monde va se coucher devant vous, parce que les mecs veulent vos voix et le petit billet, ok ? Croit qu'elle va pouvoir vous contenir comme elle croyait pouvoir contenir Hitler, et ben vous allez nous envahir, et donc il y aura la guerre, parce qu'on va pas se laisser envahir, et même si on nous a désarmés, ça va pas se passer comme ça, enfin je veux dire, on va pas mourir, vous êtes fous ou quoi. Il faut regarder la pression démographique, il faut regarder les migrants qui arrivent de partout, il faut regarder l'idéologie qui est au pouvoir. C'est une idéologie pro-islam à fond. Donc on va pas se laisser faire, c'est pas possible. Tous ceux qui défendent comme moi, ou même comme Riposte Laïque et tout, des idées anti-islam, on est invité nulle part, on est diabolisé partout. Donc voilà. Et donc, vous êtes musulmans, on veut que vous viviez en paix. Mais on vous dit, vous ne vivrez pas en paix chez nous. C'est pas possible. Ça aurait été possible si vous étiez 500 000 et que votre démographie était la même que la nôtre. Mais là, vous êtes 10 millions, les gars. Et peut-être plus. Il y a comment il s'appelle ce sociologue là de Chirac, Azouz Begag. Il a dit, je sais plus, sur une chaîne de télé tout à fait officiellement, il y a plus de 10 millions de musulmans en France. Il l'a dit il y a déjà 5 ou 6 ans. Ou plus. Donc voilà, faut arrêter avec la fable des 5 millions de musulmans, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, eh ben la France sera musulmane si on fait rien. Donc c'est tout. Et c'est pas des Arnaud Beltrame qui vont inverser la tendance, hein, il est mort. Donc voilà. C'est ça aussi où j'en veux à des gens comme ça qui sont autant compétents, autant qualifiés que lui et qui se jettent dans les bras de l'ennemi et croyant je sais pas ce qu'il croyait, mais voilà, il a fait une erreur, il a fait une faute, et c'est Mélenchon qui a raison, c'était de l'altruisme absolu, c'est justement l'humanisme, cet humanisme de merde là qui est au pouvoir, et c'est ce que dénonce Adrien Abosi, mais je suis sûr qu'il pense que Beltrame était un héros, voilà. Donc c'est là où il y a une contradiction, ça marche pas. Donc, il faut pas tomber dans le piège de la violence. Moi, je suis contre la violence. Déjà, je suis soldat du Christ. Tu me demandais c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est le Christ dit à Pierre, range ton épée dans ton fourreau parce que ce qui vit par l'épée meurt par l'épée. Donc, il faut pas, surtout pas, agresser nos... J'ose pas dire compatriotes, tu vois, parce que pour moi, c'est un autre peuple. Donc, je les considère pas comme français. Je suis désolé pour les musulmans qui m'écoutent. Mais voilà. Vous avez eu le temps. Quand je suis passé chez Topin en 2014, j'ai dit, il faut faire un Sanhédrin, les gars. Parce que l'islam est pas compatible avec la France. Et si on regarde depuis Chevènement, déjà, tous vos représentants, là, ils ont refusé que le droit d'apostasie ne mène pas à la peine de mort pour vous. Donc, l'islam est anti-musulman. Moi, c'est pas moi qui suis anti-musulman, c'est l'islam. Moi, je suis pro-musulman. Je vous dis, je veux votre bien. D'ailleurs, je veux que vous convertissiez à Jésus. Donc, je veux la vie éternelle pour vous. Mais je vous dis, si vous restez dans ce pays ou en Europe, vous serez pas en paix parce que l'islamophobie, elle va exploser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole du gouvernement turc qui a dit qu'il y a un holocauste qui se prépare en Europe. Pour les musulmans, hein. Voilà. Donc, il faut écouter même les vôtres. C'est Erdogan, là, on est dans la caserne de Tepa. C'est Erdogan qui parle des mosquées comme des casernes et des musulmans comme des soldats. Bon. Donc là, on est en plein dans le sujet. Donc voilà, il faut que vous preniez conscience de ça. Et nous, les résistants français, c'est notre mission que de le dire sereinement, mais pleinement. Il faut pas. Alors, je sais que c'est difficile dans une France occupée, justement, parce que si on critiquait les nazis et on leur demandait de partir, bah, qu'est-ce qu'ils vous répondaient, hein? C'est là où on voit une force d'occupation, justement. Mais moi, je suis en Polynésie. Ici, il n'y a pas d'islam, donc je peux me permettre de le dire. Bon. Donc après, pour ceux qui peuvent pas le dire, il y a d'autres choses à faire. Vous pouvez aller sur les plateaux télé. Et là, je suis désolé. C'est toujours, on est dans une guerre de l'information, voilà, c'est ça qui est important. Il y a un maquis numérique et il y a une guerre de l'information à mener dans les médias. Invité ou pas, moi je me suis invité moi-même, je suis désolé, et j'ai démasqué un certain nombre de gens. Je me suis fait un peu connaître comme ça, à commencer par Ardisson, Didier Deschamps, vous regardez les vidéos en ligne. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Okay, tout le monde peut aller sur les plateaux télé, commencer à enrayer la machine oligarchique. Et ça, c'est des grains de sable. On est tous des grains de sable qui pouvons enrayer cette machine. Ça coûte rien. Il faut juste des couilles. Ah, ça, je sais, il y en a plus beaucoup en France. Mais justement, ceux qui en ont encore, ils pourront démontrer que c'est les chefs. Ben voilà. Je suis désolé, c'est comme ça que ça s'acquiert les galons dans cette nouvelle résistance. Si le gars, il est pas capable d'aller même à plusieurs, je vous demande pas d'aller comme moi tout seul, ou la deuxième fois j'étais avec ma femme, mais je vous demande pas d'aller comme ça au front tout seul. Mais il est là le front, il est dans les médias oligarchiques. Donc je l'ai dit en 2014, personne m'a suivi. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand j'étais passé, je sais pas si tu te rappelles de pas, la semaine ou deux semaines après, j'avais lancé mon concours là, et puis j'ai fait moi-même le boulot. C'est-à-dire, je suis intervenu au grand journal, et puis encore après, un peu plus tard, à la radio. Donc voilà, moi j'ai fait le boulot, je suis désolé, ceux qui me qualifient de lâche ou je sais pas quoi, est-ce qu'ils ont eu le culot d'aller une seule fois dans les médias pour dire à BHL en face à face, BHL dégage, je sais pas, par exemple, je dis au hasard, tu vois, mais les mecs de l'oligarchie, ils passent souvent dans les médias, profitez-en. Vous les avez là. C'est encore en direct. Même si c'est pas en direct, vous les emmerderez. Et puis voilà. Après, vous serez peut-être fiché, je sais pas quoi. On s'en fout. Moi, je suis sûr que je suis fiché. Et alors, vous préférez crever à genoux ou vivre debout? C'est ça, on en est là. Donc quand vous irez dans les médias, vous les emmerderez déjà. Et vous vous ferez connaître. Alors après, c'est sûr, il faut assumer. Mais si vous êtes de la résistance, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une résistance où... Alors il y a des choses similaires et il y a des différences. La résistance de De Gaulle, elle prenait pas les armes, ça on a oublié. Mais c'était les communistes, voilà, ces connards de communistes qui tiraient sur les nazis et qui faisaient des représailles. Enfin, les nazis faisaient des représailles derrière, donc c'était pas une bonne stratégie. La bonne résistance, celle voulue par De Gaulle et Jean Moulin, c'était passer des messages. Mon arrière-grand-père passer des messages dans son pain. Voilà, c'était de l'information. Tel aviateur anglais va atterrir à tel moment, tel endroit. Bah ça, c'était de l'information. Et c'était déjà une guerre de l'information. Donc, à l'époque, il se cachait. Aujourd'hui, il faut apparaître dans l'espace public. Et ce que fait TEPA, ce que font d'autres, voilà, c'est déjà une première étape. Après, il faut voir dans quel camp vous êtes. Et ce que vous allez favoriser. Donc, mais moi, je pense que quand on va dans les médias, comme ça, enrayer la machine, imaginez. Là, on est tous, c'est facile, je veux dire, derrière son PC, commenter, machin. Mais essayez de voir ce que c'est de mener une opération, déjà. Oui, mais dans les médias, une opération pour... on ne peut plus. Les styles directs ne sont plus en direct, c'est précisément pour ça. Parce que dans ce cas-là, le direct, il est arrêté s'il y a vraiment une intrusion de quelqu'un qui peut être dérangeant. On n'a plus la possibilité, comme avant, de s'exprimer dans les médias, comme c'était le cas il y a encore 10 ans. Et les gens comme nous ne seront jamais invités. Donc même dans le public, les irruptions sur une émission enregistrée, ça sert à rien, on sera coupé au montage, et sur une émission en direct, sachant qu'ils ont 2 ou 3 minutes de latence justement pour les problèmes, ce sera coupé aussi. Et ils remettront l'émission au moment où la personne aura été évacuée. Alors, ces 2-3 minutes de latence, c'est un mythe. Moi, je l'ai fait et je sais que c'est un mythe. On m'avait tous dit, tout le monde m'avait dit, tu verras, il y a ces 2-3 minutes. Et ben, c'est passé. Moi, Deschamps, tu peux le regarder, ça a été vu par 10 millions de personnes sur 80 médias différents. Ça a été repris. Alors, la seule chose qui n'a pas apparu, c'est mon nom, hein, évidemment, parce que les vrais résistants, on n'en fait pas la promotion quand on s'appelle l'oligarchie. Là, voilà. C'est pour ça qu'un Soral et un Dieudonné, désolé, on en fait la promotion tant et plus. Donc, les 2-3 minutes, c'est faux. Ensuite, même si tu enrayes une émission monter, ça va les faire chier quand même. Tu vas enrayer un peu la machine, mais je suis d'accord avec toi, le mieux c'est de faire en direct. Mais il y a des émissions en direct. À ma connaissance, il faut faire un scan complet, il y a des émissions en direct avec du public, il faut y aller les gars. Il faut pas se dire, ah non, il y en a pas et donc je fais pas. Est-ce que tu as étudié toutes les émissions qui existaient dans le PAF y compris NRJ 12, y compris ces merdes. Moi, j'ai été sur le plateau de Morandini aussi. J'avais oublié ça encore. J'ai fait avec 10 mecs. On est tous allés sur le plateau et on s'est tous barrés en même temps. Alors, certains vont dire, ouais, ça a servi à quoi? Eh ben, c'était pour montrer l'exemple. Parce que ça veut dire que c'est possible. Tous ces mecs-là, ça les déstabilise. Et nous, on apparaît dans les médias de l'oligarchie. On se sert des médias pour se faire notre promo, en plus. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'argent ou je sais pas quoi. Donc, il faut voir. Et ça, c'est, je vous parle que de la première étape, évidemment. Et je vais pas là dérouler toute ma stratégie une fois que cette première étape est acquise, c'est-à-dire elle sera acquise quand effectivement tous les médias auront arrêté tous les directs avec public. Là, ça sera une première victoire, parce que ça voudra dire, voilà, le système est complètement verrouillé, il le dit lui-même. Donc, on n'est pas en démocratie, et là, il y a beaucoup de Français qui vont se réveiller, déjà parce qu'ils auront vu plein de patriotes venir sur les plateaux, enrayer la machine, dénoncer BHL, dénoncer Attali, dénoncer Macron, Sarkozy, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là qui nous occupent mentalement, il faut les prendre en face. Ces gens-là sont nos ennemis. Donc il faut rester courtois. Moi, avec Deschamps, j'ai été courtois, j'ai dit Deschamps était dopé. Voilà. Je l'ai répété en boucle et quand on a commencé à me virer, j'ai dit liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Voilà. Donc les gars étaient complètement. Il y avait Natacha Polony qui a pris la défense de ce pauvre Deschamps. Voilà, tout. Là, il y a des masques qui tombent automatiquement. Natacha Polony résistante, elle est bonne celle-là. C'est encore une marxiste de plus. Bref. Donc. Il n'y a pas que ça à faire. Si vous pouvez partir de métropole, c'est-à-dire de la France occupée, pour éviter le bain de sang qui arrive, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, y a un bain de sang qui arrive. Là, on est juste après l'attentat de Carcassonne. Il n'y en avait pas eu pendant 5 mois, mais ça veut dire qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Hein. Je suis désolé pour les gens qui s'étaient illusionnés en disant ah bah ça y est, Daesh est mort, donc il n'y a plus rien. Et bah c'est le contraire. Maintenant, c'est la vague qui va venir. Il y a des gens qui vont se réveiller parce qu'on leur dira de se réveiller. Ça s'appelle des agents dormants et ils vont commencer à buter tout le monde. Et ben voilà. Donc si vous voulez vivre ça et dans cette crainte-là, et ben restez en France, mais à ce moment-là, en ex-France, mais à ce moment-là, prenez vos dispositions. Sachez où vous mettez les pieds. Parce que c'est trop facile de critiquer Jean Robin. Ouais, t'es un lâche, t'es parti. Moi, je prends mes risques, ok? Et vous allez voir dans la deuxième partie de l'émission que je prends des risques et beaucoup plus que n'importe qui, je pense. Vous pourrez juger sur pièce. Donc, je suis incritiquable à ce niveau-là. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes prêts à la guerre civile, parce que concrètement, quand il y a des musulmans qui veulent votre mort, ça s'appelle la guerre civile, même si Riposte Laïque disent non, c'est pas le même peuple, donc c'est pas une guerre civile. Moi, j'appelle ça une guerre civile, raciale et religieuse. Quand on peut pas sortir de chez soi sans se dire, est-ce qu'on va commencer à me faire chier, soit parce que je fais pas assez ramadan, soit parce que je suis une femme et je suis pas voilée, ton 06, machin, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une balle dans la tête, ok? Donc si vous voulez ça... Eh ben, sachez que ça arrive. Donc, soit vous restez en France et vous l'assumez, soit vous partez en Polynésie ou à l'étranger et vous constituez, si vous n'êtes pas des lâches, vous constituez la France libre, ok? Libre de l'islam, notamment. Si vous allez dans un pays comme les États-Unis, et il faut faire quelque chose avec lui, alors ça c'est un autre truc, il faut qu'on se constitue, nous les patriotes, comme la France libre, je suis désolé, en interlocuteur des grandes puissances. Oui, bien sûr, mais parce qu'au bout d'un moment, on dit que la France libre de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une grande partie des résistants qui étaient restés en France. Si on n'a plus personne en France pour se battre, bon bah on a perdu le terrain, basta. Hein. Si vous voulez rester en ex-France, hein, vous êtes en France occupée là, très bien, mais assumez-le. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui veuillent assumer ça, mais qui même se rendent compte de ce que ça représente. Mais si vous voulez le faire, si vous êtes attaché à votre ex-France, là où il y a des mosquées partout, je sais pas, moi c'est pas mon cas, hein, mais je peux comprendre. Et, alors qu'est-ce que vous allez défendre, hein, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir des armes. Vous n'avez pas le droit de... Même si vous, on vous cambriole, vous tirez sur le mec et vous allez en prison. C'est ça l'oligarchie. Alors, on prend l'exemple que il y a une majorité des gens qui te suivent. Comment tu récupères le territoire français? Tu l'abandonnes donc à l'ennemi, clairement. Plus français le territoire. La France, elle est ici. Hein. C'est comme en 40, la Polynésie, elle avait rejoint la France libre en juillet 40. Okay, c'est pas un hasard. C'est très important de le savoir. Mais une majorité de Français ne va pas me rejoindre. Il faut arrêter. Les résistants, c'est maximum 1% de la population au bout de 4 ans, comme en 40. Donc moi, je ne m'attends pas à des flots de gens, soit qui vont venir en Polynésie, soit qui vont commencer à résister de l'intérieur. C'est pas vrai. Il faut une prise de conscience. Déjà, quand je vois d'où je pars avec Beltrame, et des gens qui m'insultent et qui me traitent de tous les noms, parce que j'ai dit la vérité sur ce mec-là, et que je respecte évidemment sa vie. Moi, je veux sa vie, je veux pas sa mort, mais tous ceux qui l'applaudissent voulaient sa mort, en fait. Un Mélenchon, il est content parce qu'il est mort, le gars. Alors, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de catholiques, l'évêque aux armées, là, qui dit « Ah, c'est christique, machin, arrête !» C'est Judas qui s'est suicidé, c'est pas Jésus. Hein. Jésus, il a été assassiné. Bon. Donc, pour répondre à ta question, il y a beaucoup... c'est pas moi qui vais sauver la France, hein, attention. Il y a des gens qui vont me rejoindre ou qui vont créer leur... Parce que la résistance, c'était pas tout le monde rejoint De Gaulle d'un coup, hein, ça s'est pas passé comme ça. Il y a très peu de gens qui avaient entendu l'appel du 18 juin. Donc, moi, déjà, je me compare pas à De Gaulle. Et puis surtout, les gens s'organisent entre eux. Okay, là où ils sont, avec les moyens qui sont les leurs et leur compréhension des choses. Et au bout d'un moment, il y a un rassemblement qui se produit naturellement, parce que les événements font que, bah, quand il y a 10 attentats par jour, effectivement, il y a des gens qui comprennent. Parce qu'il y en a qui ont besoin de ça pour comprendre, je sais pas pourquoi, mais moi, déjà, Charlie Hebdo, c'est bon, j'avais compris. Hein. Donc, mais bon, chacun a son niveau, son seuil de tolérance. Mais quand tu as 10 attentats par jour, ou quand tu as un quartier entier qui déclare qu'il veut le califat, par exemple, comme ça va arriver, ça aussi, c'est évident, le 93, vous croyez que ça va durer longtemps? Comme ça, ou c'est déjà, on peut pas y aller sans se faire emmerder si on est blanc, demain, ça sera, maintenant, c'est le califat ou rien. Donc, ces gens-là, ils vont se rassembler, et puis ils vont faire ce qu'il faut, c'est-à-dire une guerre de l'information. Début, sur Internet, il faut qu'on se rassemble entre nous, donc ça c'est pour ça que des initiatives comme celle de Tepa sont géniales de ce point de vue-là. Il faut contrer les stratégies pétainistes perdantes et collabos, là comme je suis en train de le faire, je sais que ça plaît pas, mais au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui comprennent ce que je dis, donc faut pas non plus me dire « Ouais, Jean-Robin, t'es un débile, il y a personne qui te suit », c'est pas vrai. Allez sous les commentaires de mes vidéos, vous verrez, il y a des militaires qui me suivent et qui disent « Oui, l'armée », mais ça, ils ont pas le droit de le dire, donc ils parlent sous pseudo, mais ils ont pas le droit de le dire, ok, que leur armée, elle s'effondre, il n'y a pas de commandement comme en 40. Beltrame, c'est une défaite. On a célébré la défaite. C'est grave. C'est comme en 40. Il y a des gens qui se sont réjouis de la défaite, hein, Maurras, hein, une divine surprise. Et ben voilà. Maurras, il a collaboré. Donc, il faut contrer ces stratégies perdantes, là, de Sterone, d'Abosi, sur Beltrame, de Soral, et même Conversano. La stratégie racialiste, moi j'étais content avec Hassen, parce que le deuxième débat, je vous y renvoie, il a été beaucoup plus pesé, beaucoup plus intelligent que Conversano, d'ailleurs, dans sa réponse, et il a dit, oui, la stratégie anti-islam est beaucoup plus porteuse que la stratégie racialiste. Parce que ça rassemble personne, hein. Alors que la stratégie anti-islam, c'est mondial. On est dans une guerre mondiale, les gars. Allô? Je sais pas si vous avez pris conscience de ça. Donc, comme en 40, c'est une guerre mondiale, et on n'est pas tout seul. Donc, il faut se rapprocher des autres. J'ai cité Tommy Robinson. Il y a des résistants un peu partout en Europe. À l'islam, justement, ils ont leur oligarchie. Excuse-moi, Jean. Mais est-ce que, justement, parce que tout à l'heure, t'as expliqué, voilà, quelque chose de très juste, tu dis, Daniel Conversano, sa stratégie racialiste, elle est pressentie et elle est, ressentie même complètement par les gens comme un appel à la guerre civile sur une base raciale. Mais toi, quand je t'écoute, finalement, c'est le même concept, sauf que c'est déporté sur l'islam. C'est-à-dire, tu dis, il faut qu'on rentre en guerre contre l'islam, Mais c'est la même guerre civile finalement, sauf que ce sera pas des blancs contre des noirs et des arabes, mais des blancs, des noirs et des arabes mélangés avec des noirs et des arabes et aussi des blancs en face, ça, finalement. D'accord? Donc on demande aux musulmans, qui sont des adultes majeurs et vaccinés, et puis qu'ils expliquent ça à leurs enfants. La guerre, c'est déjà la guerre en fait. Moi je suis halluciné par le fait qu'il n'y ait pas de riposte. Tu te rends compte? Ça veut dire soit on est complètement mort, alors ça c'est possible, mais alors dans ce cas-là, bon ben voilà, c'est mort, soit on est vraiment très très très tolérant. Mais le peuple français, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, hein, notamment la Furia Francese ou ce qui s'est passé à la Révolution, c'est ok, on encaisse, on encaisse, on encaisse, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'évolution, c'est la révolution. Et quand le peuple de France se réveille, c'est un massacre, hein, pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui veulent rester, bah qui restent, c'est leur problème. Mais moi, je veux pas faire partie de ce truc-là parce que je sais que ça va finir en massacre, en bain de sang. Mais Dieu me l'a dit. Alors je sais pas, ceux qui croient pas en Dieu me prennent pour un dingue, mais c'est. Mais c'est d'ailleurs marrant parce que tu vois tous ceux qui croient en Jeanne d'Arc là, ouais, vive Jeanne d'Arc, machin, je me prends pas pour Jeanne d'Arc, mais c'est les mêmes souvent qui me disent ah, t'entends des voix, t'es un con. Bah voilà, bah Jeanne d'Arc était une conne, alors désolé. Bah, disons, généralement, on a coutume de dire que être religieux, c'est parler à Dieu, et que généralement, si c'est Dieu qui parle, c'est vrai que ça craint. Mais bon. C'est Dieu qui, moi je parle pas à Dieu, hein, c'est Dieu qui me parle. En tout cas, Et d'accord. lors de ma conversion, voilà ce qu'il m'a dit, ça va être un bain de sang, va en Polynésie. Je suis désolé, j'y suis, et jusqu'à présent, ça s'est pas démenti, parce que j'ai été converti le 18 décembre 2014, et le 20, donc 2 jours après, il y a des voitures qui commençaient à rentrer dans des gens en criant Allahu Akbar à Dijon, à jouer les tours et ailleurs. Regardez l'historique, ça a commencé à ce moment-là, ça s'est pas arrêté depuis et ça va aller crescendo. Parce que quand, moi j'ai toujours dit ça, quand un blanc, parce que ça a déjà commencé en Europe, il y a un gars en Angleterre, mais c'est évidemment personne n'en parle dans les médias français, hein, mais en Angleterre il y a déjà un mec qui est rentré dans une mosquée, il a renversé des gens et tout ça, il s'est pris la perpétuité. Où est-ce que j'avais... Bon, il y a eu Breivik, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En Italie. En Italie. En Italie, il y a le mec qui s'est fait un carton. Et alors, imaginez, ça n'a pas eu lieu en France encore. Mais ça va arriver. Je le souhaite pas, au contraire, mais vous pouvez pas laisser autant d'attentats systématiquement musulmans, systématiquement contre des non-musulmans. Et qu'on me fasse pas le coup du oui, il y avait des musulmans dans le truc. Donc, non, ça c'est Didier Bourdon qui a très bien répondu à Edoui Plenel là-dessus. Oui, les islamistes tuent des musulmans, donc. Ah ouais, mais les nazis, ils tuaient pas des Allemands? Voilà ce que Bourdon a répondu à Plenel, et l'autre, il se l'est fermé sa grande gueule, parce que franchement, ça c'était un très bon moment. Mais dans la stratégie, il faut demander par exemple à des gens que je considère moi comme pétainistes aujourd'hui, les Asselineau, l'UPR, les Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, hein, qui va se pavaner là-bas au CIPAC, c'est facile. Moi je demande au FN et à l'UPR et à tous ces partis de merde là, excusez-moi, qui ont coulé la France depuis, alors l'UPR depuis 10 ans, le FN depuis 40 ans quand même, hein, tous ces gens-là qui veulent nous faire croire qu'on est en démocratie alors qu'on n'y est pas, et ben ils font comme Pétain. D'accord? Ils se présentent comme des grands patriotes, et puis derrière, ben, ils empêchent les gens d'agir. Parce que c'est ça, concrètement, ils empêchent les gens de rejoindre le maquis. Voilà. Donc moi, je demande à ces gens-là de se dissoudre. Demain, là, si je pouvais, je les dissoudrais, tous ces partis de merde, qui font, c'est comme Zemmour, je le virerais tout de suite, parce que lui, c'est l'alibi anti-islam du système. Ah, c'est facile, il y en a un seul qui critique l'islam dans les médias, ouais. Mais c'est toujours le même. Donc c'est un alibi. En plus, le gars est juif. Comme ça, on peut déchaîner l'antisémitisme des gens en disant, regardez, il n'y a que les juifs qui ont le droit de parler. Eh ben voilà. Donc comme ça, vous voyez un peu le jeu de l'oligarchie. Ce que tu nous proposes, c'est d'essayer de rallier tout le monde à la cause. À cause, et après, ça va couper. On n'a pas entendu la fin, puisque tu es contre le catholicisme. Je suis pas contre le catholique. Enfin, oui, je suis contre le catholicisme, mais là, c'est pas le sujet. Je suis pour les catholiques qui sont résistants. Moi, De Gaulle était catholique. Il n'était pas sur la ligne de l'Église catholique de l'époque. On l'a oublié. Qui était sur la ligne de l'Église catholique de l'époque? C'était Pétain et les pétainistes qui étaient soutenus à bout de bras par l'Église catholique. Comme aujourd'hui, l'Église catholique, comme par hasard, soutient l'immigration de masse. Et depuis 40 ans, je rappelle, Le Pen, à l'heure de vérité 1980, je sais pas combien, Henri de Virieux lui demande, alors, là, vous avez le Conseil des évêques de France qui vous dit et vous condamne votre politique anti-immigration. Et ben voilà, ça c'était il y a 40 ans quasiment, ou 30 ans, je sais pas combien de temps. Les gars sont comme en 40 du côté de l'ennemi de la France. Et c'est pas la première fois dans l'histoire, mais là, je vous ferai cette parenthèse. Donc, il faut dissoudre. Mais il faut dissoudre comment ? Qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, là, les Français métropolitains, qui sommes dans la merde ? Parce que, concrètement, là, la seule chose que tu proposes, c'est de partir. Non, et... j'ai dit, mais non, pour aller dans les médias, il faut pas partir, il faut aller dans les médias. Il n'y a pas de médias ici en Polynésie, hein, je te rassure. Ici, c'est pas. Moi, je suis pas venu, d'ailleurs, pour passer dans les médias. Jean, on va aller dans les médias. On va dénoncer une situation. Certes, vas-y, je veux bien entendre, mais... il faut bien que ça débouche sur quelque chose. C'est-à-dire, politiquement, il faut bien qu'il y ait un projet derrière. Ça peut pas être comme ça. On va dans les médias, on fait des coups d'éclat, on va parler de nous pendant un moment, et puis après. Faisons ça. Il faut déjà le faire. Hein. C'est facile de dire, et après. Déjà, faisons-le. Moi, j'ai une stratégie complète. Dans l'absolu. Je pense ce qui se passera. Moi, ça fait 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas combien de temps que je le dis, personne ne le fait, je suis le seul. Donc déjà, c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'y a personne en France pour aller sur un plateau dire « BHL, dégage !» Attends, c'est pas sérieux. Donc, ces partis-là, s'ils ne veulent pas se dissoudre, et à mon avis, ils ne voudront pas se dissoudre, il faut que les gens qui militent pour ces partis, ou qui sont sympathisants, arrêtent de le faire, se rendent compte que c'est un piège de l'oligarchie. Je rappelle Asselineau, oligarque, énarque, inspecteur des finances. Lui, il a deux propriétés en Polynésie. Hein. Je ne révèle rien, c'est dans ce qu'il a révélé pendant la campagne présidentielle. Il n'est pas bête, le gars. Hein. Il a gagné 10 000 euros net par mois pendant des années et des années et des années. Il a mis tout son petit pactole de côté ici en Polynésie, là où il n'y a pas d'islam. Hein. Le gars, il n'est pas con. Il se présente. Ça, c'était, vous en avez parlé avec... avec Maurice Topa. On avait dit, mais Asselineau, c'est pas possible, il a commencé du côté de Villiers. Bah oui, il est pas bête, il vous dit A et il fait B. Voilà, il se planque en Polynésie pour au cas où, tu comprends ? Il est pas con. Donc faut essayer de voir tout ça, tous ces discours là. Il y a des gens qui cachent très bien leur jeu, mais faut être plus malin qu'eux. Donc ces partis-là, ils se dissoudront pas demain, ils vont continuer à jouer le jeu de l'oligarchie, à vous faire aller aux urnes comme des moutons, parce que c'est pas ça qui va vous sauver. Là, on l'a bien vu avec Marine Le Pen, moi je m'égosille depuis 10 ans, on me dit « Ah salaud, t'es pas patriote, tu soutiens pas le FN ». Ah bah voilà, depuis 2005, on sait qu'on n'est plus en démocratie, c'est clair. Donc, il faut créer ce gouvernement provisoire, c'est ça le débouché. Je veux dire, De Gaulle, il n'a pas fait autre chose. Et puis ça a très bien marché, me semble-t-il. Donc il faut que la résistance intérieure se constitue, se rassemble. Ça, c'est clair. Et puis il faut que la résistance extérieure aussi se rassemble et se constitue. Oui, mais d'accord, mais, et puis, mais là, tu me parles d'une période, clairement, où les Français, déjà, un, pouvaient se rassembler plus facilement, parce que la situation était quand même bien plus claire, les nazis étaient devant nous, c'était facile quand même de les voir, c'était pas de l'imagination, comme t'as dit, on est dans une autre forme de guerre aujourd'hui, qui est d'un autre niveau, alors certes, mais en plus de ça, on a quand même la figure d'un De Gaulle, qui est presque, on pourrait qualifier d'homme providentiel, en tout cas, un De Gaulle, on n'en sort pas tous les 50 ans, je pense, donc on l'a pas le De Gaulle, là, qui va fédérer tout le monde. De Gaulle, il n'était pas un mec parfait non plus, mais il a su créer, il avait une bonne stratégie, déjà médiatique, il a pris la BBC, ça on le sait pas, on dit « Ah, Churchill lui a donné », c'est faux, c'est lui qui l'a pris à Churchill, quand on rentre dans le détail, il devait faire une seule émission le gars, et à la fin de la première émission, il a dit « Je vous donne rendez-vous demain », il a coupé, et Churchill a été mis devant le fait accompli, et du coup, bah, il a dit « Bon, ok, ton émission, demain, mais c'est la dernière. Et puis à la fin de la deuxième émission, nous retrouvons demain. Et voilà. Et c'est comme ça que la BBC, la France libre sur la BBC est née. Et c'était ça qui a résisté bien plus que, je sais pas, tout ce qu'a fait Pétain, là, je sais pas quoi, que défend Abosi. Franchement, faut arrêter. C'était une guerre de l'information. Donc, il y a d'autres gens. C'est vrai, on n'a pas De Gaulle, mais c'est bon, De Gaulle, ça va. Il n'y a pas que lui qui peut sauver la France. Hein. Nous, on est les Français. Voilà. Aujourd'hui, c'est nous qui devons le faire parce qu'il n'y a personne d'autre, figurez-vous. Donc, si nous, on ne le fait pas, bah, personne n'y arrivera. Voilà. Donc, il faut, je veux dire, le fait d'intervenir dans les médias quand on est résistant sur place, ça prouve déjà qu'on est résistant, qu'on a des couilles, je suis désolé d'employer ce terme, enfin, même pour une femme, qu'on a des, je sais pas ce qu'on peut dire. Alors, on a du courage. Pour aller sur un plateau, moi, je l'ai fait 3 fois. Eh ben, je sais ce que ça veut dire. Vous avez le cœur qui bat. Il y a tout un tas de trucs qui peuvent se passer. Vous êtes obligé de planifier ça. Tout ce qui peut arriver, on va vous prendre, on va vous surprendre. On va, ben, ça, c'est, je suis désolé, c'est de la planification militaire. Et il y aura pas un seul mort, pas un seul blessé. Vous allez juste exercer votre liberté d'expression dans un endroit où on vous l'interdit. Ben, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? Et une fois que vous allez pouvoir faire ça, vous allez voir, il y a des choses qui vont se débloquer. Et moi-même, je ne sais pas tout ce qui va se passer, mais tant qu'on ne passe pas par cette première étape-là, on n'arrivera à rien, à mon avis. Et les gens qui émergeront là parce qu'ils auront eu plus de courage que d'autres ou parce qu'ils ont été meilleurs stratèges que d'autres, le courage ne fait pas tout, hein. On peut être suicidaire aussi, comme les communistes, et faire n'importe quoi. Bon, ben ça ne marche pas. Donc ceux qui seront les plus stratèges, eh ben justement, seront les maréchaux et les généraux. Là, je vois dans la caserne de TEPA, TEPA, c'est le maréchal. Ben vas-y, t'es pas, fonce, va dans un média, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Donc vas-y, et puis là, t'auras tes galons dans la résistance, et puis on avancera comme ça, parce qu'il y aura un respect, une légitimité, et ça créera un nouveau rapport de force, parce qu'on aura enrayé la machine oligarchique. Aujourd'hui, la machine oligarchique, sont les médias. Même Laurent Ozon l'a compris, alors c'est pour vous dire. Mais moi, je veux pas qu'on casse les jambes des journalistes, comme il le dit lui, assez bêtement, parce que c'est stupide. Non, allez exercer votre liberté d'expression, vous avez le droit, c'est pas interdit. Et alors, pour revenir à ta question, Tepa, quand tu dis oui, c'est pas pareil, évidemment, il y a des similitudes, il y a des différences, mais aujourd'hui, Churchill, pour moi, c'est Trump, c'est évident. Et pour ceux pour qui c'est pas encore évident, ben, il faut qu'ils se réveillent. Donc, Trump, parfait non plus, je suis d'accord, mais Churchill n'était pas non plus, hein. Franchement, je vous ai raconté une petite anecdote là sur De Gaulle qui vous montre aussi qu'il a voulu faire assassiner De Gaulle, Churchill, et c'est Pétain d'ailleurs qui l'a sauvé. Donc vous voyez, moi je suis pas, je suis dans la nuance aussi, mais je sais quand même distinguer un gaulliste d'un pétainiste, surtout si le pétainiste le dit lui-même qu'il est pétainiste, hein, donc c'est quand même simple. Cette histoire dans les médias, ça va nous faire gagner victoire après victoire. Quand vous aurez 10 mecs qui diront à BHL ou à Attali ou ces mecs-là, dégage, on t'a assez vu maintenant, tu te coules la France, je ne sais pas ce que vous pourrez dire, mais c'est à vous d'y réfléchir là aussi. Il ne faut pas être violent, il ne faut pas être insultant. Bah, c'est ça le problème, parce que ce que tu dis là, d'accord, on va dire BHL dégage, mais après on se retrouve aussi avec les Antifa qui disent à Vincent Lapierre dégage, si moi ils me voient, ils vont dire te pas dégage, et machin, etc. Mais est-ce qu'on va mieux s'en sortir? Est-ce que c'est ça la solution qui va nous rendre notre liberté? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un projet derrière. D'accord, on va faire des coups d'éclat. D'accord, des coups d'éclat. Ça marche, ça va faire parler. C'est pas que des coups d'éclat, c'est des victoires. Je suis désolé. Moi, quand je suis allé sur le plateau de Canal+, 2 fois, hein, à Ardisson, j'ai été repris ensuite. C'est là où on peut pas savoir ce qui va se passer, parce que quand tu vas démasquer Ardisson en direct, ce qui n'avait jamais été fait avant moi, ce qui n'a jamais été fait depuis d'ailleurs, s'il y a que moi qui l'ai appelé menteur plagiaire en face, et ben il y a un gars qui s'appelait Schneiderman, que j'avais jamais rencontré, qui était l'ennemi d'Ardisson et qui s'est servi de cette histoire pour en faire un reportage de 5 minutes et qui est vu aujourd'hui des millions de fois sur YouTube. Quand je suis passé sur Canal+ avec Didier Deschamps, était dopé, et j'avais ciblé là le capitaine de l'équipe de France, donc c'était très symbolique et pour toucher tous les Français, parce que voilà, les Français aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le foot c'est le truc national, donc j'avais visé ce mec-là. Didier Deschamps était dopé. 80 médias ont repris cette information pour une audience cumulée de 10 millions de personnes. Ça, je suis désolé, mais on peut le tourner dans tous les sens. C'est une victoire, ok? Alors, c'est peut-être une petite victoire. Certes, ils n'ont pas cité mon nom. Et alors, c'est une victoire quand même. On apprend, on monte en compétence, on se légitime en tant que mouvement. Parce que, voilà, les résistants, ils gagnaient aussi des petites victoires qu'ils ne se voyaient pas forcément, mais on fait les comptes à la fin de la guerre, pas au début. Donc, il faut commencer par le commencement. Je sais que ça peut paraître petit, mais déjà, rien que ça, moi, j'en parle depuis 5 ans, personne ne le fait. C'est bien que c'est un peu compliqué. C'est pas si facile que ça. Donc, il faut déjà scanner tous les médias, voir qui sont ceux qui passent en direct avec du public, voir comment s'organiser. Est-ce qu'on fait ça seul? Est-ce qu'on fait ça à 2, à 5, à 10, à 20? Comment ça s'organise? Comment tu t'inscris? Enfin, c'est toute une logistique. Et c'est comme ça qu'on monte en compétence. Ça, c'est ma grande expression. Je sais que tout le monde se moque de moi pour ça. Bah, je suis désolé. Je la revendique, il faut qu'on monte en compétence. On n'est pas au niveau aujourd'hui. Et c'est avec des victoires. C'est peut-être parce que ça ne veut pas dire grand chose. Je ne vois pas du tout en quoi, à dire que Deschamps est dopé ou à s'imposer sur un plateau, quoi que ce soit, va faire gagner en légitimité. J'avoue que je n'arrête pas à ces gens. Bah, surtout qu'il n'y aura pas de mouvement derrière, il n'y aura pas de représentation. Non, il n'y a rien. Toi-même tout à l'heure, Jean, on est tous différents. On est tous, comment dire, enfin, il y a des gens ultra presque irréconciliables dans notre camp. Enfin, c'est un camp très, pour le moins, très éclectique. Donc, comment tu vas faire admettre même l'idée que tu puisses porter ou représenter des gens, puisque on sait qu'on n'est pas d'accord derrière. Ce sera pris comme une initiative personnelle. On s'en fout de pas être d'accord, honnêtement. Chacun est libre de ses opinions jusqu'à présent en France. Ce qui nous rassemble, c'est que d'une part, on est français, ok. D'autre part, on voit qu'il se passe un truc qui est inacceptable et que c'est urgent maintenant d'agir. Et donc, on veut agir avec honneur, d'accord, et courage. Et donc, on va démontrer ces choses-là en direct sur les plateaux télé, là où il faut un minimum de courage pour y aller. Et ensuite, victoire après victoire, il y a des gens qui vont émerger. Moi, je suis d'accord sur Deschamps, ça l'a même pas viré. Mais Ardisson, ça l'a viré du service public, hein, quand même. Donc, il n'y a pas... Ardisson, qu'est-ce qu'il veut dans les médias, franchement, c'est ridicule. Alors, puisqu'on est en direct, Jean, tu sais que voilà, il y a des gens qui font du fact-checking. On m'envoie la page Facebook du Centre islamique de Tahiti. Et j'y vois même une interview qui a été postée, alors c'est en novembre 2015, peut-être qu'il n'existe plus, l'imam Hicham El-Barkani du Centre islamique de Tahiti réagit aux attentats, et il est interrogé à la télé sur France 24. Ouais, moi je vais te faire du fact-checking sur du fact-checking, parce que c'est facile de dire fact-checking. Je n'ai fait que cliquer sur le lien que quelqu'un a envoyé sur le chat. Parce qu'il m'a dit, oui, regarde, il y a bien des mosquées là-bas, alors bon, j'ai cliqué pour voir ce que c'est. Voilà. Le renseigner, moi je suis sur place, hein, donc c'est dommage pour lui, il n'y a pas une seule mosquée à Tahiti, ok ? Ils l'ont viré, le gars qui voulait en créer une, elle n'a même pas eu le temps d'être créée. Donc, il avait 2 millions d'euros en poche, des Saoudiens, ils l'ont viré. Voilà, bon, ça, ben, c'est clair et c'est net. Je réponds voilà, en direct. Les gens en compétences et notamment sur la nature de l'oligarchie, parce que je veux dire, là où je vous rejoins, c'est que aujourd'hui on sait pas trop quelle est cette nature de l'oligarchie. Il y en a certains qui nous disent c'est les sionistes, ok, alors ça je l'entends depuis combien de temps, hein, par des gens qui font l'alliance avec l'islam, nos ennemis, donc au bout d'un moment il faut se réveiller. Il y a d'autres gens qui disent je sais pas, c'est les protestants. Attends, juste pour revenir, Jean, quand même sur le sionisme, tu ne peux pas nier le fait que toutes les élites sionistes soutiennent le projet d'immigration invasion. Absolument toutes. À part, justement, les quelques sionistes dits de droite comme Golnadel ou quoi, qui sont contre, et qui passent pour des mecs d'extrême droite, vilains fachos. Mais les autres sionistes soutiennent absolument tous le projet. Attali, BHL, machin. Voilà. Alors pas Finkielkraut, j'avoue. Mais les autres, ils sont quand même tous sur ce... Je veux dire, George Soros, sionisme mondial, il soutient le projet de migration. Bon, et contre Soros, et pour Israël, hein, donc il faut écouter. Et puis donc, si c'est tous, mais pas tous, c'est pas tous. Donc il y a des Golnadel, par exemple, ils dénoncent le CRIF. C'est intéressant. Mais moi, je m'en fiche des sionistes, machin. Moi, je vois que tous ces gens-là qu'on dit sionistes, ils sont surtout marxistes. BHL, son maître, il a pas dit c'est... je sais pas qui... celui qui a dit que son maître, c'était Lévinas, par exemple, donc un juif, c'est Finkielkraut, comme par hasard. Celui qui est beaucoup plus anti-islam que BHL, ça, qu'il faut qu'on me l'accorde, quand même. Même si c'est pas la panacée non plus. Hein. Moi, je suis pas du tout sur la ligne de Finkielkraut, séparatisme, islamiste, machin. Je pense qu'il a 10 ans de retard et que, franchement, bon. Mais un BHL, son maître à lui, c'est pas un juif, c'est pas un sioniste, c'est pas un machin, c'est Althusser. Et ça, vous regardez partout, c'est tout ce qu'il dit, il l'a dit à la télé, il l'a dit. C'est qui Althusser ? C'était le roi du marxisme en France, c'est celui qui était. Et il a tué sa femme, ce mec-là. Voilà. Donc, bon, peu importe qu'il ait tué sa femme, enfin, c'est quand même drôle à savoir. Donc voilà, Attali, c'était le Sherpa de qui ? Bon, j'espère que j'apprends rien, personne. Ben, voilà. Donc Mitterrand, c'était qui ? C'était un sioniste, peut-être ? Non, c'était un antisémite, d'accord, qui était masqué par tout un tas de juifs qui s'est mis devant lui, les Marek Alter, les BHL qu'il a mis à SOS Racisme, les Jacques Attali, parce que ce mec-là était un prince. Il faut lire Machiavel, il faut lire le prince de Machiavel. Mitterrand, c'était le Machiavel absolu. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé tous ses ministres au dîner annuel du CRIF, ok ? En 85, il a envoyé 17 ministres. Et c'est ça qui a fait... croire, je suis désolé, à plein de gens, y compris bien formés politiquement, que la France était tenue par les sionistes. Ça, c'était l'objet de Mitterrand. Voilà, il voulait faire croire ça, et tout en désignant les États-Unis comme grand... c'est la citation que reprend toujours Asselineau. Asselineau reprend la citation de Mitterrand, un collabo de la Francisque et tout ça, mais quand même, lui qui se dit gaulliste, il n'a pas... fleurit la tombe du maréchal Pétain par hasard, Mitterrand. Donc ça, c'est encore une des multiples contradictions d'Asselineau, mais je rentre même pas là-dedans, parce que le gars est irrécupérable, selon moi. Lui, oui, il fait l'alliance avec l'islam à fond de chez lui. C'est vrai, ça on peut en parler un mot, mais attends, Jean, quand même, je suis désolé. Tu dis, oui, par exemple, d'aller dans les médias, mais si tu parles de sionisme dans les médias, à n'importe quel niveau... Mais tu te fais dégager illico. Regarde Frédéric Poisson qui a osé parler d'un lobby sioniste. Il s'est mangé une avalanche sur lui en deux secondes. Et n'importe qui, aujourd'hui n'importe quel ministre et tout, qui irait dans les médias en disant « Oui, les sionistes », juste prononcer ce mot-là, elle sera mais c'est pire que ce qui va lui arriver. C'est la mort sociale immédiate. Bien pire même que sur l'islam. Faut le dire. Faut quand même l'admettre. L'islam, même si ça reste tabou, parce que la critique qu'on peut en faire, on peut la tolérer à un certain moment, mais ce sera toujours plus facile de faire passer une idée sur l'islam dans les grands médias que sur le sionisme. Quand même, ça vraiment, faut quand même l'admettre. Mais non, je sais pas comment vous le dire. Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. On est d'accord ou pas ? Absolument. Est-ce que Macron était pour ou il était contre ? Il a dit que c'était pas opportun, je crois. Contre. Je crois qu'il a dit que c'était pas opportun à l'époque. Ouais, semble, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire qu'il était contre. Il donc était contre, un sioniste, il est pour à fond. Vous voyez, donc c'est pas vrai. L'oligarchie, elle est anti-sioniste. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait là-dessus. C'est pas une question de est-ce que tu peux dire sioniste ou pas. Ça n'a rien à voir. Ah ben ça joue. Attends, il y a un mot qui est proscrit des médias et tu me dis. Non. Que sinon, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis pas d'accord. Ce mot-là, il est ultra proscrit. N'importe qui, dans n'importe quel média, qui va prononcer et parler du sionisme, eh ben, ce sera la dernière fois qu'il apparaîtra dans les médias. T'es sûr? Et il va se manger une volée de bois vert par derrière. Quand même, c'est vrai. On va me mettre là-dessus, mais c'est important. Tariq Ramadan, d'ailleurs, qu'aujourd'hui on ne voit plus pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Lui, il a dit les sionistes, combien de fois, hein? Et Pascal Boniface, il n'est pas invité tant et plus. Et si vous regardez tous ceux qui parlent, critiquent le sionisme là parce qu'ils sont de gauche et d'extrême gauche. Et Mélenchon, il n'a pas critiqué le CRIF par hasard. Ouais, mais regarde où il a fini. Regarde où il a fini, Ramadan. Regarde Mélenchon, il se fait éjecter par la LDJ d'une manifestation ouverte à tous. Tu finis mal. Mais non. Assemblée nationale ovationnée par tous les députés, d'accord ? En disant Arnaud Beltrame, héros, machin. Parce que le gars s'est suicidé, et lui, il adore les gendarmes qui se suicident. Parce que c'est une preuve d'altruisme absolu. Le remplacement de peuple. Hein, Renaud Camus, le grand remplacement, là. Lui, il applaudit Arnaud Beltrame, il voit même pas qu'un mec de l'élite militaire s'est remplacé pour une caissière. Alors, c'est même du féminisme poussé à outrance. C'est pour ça. Là, il y avait tout, dans cette affaire-là, il y avait tous les éléments de l'oligarchie catho-marxiste. Beltrame est catholique, il est franc-maçon. C'est une caissière, donc c'est le symbole du marxisme aujourd'hui. Hein. Tu donnes ta vie pour une caissière, ça y est, t'es un héros. T'as beau être un mec du top militaire comme la France en a besoin, le mec était en Irak, le mec a protégé l'Elysée, soi-disant, il y a un stress infini. Si tu te suicides pour une caissière, t'es un héros. Voilà, c'est ça la France de 2018. C'est quand même grave. Comment tu peux dire qu'il s'est suicidé? Excuse-moi. Il avait rien à faire là. Il était sur un lieu d'intervention. Je vois pas du tout le souci. Mais dire qu'il s'est suicidé. Il y avait probablement dans l'idée de prendre son arme et d'agir, de retourner la situation à son avantage, je veux dire. Et c'est ça. Donc, je vous pose une seule question. Hein. Est-ce que ce gars-là était militaire ou pas ? Les gendarmes, c'est des militaires, il me semble. Bien sûr. Ok, on est d'accord. Alors, est-ce que le rôle d'un militaire, c'est de répondre, d'obéir aux ordres ou pas ? Oui, encore une fois, en théorie. Alors, est-ce que ce mec-là obéit aux ordres ? Normalement, oui. Mais non, il n'a pas obéi. C'est la porte-parole des gendarmes, qui est une femme, là encore une fois. Vous savez, il y a tous ces ministres de la défense là, européens, c'est tous des femmes. Alors c'est marrant, là on est mal barré, hein, franchement. Et là, la porte-parole de la gendarmerie, moi j'ai rien contre elle, mais c'est une femme. Alors les militaires maintenant se font représenter par des femmes, c'est nouveau. Donc cette porte-parole-là, elle était invitée à C'est à vous, et c'était dit, évidemment pas aussi brutalement, mais on lui a demandé alors, est-ce que dans la gendarmerie vous pouvez donner ce genre d'ordre ? Elle a dit non. Voilà, non, ça veut dire il a désobéi, c'est un mauvais militaire, il avait rien à faire ici. Il a gêné le GIGN en plus. Pourquoi le GIGN a mis autant de temps à intervenir, hein, à votre avis ? C'est parce qu'il y avait un mec qui était genre, de l'élite. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Moi, j'en ai parlé de ce truc-là. Je suis hyper étonné. C'est vrai que le mec remplace et prend la place d'un otage. Bon, ça me paraît complètement christique, complètement. C'est presque un sacrifice, quoi. C'est hallucinant. Bon, bref, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas la question de ce qu'on disait que. Quand même, pour tu disais de d'identifier clairement qui était l'ennemi. Tu connais la maxime, celui dont on ne peut pas parler. Vous voyez vraiment qui a le pouvoir. Je crois que c'est Voltaire qui disait ça à peu près. Donc là, quand tu dis on va dans les médias pour parler, excuse-moi, je sais que tu pourras pas pousser une critique ultra poussée de l'islam certainement dans les médias, en tout cas de façon récurrente, mais tu ne seras pas autant, je pense, blacklisté. Au même niveau que si tu t'amuses à parler de sionisme, à parler du CRIF et compagnie. Alors, quand t'es un très grand homme politique, t'as vu même à la Mélenchon, ça finit très mal, à la fin tu te fais jeter quand même par la LDJ, etc., etc. Et encore, Mélenchon, il est presque au stade où il peut se permettre encore de parler un peu, mais tu vois, il le tape dès qu'ils peuvent lui en mettre une, en tout cas, ils lui mettent, c'est clair. Alors imagine pour un journaliste moyen ou un homme politique, bah, comme il y a eu Frédéric Poisson, il se prend une volée de bois vert, quoi. C'est vraiment la punition. Et ça, malgré tout, hein, suis d'accord avec l'analyse sur l'islam, mais on ne peut, crois-moi, on peut plus critiquer quand même l'islam que le sionisme, franchement. Non. Alors, réponds à ma question très précise. Est-ce qu'Alain Soral est vivant ? Habituellement, hein, je te parle là. Est-ce qu'il vit j'imagine, en ce moment ? Je sais pas au moment où on parle, mais est-ce je pense que. Dieudonné est vivant ? Je pense que oui aussi. Oui, c'est marrant, ils sont tous les deux vivants. Ça fait combien de temps qu'ils tapent sur le sionisme, ces gens-là ? Attends, y compris dans les médias. Attends, bah, ils te répondraient. Tu vois, putain, je vais pas me faire l'avocat d'Alain Soral, c'est un comble. Mais ils te répondraient regarde tous les procès, regarde toutes les menaces, les emmerdes que j'ai avec ça. Donc ça fait combien de temps qu'ils tapent ? Ils se retiennent pas, à mon avis, sur le sionisme. Si ? Bon. Ça fait combien de temps ? Ouais, mais. Non, ça fait ouais, mais comme je t'ai dit, à la hauteur des ennuis que ça leur a apporté. Oui, oh, les ennuis. Lis le livre de Marc-Edouard Nab, Les Porcs, tu verras que Soral dit ces cons-là, j'ai un procès et j'ai gagné de l'argent sur mon procès, d'accord ? Parce que les gens m'ont plus donné que ce que ça m'a coûté. Donc, c'est bon. Faut pas tomber dans la propagande de Soral. Lui, c'était toujours le petit billet. Tu sais, il parle toujours du petit billet. C'est parce qu'il connaît bien, lui. Enfin, ça a été démontré par d'autres que moi. Je vous renvoie aux travaux même de Salim Laibi, tu vois, qui est pas vraiment en odeur de sainteté chez moi. Mais là, il a fait le boulot. Il a démontré que, bon. Donc maintenant, j'ai pas fini ma question. En vivant ou pas ? Non, mais bien sûr, vivant. Mort. Ah non, il y en a 15 qui sont morts, t'es pas. Qui ? Ok ? C'est ça la différence. Attends, j'ai pas compris. Ils ont critiqué l'islam, d'accord ? Ils ont fait une caricature, ils ont fait un dessin et ils sont morts, d'accord ? C'est ça la réalité aujourd'hui. Tu ne meurs pas aujourd'hui parce que tu critiques le sionisme, c'est faux. C'est faux vrai. Et c'est faux. C'est vrai. Tu sais ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le sionisme. Ouais. Tu finis devant un tribunal et l'islam, tu finis avec des coups physiques, tu vois, la violence physique. Alors, ouais, allons-y avec le tribunal. Est-ce que Alain Soral, on lui a cramé sa caisse ? Est-ce que Pierre Cassin, on lui a cramé sa caisse ? Ah, oui. Pierre Cassin, oui. C'est sûr. Ouais. Et est-ce que Christine Tazan, elle a été condamnée pour dire islam assassin ? Bah, je crois que oui. Délit de blasphème, d'accord ? Soral ne dit jamais le judaïsme, machin. D'accord ? Il dit le sionisme, qui est une doctrine politique. Donc, bon, c'est pas pareil. C'est pas un délit de blasphème. Quand on critique, et puis en plus, lui, il est condamné souvent pour antisémitisme. Faut arrêter les gens qui disent, ouais, les sionistes, pour pas dire les juifs. Moi, je préférerais des gens comme Rissen, voilà. Je trouve que ce mec a plus de couilles, même si c'est mon ennemi politique. Eh ben, je suis désolé, il a plus de couilles que la plupart des antisionistes qui disent, oui, les sionistes, machin. Parce qu'ils osent pas dire juifs. Eh ben, moi, je suis désolé, je parle du lobby juif en France, avec le CRIF. C'est le lobby juif, ok? Et je vous fais remarquer que le lobby juif aux États-Unis est beaucoup plus puissant que le CRIF, et que là-bas, il y a le premier amendement qui nous permet de parler en ce moment sur Internet, qui permet aux nazis et aux antisémites de manifester dehors. D'accord? Ils ont leur propre manif, les gars. Est-ce que vous savez ça? C'est dans le pays où le lobby sioniste, comme disent les couards, ou les lobbies juifs, comme disent les gens courageux, est le plus puissant. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter cette histoire. Et là, j'en viens à la vraie nature de l'oligarchie. L'oligarchie, elle est marxiste. C'est parce que les gens sont marxistes en France, qu'un BHL qui se réclame d'Althusser, un Attali Sherpa de Mitterrand, qui est de gauche, hein, je suis désolé, d'extrême gauche, qui a fait rentrer les communistes dans son gouvernement, c'est la loi Guesso, d'accord ? Il n'y a pas de loi Guesso aux États-Unis, ni en Israël. Alors c'est marrant. Eh ben, ils nous l'ont imposé à nous. Pourquoi? J'ai expliqué ça dans une vidéo, je vous y renvoie. Pour faire diversion des crimes du communisme. Et dire, voilà, il y a une nouvelle religion, maintenant c'est la Shoah. Parce que les vrais méchants, c'était les nazis. C'était pas les communistes. Parce qu'on est dans un pays néo-communiste, néo-marxiste. Voilà. Et je vois que ça fait déjà 1h45 qu'on discute et que j'ai toujours pas donné mon scoop. Ah, ben, bah, tu peux, vas-y, ouais. Effectivement, c'est le moment. Je crois qu'on est en dehors de points. Je vais faire une pause de 3 minutes parce qu'il faut que j'aille pisser là. Je suis désolé, mais j'ai bu et du coup. Eh ben, ok. Vas-y, allez, petite pause de 2 minutes. Moi aussi, j'en profite. Je vous laisse la caserne officier pendant 2 minutes. Vas-y, Mickaël, pose ta question. Ça sert à rien, il est parti. Oui, je sais, pardon, je te trollais. Non, moi, c'est pas Mickaël. Donc les trams, ce n'est pas une personne qui est, on va dire, héroïque. Ok. Ce mec nage en plein délire. Je m'étais. Ah, mais à un moment donné, tu vas faire comme Papacito, genre, faut sortir son chlasse et faut que ça fasse claque, tu vois. Oui, mais lui, il dit que non. Il dit que celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Donc c'est totalement contradictoire comme discours, dans le sens où il dit aux gens de partir s'ils veulent éviter la merde, mais en même temps de rester pour aller aux médias. Et... Enfin, je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu de maquis et s'il n'y avait pas eu de résistants en France, on n'aurait jamais pu rien récupérer, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Bah, j'ai quelques questions à poser. Et puis, ce qu'il oublie, c'est qu'à l'époque, il y avait des forces militaires que là, on n'a pas, enfin, je veux dire, ou qu'on a contre nous, quoi. C'est quoi un lobby marxiste? Je comprends pas. Il est caustique, Jean. Une personne qui n'est pas Jean Robin est un marxiste. Oh. Ah. De retour, les amis, de retour. Et le nazisme est mauvais, mais enfin, ce n'est pas grave. On est toujours à l'antenne, je vous rappelle. Oui, on a été sage. Et je vérifierai. Moi, j'ai juste demandé c'est quoi le lobby marxiste, parce que je ne comprends pas. Ah bah écoute, très bonne question. Bah je lui poserai, et il a un scoop à nous annoncer, en fait. Ah non, il est pas revenu. Bah, dès qu'il revient, de toute façon. Sinon, tout le monde va bien en attendant pour combler les blancs. Oui. Oui, c'est ça quoi, va, Pierre va. De Grêle, nouveau nom? Oui, j'ai changé, excuse-moi. J'étais plus soft là, tu vois. Moi, je trouve ça magnifique. Monsieur Robin aurait quelques rapports avec feu Léon de Grêle. Ça lui fera plaisir. tu lui montreras aussi les photos que tu vas montrer des noirs qui combattaient dans la Wehrmacht alors. Voilà, mais il y a ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Ah bah là ça va le contrer sur le cosmopolitisme. Allô, mon cher Jean, tu es là. Voilà, je suis revenu. Ouais. Bon, ça va mieux. Alors, vous annoncez quelque chose d'important, je crois, justement dans la résistance française. Je ne fais pas que parler, et j'agis comme ceux qui me suivent depuis 10 ans le savent, et qui veulent être un minimum honnête, même mes ennemis politiques le reconnaissent. Donc, là, j'ai pris une décision, alors c'est là aussi grâce à Dieu, parce que il faut savoir que je fais une musculation chrétienne. C'est, je suis pas de Lavier, je n'ai pas les biceps, mais j'ai la cervelle. Et donc Dieu me pousse à me muscler en récitant ces versets, en apprenant un certain nombre de versets importants de sa Bible, et pour m'en imprégner. Et quand j'étais dans ce process, donc il a pris du temps, hein, c'est pour ça qu'il m'a fallu 3 ans pour intégrer tout ça, et à un moment je suis arrivé sur ce verset, donc pour y trouver Romains 12:1. Qui dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bon. Il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est tous des soldats, qu'on le veuille ou non. On est l'instrument de Dieu. Alors après, il y a ceux qui le croient, d'autres qui ne le croient pas, mais Dieu s'en fiche pas mal, c'est lui qui maîtrise tout. Donc il n'y a pas une molécule qui lui échappe dans l'univers. Il a un plan qui nous a annoncé depuis le début et qui est en train de se dérouler devant nous. Donc, quand j'ai appris, moi, ce verset, et qu'il a travaillé en moi, parce que c'est pas la première lecture qu'on peut forcément le comprendre, j'ai vu que j'y étais pas. J'étais pas au niveau. J'étais pas, il fallait que je monte en compétence. Mais ce verset a travaillé en moi, et je me suis dit, waouh, c'est quoi être un soldat du Christ, justement? C'est quoi faire la volonté de Dieu? Quand on est vraiment chrétien, on est patriote. Et c'est là où les pays protestants sont bien plus patriotes, si vous regardez, souvent. Alors, je sais quand même sortir la Hongrie, la Pologne. Ce sont des pays qui ont été occupés ou c'est des empires. Donc, faut arrêter avec cette histoire. Aujourd'hui, le pays le plus patriote, c'est les États-Unis avec Trump. Et comme par hasard, c'est un pays protestant. Deuxième pays le plus patriote, en tout cas en Europe, je trouve, c'est l'Angleterre qui a fait le Brexit. Ah, encore une fois, beaucoup de protestants là-bas. Donc, c'est pas un hasard. Et donc, patriote, ça veut dire mettre sa vie en jeu. Je suis désolé, au bout d'un moment, on peut tourner autour du pot, sans être suicidaire. Et c'est là où un Beltrame, franchement, c'est parce qu'il était catholique et franc-maçon qu'il a fait ce geste absurde. Ou alors, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Mais là, je rentre pas là-dedans, parce que c'est pas mon but. J'ai compris ce verset, en tout cas, quand je pense l'avoir compris, hein, je ne détiens pas la vérité de Dieu. Mais c'est comme ça que ça a travaillé en moi. Je me suis dit, ok, là, mon pays est en train de partir en sucette. Dieu m'a fait partir à l'autre bout de l'univers, mais je reste en France, et donc je suis en France, hein, même dans la vraie France, celle qui est libre, comme Londres, c'était pas la France, mais enfin, c'était libre du nazisme. Bon. Limite, si on veut comparer avec la France libre, c'était la France non occupée, quoi. On a peut-être divisé en deux, voilà. Donc moi, je suis dans cette partie de la France, si vous voulez me garder en France. Eh bien, il n'a pas fait ça pour rien, et il veut me protéger d'un certain nombre de choses que je suis peut-être un des seuls aujourd'hui à pouvoir dire sans risquer automatiquement la mort. Bon. Et si je la risque, c'est pas grave, puisque je crois en Dieu, donc je crois en la vie éternelle. Mais c'est ça, en fait, être patriote, c'est être capable de mettre sa vie en jeu. Voilà. Donc, quand j'ai compris ce verset, j'ai fait le tour un peu de ce qui pouvait être fait à mon niveau, parce que moi je suis journaliste et éditeur, hein, comme le savent ceux qui regardent mes vidéos, Jean-Robin, journaliste et éditeur, et soldat du Christ donc maintenant. Et donc qu'est-ce que je peux faire en tant que journaliste ou éditeur pour faire avancer ma cause, la cause de la France libre, c'est-à-dire une France sans islam et sans oligarchie de merde, marxiste donc, catho-marxiste. Au bout d'un moment, il a bien fallu que je me range à... Alors je sais plus, là, je saurais pas vous dire si ça m'est venu rapidement ou pas, parce que c'est un mélange, hein, on lit des choses. Mais en tout cas, la première chose, c'était ce verset. Tout est parti de ce verset, d'ailleurs comme la réforme protestante est partie d'un seul verset qu'a lu Luther, et ça a fait tilt en lui, c'était Romains 1,17, « Le juste vivra par la foi ». Ça a l'air de rien comme ça, et ben ce verset-là, il a changé le monde. Voilà. Pour vous dire la puissance de la Bible, et je vous invite tous à la lire, parce que franchement, d'ailleurs tout l'Occident est construit sur la Bible, et toute la Bible a été écrite par des juifs, donc là je m'adresse aux antisémites qui se croient patriotes, mais je ferme la parenthèse. Donc, et qui se croient pro-occidentaux, comme Hervé Ryssen, qui se sert des réseaux créés par les juifs. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui n'avait pas été faite depuis longtemps, au niveau de l'édition, qui pouvait être faite légalement, bien gérer le truc. Hein. Moi, j'ai jamais été condamné. Ça fait 12 ans, là. Je vais fêter les 12 ans de la maison d'édition. Vous voyez, dans 19 jours. Alors, on est le 1er avril. C'est pas un poisson, hein, je précise aussi. On en a parlé avant avec Topa, mais c'est pas un poisson d'avril. Vous pourrez vérifier dans une seconde, je vous dirai comment. Je vais fêter les 12 ans de la maison d'édition dans très peu de temps. J'ai jamais été condamné. Alors certains me diront, ah, c'est bien la preuve que t'es pas contre l'oligarchie. Ben non, moi je suis dans l'esprit Sun Tzu. Ok, Sun Tzu, c'était la meilleure manière de gagner la guerre, c'est de pas la faire. Voilà, c'est de biaiser pour faire tomber l'ennemi, pour qu'il tombe tout seul. Voilà, sans avoir même à tirer un seul coup de feu. Bon, ça c'est Sun Tzu. Hein, ceux qui me croient pas, ils peuvent lire. Donc moi, c'est ça ma stratégie. Et j'ai fait l'école de guerre économique et j'ai fait un certain nombre de choses que les gens peuvent vérifier. J'ai publié plein de livres contre l'islam. J'ai publié la judéomanie qui a jamais été attaquée. Il y a déjà 2006, il y a déjà 12 ans. Donc j'ai publié des milliers d'articles. Je n'ai jamais été attaqué ni en diffamation, ni en rien du tout. Et pourtant, il y a des livres qui sont vendus à plus de 10 000 exemplaires. Ces mères qui courtisent l'islamisme, etc. Bon, donc ça veut dire, je fais gaffe. Je peux arriver à des objectifs sans me jeter dans la gueule du loup comme Arnaud Beltrame, hein, j'y reviens pas. Donc, il y a un livre aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous y pensent, qui doit être publié, mais que personne au monde, et c'est pour ça que j'annonce là une première mondiale, en fait, mine de rien, il n'y a personne au monde qui a osé publier ce livre dans l'espace public depuis longtemps, qu'il est libre de droit, qu'il parle de nous et de notre avenir. Alors, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ? Absolument pas. De la Bible ? La Bible, mais certainement, non. Oui. Elle est publiée partout, la Bible. Un livre jamais publié, c'est ça ? La Bible. Disponible en ligne, intégralement, mais jamais publié sous forme de livre, et qui est paru, alors je vais vous donner un indice supplémentaire, il y a 7 ans. Les mémoires d'Hitler. Pas. Non, c'est non. Alors, Fayard va rééditer apparemment Mein Kampf, avec tout un appareil. Oui, ce livre-là, il est chaud, comme Mein Kampf, hein, je vous cache pas. À voir, parce que... bon, je le dis ou pas ? Donc, bah vas-y, parce que personne ne sait, là, visiblement. Ah, donc je vous annonce aujourd'hui, là, chez Topa, la caserne de Topa, qu'à partir de maintenant, d'Anders Breivik, la vente. Tu parles de son, donc, c'est ça ? Tu parles de son manifeste, là, du manifeste qu'il avait écrit 2083 ? Et pour le vérifier, vous pouvez aller, j'ai même pas été, mais normalement mon équipe a bien travaillé, donc si vous allez sur edition.tatami.com, vous allez voir en première, donc voilà, c'est en ligne. Voyez, ce livre est en vente officielle, et là je parle des librairies, c'est-à-dire qu'il est annoncé en librairie depuis 2 mois. Mon équipe de commerciaux a travaillé les 500 plus grandes librairies de France, mais c'était un secret de polichinelle jusqu'à présent. Et donc là, je vous l'annonce officiellement. Ce livre que personne n'a eu le courage d'éditer et que je porte tout de suite, hein, que je condamne le plus fermement du monde, les attentats commis par Anders Breivik. Parce que moi, je suis dans la paix et la non-violence. Hein, donc, mais je ne le publie pas, évidemment, pour ça. Je le publie d'une part, il y a beaucoup de raisons. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer dans tous les détails, parce que j'aimerais qu'il y ait un peu un échange. Mais là, vous pourrez voir sur cette page que le premier tome est déjà disponible, que les autres vont venir au fur et à mesure. Ils seront d'abord disponibles sur mon site, et puis après en librairie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 3 premiers tomes sont fondamentaux. Je parle là de la résistance française et même européenne. Et même canadienne, enfin francophone, parce que je le publie pas en anglais, hein. C'est pas prévu. Après on verra, mais pour l'instant c'est le français qui m'intéresse. Donc il y a 6 tomes, hein, ça représente à peu près 3000 pages en tout. Et je vais censurer les passages qui tombent sous le coup de la loi, évidemment, parce que dans ce livre, pour ceux qui s'y étaient un peu intéressés à l'époque, il y a des trucs pour créer des bombes, il y a des trucs pour tuer des gens, bon, bah, tout ça, je coupe, évidemment. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis ça tombe sous le coup de la loi, encore une fois, c'est pour ça que j'ai précisé que j'ai jamais été ni même poursuivi et encore moins condamné depuis 12 ans. Mais les trois premiers tomes, qui représentent donc 1500 pages à peu près, ne contiennent aucun élément qui tombe sous le coup de la loi, donc j'ai rien eu besoin de censurer. Et c'est en fait le constat que dresse Breivik, et là c'est assez ironique, c'est que ça se rapproche en fait de mes livres noirs. C'est pour ceux qui connaissent mes livres noirs, j'ai pas écrit une seule ligne de ces livres noirs, c'est-à-dire j'ai fait une compilation de sources, et à chaque fois j'indique la source, pour me mettre en arrière et mettre en avant des gens bien plus qualifiés que moi pour parler des sujets dont je traite dans mes livres noirs. Livres noirs de la gauche, livres noirs de l'islam, tout ce que vous voulez. Pareil pour les trois premiers tomes. C'est-à-dire qu'il a justement qualifié cette oligarchie de marxiste, marxiste culturel. Et là, on ne parle pas juste de la France, on parle de toute l'Europe, voire tout l'Occident, en fait. Et c'est très intéressant de savoir que lui, il n'a pas écrit une ligne, mais il a repris énormément de sources. Vous imaginez, 1500 pages de sources, ça va de Battier à Fjordman, qui est un gars qui a écrit sur le blog Gates of Vienna, en passant par tout un tas de gens, qui parlent justement de cette oligarchie, qui fait venir l'islam massivement. Et c'est pas le sionisme, d'après Anders Breivik et tous ces gens-là qui le référencent dans le livre. Alors, il s'est lui-même dit pro-israélien, d'ailleurs, parce qu'il considère, je crève tout de suite l'abcès, hein, parce que je sais, on va me dire, ah, ça y est, les sionistes lancent leur opération de communication. Ça, je le vois venir à 20 000 kilomètres. Hein, j'attends d'ailleurs le communiqué d'Alain Soral pour l'officialiser. Mais non, partie de l'Occident. Donc ce sont des Occidentaux qui sont là-bas. Souvent, ce sont d'ailleurs des Occidentaux qui sont partis vivre en Israël, donc c'est un peuple occidental. Alors que les gens qui lui font face, ce sont des anti-occidentaux. Et toute cette propagande de l'oligarchie anti-sioniste et marxiste a pour but de nous isoler d'Israël, depuis De Gaulle donc, qui a fait un renversement d'alliance. On était avec les Américains et les Israéliens à l'époque, en 67, on s'est retourné vers le monde arabo-musulman. Eh bien, c'était pour nous détourner d'Israël. Alors eux, ils sont tournés vers les États-Unis, hein, ce qui est un peu normal. Maintenant, même si on dit « Ok, c'était pas Israël », mais c'est au moins les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est Trump, et Trump, il a mis la capitale d'Israël à Jérusalem, et tous les anti-sionistes ou les anti-juifs ont hurlé, à commencer par Emmanuel Macron, notre cher président de l'oligarchie, donc, hein, que protégeait Arnaud Beltrame à l'Élysée pendant 4 ans. Petite incise. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai publié Breivik, il y en a plein, mais d'abord et avant tout, c'est pour défendre la liberté d'expression. Parce que c'est pas normal que ce mec-là, ok, c'est un terroriste, ça je suis d'accord, c'est un salaud, ça je suis d'accord, mais Che Guevara aussi, et on tresse des lauriers à Che Guevara, alors là, voilà, c'est là où on voit l'oligarchie vraiment qui défend les symboles. Moi, je vois pas les symboles du sionisme, je sais pas, Herzl ou je sais pas quoi, j'en entends jamais parler dans les médias d'Herzl. On s'en fiche d'Herzl. Par contre, Che Guevara et tous les héros, soi-disant, du marxisme, alors eux, ce sont des saints. Voilà. Et je cite dans l'avant-propos, puisque j'ai fait un avant-propos d'ailleurs, que vous pouvez lire en même temps, où je cite un passage de Marcela Yacoub qui vient vendre sa daube marxiste, là, l'apologie de Che Guevara, où elle dit que c'est un saint, et elle est invitée pour ça, et Ruquier la relance, ah mais pourquoi c'est un saint, etc. Le mec a tué 16 000 personnes, hein, ou fait tuer. Breivik, 77. Mais, pour une raison que j'ignore, j'allais dire, je sais très bien, c'est parce que le mec est de droite, la droite conservatrice, donc lui, il n'a pas le droit de tuer des gens, hein, c'est certainement pas un saint, moi je le considère pas comme un saint, mais même, on n'a pas le droit d'entendre ce qu'il a à dire. Par contre, Che Guevara, lui, c'est un saint, il a tué 16 000 personnes, dont beaucoup d'homosexuels d'ailleurs, hein, là je m'adresse au lobby LGBT, qui défendent ce gars-là alors qu'il a tué des homosexuels, franchement, comme l'islam aujourd'hui tue des homosexuels, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bon. Donc Breivik, dans les trois premiers volumes, il explique tout ça, et il fait la généalogie du marxisme en Europe et en Occident, et comment ça nous a tués, et qu'on en arrive à un Beltrame, ça c'est moi qui ajoute, mais voilà, la conclusion c'est un Beltrame. Donc on n'a pas dit l'essentiel sur Breivik, on n'a rien dit en fait jusqu'à présent, et c'est pas normal qu'on puisse trouver Marx à tous les étages, et pas Breivik. Donc jusqu'à présent, Là, c'est la première fois que je le dis officiellement. Alors, on va voir ce qui se passe, parce que pour l'instant, c'est officieusement, enfin, c'est dans les librairies, en tout cas, le livre est travaillé dans les librairies, donc les librairies ont passé des premières commandes, et donc, il n'y a pas eu pour l'instant, on verra ce qui se passe. Mais le livre est normalement en vente libre dans les librairies à partir, j'ai noté ça, du 14 mai. Et d'ores et déjà, sur le site de ma maison d'édition, là, que vous voyez, vous pouvez l'acheter et le recevoir. À partir de ce moment-là où je parle. Donc, je l'ai édité pour défendre la liberté d'expression, pour empêcher surtout que ces prédictions, parce qu'il fait des prédictions dans son bouquin 2083, c'est quoi ? C'est la libération de l'Europe, hein, déclaration européenne d'indépendance. Sauf que pour en arriver là, lui, évidemment, il fait la promotion du terrorisme à outrance, et du terrorisme mené par des petites cellules, etc. Et moi, je ne veux pas que ça arrive. Et c'est justement pour ça que je l'édite, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, je suis passé chez Tadi, j'ai fait une seule télé nationale, c'est chez Tadi, et j'ai dit, en 1930, il fallait éditer Mein Kampf, justement pour savoir à qui on avait affaire, armé contre ce gars-là, parce que la gauche ne voulait pas, sauf la LICA, bon, l'ancienne de la LICRA. Et bien c'est dans ce même état d'esprit que j'édite aujourd'hui Breivik, d'une part parce que les trois premiers tomes, j'ai rien, quasiment rien à y redire, c'est du constat pur, non endoctriné par le marxisme de l'éducation nationale socialiste française ou de l'école de Francfort ou de Foucault, Deleuze et tous les cons qu'on a à l'université française et qui nous pourrissent le cerveau. Ah, moi je veux que tous les patriotes français lisent. C'est pas que pour défendre, évidemment, on va m'accuser de vouloir faire de l'argent. C'est toujours pareil, les gens, dès qu'on fait un truc, ah voilà, tu veux faire de l'argent, mais bon, je reviens pas là-dessus, parce que j'ai démontré ceux qui voulaient faire de l'argent, hein, justement ce qu'ils faisaient. Moi, je mets ma vie là en jeu, je sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est un fait, ok? Quand on publie Breivik aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé à Richard Millet, d'accord? Tu en parlais de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à Richard Millet? Il a été viré de Gallimard, c'est un... quelqu'un qui est un pestiféré aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a rien dit, quasiment. Et en plus, il s'est trompé sur beaucoup de choses qu'il a dit. J'ai lu son texte. Bon. Donc voilà, c'est aussi, je le publie pour qu'on sache ce qui est Breivik, parce que dans les trois derniers tomes, c'est lui qui parle. Il cite plus les gens, mais c'est lui, il explique sa stratégie. Alors il y a plein de conneries là-dedans, évidemment, mais ça permet de comprendre, quand on parle de Céline là et de ses pamphlets antisémites, ben moi je suis pour leur publication, non pas parce que je suis antisémite, je suis anti-antisémite, mais je suis d'une part pour la liberté d'expression, et puis je veux qu'on sache qui était Céline, c'est-à-dire que c'était un génie et un salaud. Et ben je suis désolé, Breivik, ça va peut-être me retomber dessus sous une forme ou sous une autre, mais moi je pense que c'est un génie et un salaud absolu. Et c'est possible d'être les deux, voilà. Et notamment... C'est intéressant, c'est fondamental de savoir qui a fait que Breivik est devenu Breivik. Alors évidemment, il y a l'islamisation, il y a le marxisme, etc. Mais il faut savoir, et ça personne l'a dit dans les médias français, je suis le premier à ma connaissance, c'est que, je dis bien donc le marxisme, c'est une branche du marxisme, le féminisme a fait devenir Breivik un fou furieux qui voulait détruire tout le monde et qui veut faire péter des centrales nucléaires et tout ça, c'est dans son bouquin. Donc je laisse les partis qui tombent pas sous le coup de la loi, mais évidemment je donne pas ce qu'ils racontent pour faire péter les centrales nucléaires, hein. Je suis pas fou. Donc lui, il a été confié, tout bébé, à sa mère qui était à demi-folle, qui a abusé de lui, plutôt qu'à son père qui était un diplomate très haut niveau, qui gagnait très bien sa vie et très équilibré. Et ben le système norvégien, qui est là aussi, malheureusement, ça doit être plus protestant que la Suède, il était déjà bouffé par le féminisme, et donc les juges ont confié Breivik, à l'âge de 1 an, à sa mère, plutôt qu'à son père. Et sa mère a abusé de lui, et en a fait un monstre. Parce que c'est ça, la raison principale pour moi. Alors donc, ceux qui arrivent, on dit « Ah, c'est l'extrême droite sioniste !» Ou ça, c'est dans la résistance prétendue, ou c'est l'extrême droite tout court. Non, c'est le féminisme qui a fait de Breivik ce fou furieux. Et alors, eux, et ben, ce sont des gens qui ont une acuité extrême sur la situation dans laquelle on est, et ça, ce sont les trois premiers tomes où moi, je vous dis, c'est génial. C'est-à-dire, moi, qui suis là-dedans depuis 10 ans, hein, les livres anti-islam depuis la mosquée Notre-Dame de Paris et tout ça, j'ai appris des tas de trucs. Ça m'a fait monter en compétence comme jamais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'avance aujourd'hui. Peut-être que je peux voir qu'un Beltrame, c'est un traître et pas un résistant, mes fesses. Voilà. Donc, on n'a pas dit l'essentiel sur Breivik. Là, je suis en train de... Je ne vais pas tout dire parce que ça prendrait jusqu'à la fin. Et puis, je vais vous laisser un peu la parole. Mais c'est une œuvre historique, qu'on le veuille ou non. Elle doit être étudiée par des journalistes, des universitaires, etc. Il faut casser ce politiquement correct, la censure des pro-islam, etc. C'est aussi la censure des anti-islam. Breivik Talakt, il le dit lui-même. Il dit, mais moi j'ai voulu m'investir dans un parti en Norvège, et puis il n'y en a pas. Tous ces gens-là, on les a cassés, on les a tués, on les a... voilà, c'est un peu comme les gens du Front National en France, quand il était encore anti-islam, hein, je parle. Ces gens-là, ils n'avaient pas le droit. Et donc Breivik a dit, je fais mes attentats pour faire connaître ce manifeste. Voilà, donc, c'est important, moi, je c'est pas de la provocation, je sais que ça va être pris comme tel, mais moi j'ai énormément de... Je salue la mémoire des victimes de Breivik, évidemment, qui étaient souvent jeunes, des gens qui avaient l'âge que j'avais quand j'étais chez les Verts. Donc, c'est ce que je dis dans l'avant-propos. Breivik aurait pu me tuer, moi, hein, s'il avait été en France à cette époque-là. Donc, je ne vais pas défendre ses actes. Mais il justifie par le terrorisme, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que le terrorisme qui permettait de contourner la censure. Et ben voilà dans quelle société on arrive quand on met la marmite... quand on met le couvercle sur la marmite et que c'est la censure partout, et ben ça explose. Voilà. Et moi, ce que je veux empêcher, c'est qu'il y ait des Breivik partout, qui apparaissent un peu partout en Europe, ce qui est en train d'arriver là sous nos yeux, malheureusement. Et je sais qu'on va m'accuser, ah, tu as publié Breivik, donc c'est à cause de toi que les prochains qui vont passer à l'acte n'importe où en Europe ou en Occident, ben ça sera la faute de Jean Robin. Ça, je m'y attends, mais c'est évident. Sauf que non. Ces gens-là, ils sont déjà passés à l'acte, on en a cité un certain nombre. Et puis tant qu'il y aura cette censure anti-islam, et tant qu'il y aura plein de musulmans en France dont on ne sait pas qui est terroriste potentiel, qui ne l'est pas, parce que c'est impossible à savoir, le mec à Nice, il n'était même pas fiché S, et ben ça continuera et il y aura de plus en plus de Breivik. Donc moi, ce que je veux empêcher absolument, c'est l'émergence de ces Breivik, comme l'émergence de nouveaux Mohamed Merah et de Radouane, je ne sais pas quoi, tu vois. Donc moi je suis pour la paix, et la seule manière, et je veux peut-être profiter de cette plateforme qui me sera offerte avec la publication de 2083, parce qu'il y aura peut-être une polémique, je ne la cherche pas nécessairement, mais normalement c'est comme ça que ça se passe, je veux en profiter pour faire passer mon message de paix, c'est-à-dire les musulmans on vous respecte, simplement vous n'êtes pas français. Voilà, pour nous les patriotes français, l'islam... n'est pas français, ce sera jamais français, et la configuration fait que on n'a pas choisi que vous nous inondiez comme ça, que vous nous envahissiez, et même si vous êtes de bonne intention, on n'a pas le temps maintenant de faire la distinction, on peut pas mettre un policier derrière chaque musulman, ça c'est pas possible quoi, faut arrêter. Donc on dit stop et on dit pour que la paix reste, il faut que vous partiez et vous serez en paix. Enfin, en paix musulmane, hein. Donc après c'est à vous de voir, mais si vous êtes musulman, il faut que vous vouliez partir dans un pays où vous pouvez pratiquer votre religion, et nous, on restera chez nous, où il n'y aura pas d'islam, et on gérera nos problèmes entre nous. Oui, on n'est pas d'accord sur tout, là, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, te pas. Évidemment, on est français depuis Astérix, on le sait, on se tape sur la gueule, et alors, c'est ça être français aussi, bah tant mieux. Moi je veux garder ça, pas un acide comme l'islam qui va dissoudre notre peuple, qui va le soumettre et l'assujettir, et comme il l'a fait partout depuis 1400 ans où il s'est impliqué. Voilà, donc j'en reste là, et puis s'il y a des questions, ben, j'ai 45 minutes. Eh ben alors, je vais laisser la parole aussi un peu aux soldats. Qui est-ce qui veut enchaîner là dans les, faites un petit coup de verre avec votre micro que je vois. Alors mon ami San, vas-y. Ah, bah, je vais pas prendre les 45 minutes à moi tout seul, hein. Mais du coup, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean. Qu'est-ce qu'on fait? On se tutoie, on se vouvoie, tu préfères quoi? Qu'est-ce qu'il disait Mitterrand à Chirac? Vous pouvez me tutoyer? Bah, je préfère demander. Non, mais du coup, en fait, j'aurais juste une petite remarque à faire, c'est-à-dire que sur ton analyse sur les marxistes, etc., je te rejoins beaucoup, enfin pas à 100%, mais on va dire à 90%. En général, j'ai plutôt tendance à parler de bolcheviques parce que ça sonne mieux à mon oreille. Par contre, au niveau du sionisme, enfin, moi, je suis vraiment pas le genre à dire c'est les sionistes, etc. Mais c'est vrai que je comprends pas. En quoi tu as du mal à voir, je vais dire, la... je ne sais pas si je peux parler de mainmise des sionistes, c'est pas vraiment ça, mais l'implication en tout cas des sionistes. Alors tu as bien compris, je parle de sionisme ici parce que c'est pas ma caserne et j'ai pas envie que des gens aient des problèmes à cause de mes propos. Mais comme te l'a bien dit t'es pas tout à l'heure, on peut pas quand même nier l'implication des sionistes dans certaines choses. Par exemple, quand on parle de communisme, qu'est-ce qui a amené le communisme ? Notamment la montée du communisme en Allemagne avant qu'elle devienne l'Allemagne nazie. Pareil pour la Russie. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a amené la révolution russe ? Je veux dire, si c'est pas des sionistes, je vois pas ce que c'est. Ensuite, moi je voulais revenir, c'est sur tous. Ouais, vas-y. Parce que c'est pas forcément le sujet. Mais le sionisme là, dont on nous abreuve matin, midi et soir dans la chiassidence, comme dit Maurice Gendre, parce que j'aime bien cette expression, hein, elle qualifie bien un certain nombre de gens qui se présentent aujourd'hui comme des résistants alors que ce sont des collabos, c'est une stratégie de diversion pour qu'on ne tape pas sur le marxisme. Et je pense l'avoir démontré avec la loi Guesso, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais Mitterrand, il a divisé la droite avec la création du Front National. Ça, c'est plus à démontrer maintenant. Je pense que ça a divisé la droite et ça l'a diabolisé. Du coup, la gauche, tout le monde est devenu de gauche parce que, ah non, il y a l'extrême droite, vous comprenez maintenant, si on critique l'immigration, on est négationniste, hein, l'affaire du détail. Merci Jean-Marie Le Pen. Vraiment, et alors ses mémoires à lui, elles se vendent par centaines de milliers. Waouh, grand résistant, tu parles. Donc ça, j'en ai un peu marre. Mais Mitterrand était très malin. C'est le malin, hein. Moi je suis chrétien, donc il était très malin. Il baignait dans l'occulte, sa déclaration avant de mourir, là, c'est vraiment... C'est pour ça que quand Asselineau le reprend à son compte, c'est gerbant, franchement, je comprends même pas. Donc, tout ça, c'est une stratégie de diversion. Voilà, c'est tout. C'est le marxisme, et là, les trois premiers tomes de Breivik, je suis désolé, l'école de Francfort... elle est née en Allemagne, elle est partie aux États-Unis, et maintenant, quand on nous parle d'américanisation, souvent, Hollywood et tout ça, qui est derrière, si vous avez vu, quel est le film qui a gagné l'Oscar ? Forme de l'eau, c'est un truc marxiste possible qui autorise, qui fait sauter toutes les barrières, là, c'est pro-LGBT ce truc, ça autorise toutes les barrières, ça fait sauter toutes les barrières pour la zoophilie, pour tout ce qu'on veut, parce qu'ils n'ont pas de limite ces gens-là, donc ils iront jusqu'au bout. C'est pas les sionistes qui ont mis en place le mariage pour tous en France, d'accord ? C'est François Hollande. Ouais, mais enfin, François Hollande. Hollywood, pardon, mais Hollywood, c'est les sionistes, comme il a dit San pour dire légal, mais c'est les sionistes qui tiennent Hollywood quand même, tu peux pas le nier. Donc cette américanisation et cette mentalité qui est véhiculée effectivement de manière industrielle par les Américains, elle est quand même aux mains d'une certaine communauté. C'est pas le hasard non plus. Si, c'est pas que c'est le hasard. Tu serais incapable de me citer un seul film pro-israélien fait par Hollywood ces 20 dernières années. Par contre, moi, je rigole, repris sur... Tu rigoles, je t'en cite plein à l'appel. Je t'en cite... Ah bah, je te cite... Allez, tiens, la dernière. Hollywood, la série Orange is the New Black. C'est une ode au judaïsme, de façon totale. Hein. C'est une ode au judaïsme avec des noirs qui se convertissent et tout. Sioniste, déjà. Bon, là, je te parle de l'Israël. Attends, il y a quand même le personnage, le héros, qui te fait tout un passage sur Israël, où il t'explique qu'il va dans l'armée israélienne et qu'il remplit son devoir et que c'est un bon nationaliste américain parce que il va se combattre en Israël. Donc c'est quand même... Non, et je peux t'en citer d'autres. C'est pas le thème de la série. Moi, ce que je vois, c'est que tous les acteurs américains les plus connus, de Matt Damon à... Clooney et tous ces clowns, justement, ils sont anti-israéliens, à quelques rares exceptions comme Nathalie Portman, mais c'est des exceptions. Veuillez m'excuser, je me permets, monsieur Robin, déjà bonsoir. Bonsoir, et veuillez m'excuser, vraiment, je suis désolé de vous couper la parole de cette manière, mais je vais vous citer un extrait d'un article que je viens de voir à ce moment. Alors, plus de 200 acteurs de Hollywood, y compris Sylvester Stallone, l'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, Seth Rogen, Naïm Bialik et Sarah Silverman ont signé une pétition qui condamne vivement le Hamas et exprime son soutien à Israël. Ah, pour ça, pour vous, c'est être pour Israël, de condamner le Hamas qui veut éradiquer le Israël de la carte. C'est dans leur charte. Hein. Bah, c'est soutenir Israël, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils condamnent jamais Israël. C'est, il y a quand même ce truc-là. Non seulement ils ne condamnent pas, mais ils condamnent les ennemis d'Israël et ils lui expriment leur soutien. Là, les 200 machins, ils étaient derrière Trump ou derrière Hillary Clinton, hein? J'aimerais savoir. Hillary Clinton. Ah, Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est évident. Hillary Clinton, elle n'était pas pour mettre Jérusalem comme capitale. Mais ceci ne change rien à l'influence d'Hollywood sur le monde. Ceci ne change rien à l'influence de ces gens sur le monde. Influence d'Hollywood. Elle est marxiste, cette influence. Renseignez-vous. Effectivement, il y a eu beaucoup de juifs à Hollywood, notamment au début, parce que ce sont des gens qui ont fui le nazisme, comme l'école de Francfort a fui le nazisme. C'était des marxistes jusqu'au trognon. Et ces juifs-là, ils étaient marxistes. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont juifs que ça peut faire oublier qu'ils sont marxistes. Je suis désolé. Ouais, mais à travers l'histoire, on a quand même pu voir qu'il y a un lien étroit entre les deux. C'est ça que je voulais dire. C'est que, et moi, je suis d'accord avec toi pour la stratégie de certains marxistes à vouloir le débat, ça je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir une double lecture et voir que, ok, s'il y a d'un côté les marxistes, il y a aussi une certaine communauté qui est étroitement liée au marxisme aussi. Et moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu te dis pro-israélien, c'est en fait quels sont nos intérêts convergents avec Israël pour en venir à être pro-israélien. Merci de me poser cette question, parce que on parle stratégie là, enfin, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre nous, ou entre vous, là, c'est du blabla. Mais quand on en revient à la stratégie, c'est quoi? C'est Carl Schmitt qui nous a dit, il faut désigner un ennemi. C'est ça la stratégie, c'est pas autre chose. Et donc moi j'ai désigné l'ennemi, c'est l'islam. C'est l'islam qui veut m'envahir aujourd'hui, qui veut me tuer mon pays, qui veut le détruire, et qui commence de le faire dans certains quartiers. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'espère, surtout après l'attentat de Carcassonne, franchement. Donc ces gens-là, ils sont pour ou ils sont contre l'islam? Celui qui me dit qu'en Israël ils sont pour l'islam, bon c'est bon, je pourrais que rigoler. Ah, parce que ces gens-là sont en train de se faire bouffer par l'islam, ils sont encerclés par l'islam, d'accord? 300 millions de personnes qui les encerclent et qui veulent les tuer, et je suis d'accord qu'ils peuvent faire des alliances ponctuelles avec l'Arabie Saoudite, ça on m'a dit, ah t'as dit que... Mais il faut voir, depuis 47, ils sont aidés par l'islam peut-être, Israël? Non. Donc après on est d'accord ou pas, moi je suis pas israélien, tu vois, je suis pas pro-israélien, j'ai dit ça, je te parle en 2014, je suis patriote français, mais ces gens-là ont le même ennemi que nous, et ils s'appellent l'islam. Donc ça, et puis ils sont occidentaux. Celui qui me dit Israël n'est pas occidental, alors que le Hamas est occidental, eh ben ça marche pas. Tu vois, non, ça non, c'est vrai. Direct. C'est vrai, mais moi ce que je remarque, c'est qu'ils sont contre l'islam chez eux, mais ils sont pas forcément contre l'islam chez les autres. C'est ça le truc aussi. Tu crois? Alors voilà, c'est ça où on attribue tellement, quand on est anti-sioniste, pour pas dire antisémite, je dis pas que tu l'es, mais voilà, il y a toute cette mouvance là en France qui vient du catholicisme, comme on le voit souvent, et qui vient du marxisme. Marx était antisémite, je le rappelle. Il y a toute cette mouvance qui veut nous faire croire qu'Israël serait plus puissant à l'extérieur de ses frontières qu'à l'intérieur. Alors c'est marrant, eux, ils sont en train d'être bouffés chez eux. Ok, à tel point, parce qu'ils ont été trop tolérants, là aussi, ils ont laissé des députés à la Knesset être arabes, hein, je suis désolé, c'est ça une démocratie, en tout cas, ça s'en rapproche beaucoup plus que ce qu'on a en France, eh bien ces gens-là auraient plus de pouvoir à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là où, j'ai déjà dit ça chez El Loco quand il m'a reçu dans son émission, je sais que vous appréciez pas trop avec Tepa, mais vous devriez vous parler, parce que franchement, c'est dommage, mais j'ai dit ça chez El Loco, le lobby sioniste, si vous voulez, moi j'appelle lobby juif, aux États-Unis est bien plus puissant aux États-Unis justement qu'en France. Et ben là-bas, vous avez beaucoup plus de liberté d'expression, beaucoup plus de, y compris pour les ennemis des juifs. Et vous avez des films antisémites, d'accord? Je me rappelle jamais de ce film avec De Niro. J'avais fait une vidéo sur Soral qui avait dit justement, voilà, Soral, il a infecté tout le débat chez les patriotes. Non, mais pour aller dans ton sens, sans renier justement ce que je t'ai dit, effectivement, il est vrai que même en Israël, on sait qu'il y a des débats sur la critique d'Israël qui sont plus ouverts qu'en France. Justement, c'est ça qui est inquiétant. C'est de se dire que même si demain je vais en Israël, je vais pouvoir avoir une critique d'Israël plus grande, une marge de liberté plus grande dans ma parole que si je suis à Paris. Et c'est ça qui est problématique. Ça, ça montre bien que c'est pas eux qui tiennent le pouvoir en France. Sinon, ils imposeraient la même chose. Ok? Eux, ils s'en foutent de la France, honnêtement. Tu crois que c'est les... Alors oui, on me dit, voilà, on veut faire fuir les Juifs et donc ils manipulent. Franchement, ça, c'est... Je sais pas. C'est Mitterrand a gagné, alors, si vous pensez ça. Je suis désolé. Les antisémites comme Mitterrand marxistes ont gagné. Et les patriotes vont se faire avoir. Mais moi, je suis désolé, ça fera la distinction entre les patriotes et les collabos. Ça sera pas la défense d'Israël, parce que c'est un pays étranger pour moi aussi. J'y ai jamais mis les pieds et je m'en fiche. Par contre, je vois pas pourquoi on serait contre Israël aujourd'hui, alors que les gars nous ont jamais attaqués. C'est pas eux qui nous attaquent. Ah, d'accord, c'est l'islam qui nous attaque aujourd'hui avec l'oligarchie, l'aide de l'oligarchie marxiste, qui est, elle, intégralement marxiste et anti-sioniste. Tous les, la CGT et tout ça, la fête de l'humanité, me parle matin, midi et soir du dîner annuel du CRIF, ok, qui est une manipulation de Mitterrand, et jamais du dîner annuel de l'humanité. Ça, c'est pas dans le truc de Breivik, parce qu'il connaît pas assez bien la France, comme on le voit quand on lit son truc. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il va donner beaucoup d'informations sur la Scandinavie. Lui, il est norvégien, hein, donc nous, on connaît pas du tout ça, parce que les gars, ils parlent en norvégien, en finnois, en suédois, on comprend rien, mais c'est la même situation, c'est les marxistes. Et j'avais donné l'exemple chez Tepa, de l'exemple qui tue, c'est que quand Carsanti a mis en cause Charles Anderlin sur sa couverture du conflit israélo-palestinien, eh bien, il y avait une pétition, là justement on parlait des pétitions, plus de 700 journalistes avaient pris fait et cause de Charles Anderlin et de son caméraman palestinien dans l'affaire Al-Doura, contre le pro-israélien Philippe Carsanti, qui n'est jamais invité dans les médias, c'est ça aussi qui marche pas votre truc. Il y a Golnadel, ok, qui est invité régulièrement, et puis c'est tout, les autres, c'est pas vrai, BHL, il est pas Trieff, elle est là. Tous les journalistes, ils sont tous pro-sionistes, El Kabach et compagnie. Pareil. Attends, tu peux pas me dire que ça existe pas. Bonsoir, messieurs. Attends. Chacun son tour, là. C'est qui parle? C'est qui a parlé? C'est moi. On parle de la France. Là, vous regardez, on parle d'Israël, un pays étranger dont je n'ai rien à foutre, ok? Pourquoi vous me parlez de ce pays étranger? Je m'en frappe. Les gens qui se parlent de ce pays-là ne sont pas patriotes français. Allez vous faire foutre avec Israël maintenant, au bout d'un moment. Attendez, si vous me parlez encore une fois d'Israël, ok? Je coupe, parce que j'en ai marre. Vous me parlez de la France, mais ces gens-là ne vous parlent pas forcément d'Israël. Ces gens-là vous parlent du dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est pas Israël, c'est autre chose, c'est différent. Et ça se passe chez nous, en France. Et des gens de l'élite française, chez nous, vont là-bas. Tu t'appelles comment? C'est quoi ton prénom, s'il te plaît? C'est Michael qui parle. Tu as déjà entendu parler du dîner annuel de l'humanité ou pas? J'en ai entendu parler, oui, effectivement. Par qui? Par quelqu'un qui connaissait ça, un ami. Peut-être. Dans les médias, non? Bon, c'est marrant, non? Ça t'intéresse ou pas? Personne n'en parle jamais et que j'ai été le seul. Tu en as entendu parler par moi, évidemment. Je suis le seul journaliste depuis 10 ans. Tous les patrons de presse, d'accord, se réunissent sous l'égide de l'Élysée, d'accord, qui envoie son ministre de la Culture et de la Communication pour dire maintenant les médias, voilà ce que vous allez dire. C'est en marge de la fête de l'humanité. C'est qui la fête de l'humanité? C'est des sionistes, peut-être? Tous les artistes français sont anti-sionistes, sans la moindre exception. On peut les compter sur les doigts d'une main, Bruel et qui d'autre, hein? J'aimerais bien savoir. Ils sont tous anti-sionistes, ils vont se pavaner à la fête de l'humanité, et derrière, il y a le dîner annuel de l'humanité, où tous les médias de gauche, de droite, ils parlent sous l'égide de l'humanité. C'est quoi l'humanité, les gars? Faut vous réveiller un peu, là. On vous a endormi, Soral et ses copains, ils vous ont endormi depuis 10 ans, c'est quoi leur résultat? Ah, j'ai des procès, et je gagne plus d'argent que je n'en perds. Comme ça, je peux me dire martyr, je ne suis pas mort, hein. Alain Soral, il n'est pas mort. C'est la preuve que le sionisme ne dirige pas en France. Si le sionisme dirigeait en France, Soral, il serait mort en 2004, quand il a commencé à dire les juifs, je sais pas quoi. Donc ça, c'est pas vrai. Quand Charlie Hebdo a fait leur caricature, ils sont morts, ok? Donc arrêtez vos conneries, un peu. Et vous n'avez pas le droit, c'est Israël qui a envoyé les terroristes. Il y a quelques instants, vous nous disiez que dans le show business, beaucoup de gens étaient anti-sionistes. Mais dans ce cas-là, pourquoi seulement certaines personnes précises sont attaquées et pas tous les autres qui sont aussi, d'après vous, anti-sionistes ? C'est pas la question. Moi, ma question, c'est la France, ok ? Je pense que la question est légitime, mais peut se poser. Pas pour moi. Elle vise à faire diversion. J'ai expliqué ça 10 fois, je ne vais pas me répéter. Donc, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent continuer à croire Soral et ses copains. Mais moi, je peux comprendre ça. Parce qu'effectivement, ces gens-là ne sont pas des modèles, ils sont loin d'être pris de Jésus-Christ, ils n'ont rien à voir, quoi. Je peux être d'accord et je peux tout à fait comprendre cette vision-là. N'empêche, il y a d'autres possibilités, faut pas se fermer les portes comme ça. Non mais je vais intervenir une toute dernière fois, après je vais intervenir un coup, là. Ouais, vas-y, Skoul. Concernant par exemple l'analyse de Pierre Hillard, qu'est-ce que vous amenez comme critique là-dessus ? Donc je vous y renvoie. 1h07 d'analyse. En deux mots, on va dire. Parce que là, en deux mots, apôtre du mondialisme. Voilà. Oui, mais ça c'est fait. Ah ouais, c'est un apôtre du mondialisme, Pierre Hillard. Ok, d'accord. Vous avez ma vidéo ? Non, mais moi je voulais juste intervenir une dernière fois. Après je laisse la parole. Alors vas-y, San. Enfin, faut pas s'énerver pour histoire d'Israël, etc. C'était pas mon but de mettre ça sur la table comme ça. C'était juste ce que je voulais faire noter, c'est que. Et donc, oui, mais c'est pas le souci. La question, c'est qu'il y a plusieurs forces qui entrent en ligne de compte. Et il y a des personnes qui tombent dans le piège effectivement, qui sont judéo-centrées, qui ne parlent que de ça. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas en parler un peu et essayer de voir certaines implications. Mais bref, je vais pas m'étendre encore là-dessus. La dernière question que je voulais poser, c'était sur Horst Wessel, en fait. Sur Horst Wessel, et Arnaud Beltrame, c'est que, donc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Horst Wessel, c'est une personne dont la mort a été instrumentalisée par les nazis parce qu'il a été tué par des communistes. On est d'accord ? Arnaud Beltrame, le Horst Wessel de l'oligarchie française. Ok. Donc, à l'époque, on va dire que les nazis, c'était un peu le système, et les communistes, c'était l'ennemi désigné par le système nazi. D'accord ? Aujourd'hui, c'est quoi le lien avec Arnaud Beltrame ? Dans le sens où Arnaud Beltrame, qui serait, d'après toi, un collabo du système oligarchique... D'après moi, je sais pas ce qui est de faux. Hein. Non, mais si. Non, mais ok, protéger d'accord. 4 ans l'Elysée, pour toi, c'est quoi ? Bah, c'était un fonctionnaire. C'est un acte de résistance. Alors, il faudra dire à tous les fonctionnaires qui sont collabos. Eh ben, je le dis. Tu vois, voilà, parce que Jean Moulin, il a démissionné. Il était préfet, mon gars. Il a démissionné et tout... Papon, il a pas démissionné, c'était un collabo. Voilà. Et donc, ceux qui ont démissionné, c'était pas des collabos. Ils travaillaient pas pour l'oligarchie qui tuait la France. Et ceux qui ont démissionné... Eh ben, ils travaillaient pour la résistance. Et c'est pour ça qu'il faut que ces gars-là, on leur propose un projet. Aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà, parce qu'on s'est endormi sur nos lauriers. Mais Beltrame, il s'est fait tuer par un djihadiste. Donc, quel est l'intérêt du système oligarchique qui, normalement, d'après toi, qui est marxiste, marche main dans la main avec l'islamisme, quel est l'intérêt de le faire tuer par un djihadiste ? Marcher main dans la main avec les nazis. Il faut s'intéresser à l'histoire de l'Allemagne, on en parlait tout à l'heure, comment les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont fait alliance avec les communistes contre la social-démocratie. Un livre de Yann Valtin, Sans patrie ni frontière. Vous pouvez m'excuser encore une fois. L'oligarchie, elle est catho-marxiste, Arnaud Beltrame était catho-marxiste. Donc, il était franc-maçon. Je sais pas ce qu'il vous faut, là. C'est à moi de vous expliquer ça. Vous êtes pour ou contre les francs-maçons ? C'est une interprétation qui est insultante et douteuse, quoi. Pour le coup, Jean, pour le coup, Anders Breivik aussi, c'était un franc-maçon. Tout à fait, oui. Mais là, c'est un bon fond de commerce, ça dérange déjà moins, quoi, si tu veux. Bon, qui a lu son livre parmi vous ? Ah bah non, bah on l'a pas lu, moi je l'ai pas lu, je vais pas te dire que je l'ai lu, mais tu disais que c'est le cas, on va dire qu'un tel est franc-maçon et un tel ne l'est pas, en tout cas lui il l'était aussi, donc on peut douter de son sa christianité aussi pour le coup quoi. T'es pas au courant qu'il était un chrétien ? T'es pas au courant s'il était franc-maçon à Breivik ? Je sais pas, tu vas le publier, tu pourrais prendre 2-3 jours avant quand même. Attendez, il s'est mis en scène en tant que franc-maçon, ok ? Donc, d'une part, je ne suis pas sûr qu'il le soit lui-même. Il faudrait creuser. Moi, je n'ai pas creusé. Mais je m'en fous. Parce qu'il n'est pas catholique. Il ne se dit pas chrétien. Anders Breivik, il se dit, c'est dans son Delo Dae, Novae Militae Pauperes, machin, il se dit héritier des Templiers. Alors, certes, les Templiers étaient catholiques, mais lui, il ne se dit pas catholique. Il dit que Jésus est un très mauvais exemple, justement, parce que c'est un martyr pour rien. Voilà. Donc, il critique Jésus. Mais il reconnaît que l'Occident est de culture chrétienne. Voilà. Et il reconnaît d'ailleurs qu'Israël est occidental, sans vouloir revenir sur Israël, hein. Mais c'est juste pour vous dire. Donc on peut l'accuser d'être sioniste, tout ce que vous voulez, on peut l'accuser d'être franc-maçon, machin, mais moi ce qui m'intéresse, c'est dans les trois premiers tomes, là vous avez une montée en compétence sur ce qu'est le marxisme, je suis désolé, et ses conséquences, dont l'islamisation. Voilà. Et tant qu'on n'a pas pris connaissance de ces faits, parce que ces faits, ils sont tués aujourd'hui. C'est là où on me dit, oui, il y a une censure. Elle est de quel côté, la censure? Je suis désolé. On n'a jamais entendu, moi, j'ai jamais été invité, sauf une fois, voilà. J'étais invité chez Tadei. Bon, j'avais toute la gauche face à moi et je les ai retournés comme des crêpes. Mais c'est la seule fois, je suis désolé. On n'a jamais de discours, même la droite. Zemmour, il est marxiste. Il s'est dit lui-même plus marxiste que Marie-Georges Buffet. Donc, c'est un alibi du système. C'est un pétainiste, ce gars-là, pour dire, ah bah, regardez, on est en démocratie, on peut critiquer l'islam. Faut analyser les discours politiques et les stratégies médiatiques. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas tomber dans tous les pièges, quand même, au bout d'un moment. Mince. Pétain, c'était un excellent piège en 40. Il y en a plein qui sont tombés dedans, certains ont réussi à en sortir, mais c'était le vainqueur de Verdun, c'était le grand patron. Et on ne pouvait pas critiquer Pétain. Si on critiquait Pétain, on était un salaud. De Gaulle a été menacé de mort par Pétain parce qu'il a déserté, soi-disant, selon la doctrine de l'époque. Et ben voilà, moi je veux aujourd'hui des gens qui soient aussi courageux que De Gaulle et qui soient prêts à être menacés de mort. Moi je sais que je suis menacé de mort. Et alors, si on n'est pas prêt à ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, on n'est pas patriote. Moi, je voudrais prendre la parole, si possible. Alors, c'est Petit Jean ou la jeune au secours ? Non, Petit c'est Jean. Ça, non, c'est moi. Ouais. Petit Jean, vas-y. Merci. Bonsoir, Jean-Robin. Je voudrais juste comprendre quelque chose que j'écoute. Hein. J'essaie vraiment de visualiser. Mais je ne comprends pas comment on peut d'un seul coup valider un tueur en série comme Breivik, en sachant qu'il était franc-mac et toutes les conneries, ce qu'on reproche quelque part à Beltrame, qui, lui... justifié ou pas, quand même donner sa vie pour sauver qu'une caissière, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce qui me gêne, c'est j'ai l'impression qu'on valide Anders Breivik, je sais pas le dire, je suis désolé, uniquement parce qu'il a pris la théorie du marxisme, du lobby marxisme, et un lobby marxiste que je ne comprends pas. J'avais posé la question tout à l'heure à Tepa, je ne sais pas ce que c'est que le lobby marxiste, et la seule chose que je vois dans tout ça, c'est de me dire, en fait, on va valider un tueur en série, c'est-à-dire un mec qui est complètement barré, juste parce qu'il valide une théorie qui est déjà assez fumeuse, selon moi. Merci. Dans quel pays, mon ami ? Hello ? Oui, on m'entend ? Je suis là, oui, oui. Que tu peux me dire dans quel pays tu habites, s'il te plaît? En France. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Il n'y a pas des cheminots qui bloquent toute la France? Tu le vois pas, là, le lobby marxiste? Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que EDF coupe la lumière. Tu sais combien on verse à EDF? Tu payes l'EDF, toi, ou pas? Oui, oui. C'est une facture, ouais. Tu sais combien tu verses à la CGT sur chacune de tes factures? Quel est le lien? Je comprends 1%. Pas. Non, parce que tu vois pas. Je te le montre. Toi-même, tu as une facture EDF que tu payes. 1% va à la CGT. Tu trouves ça normal? Il y a des impôts qui vont aussi au Figaro, qui est un journal de droite. Et voilà, c'est pas pour autant qu'il y a un lobby droite en France. Figaro, bah dis donc. Aïe, aïe, aïe. C'est positionné. Je sais que ce que les gens racontent là-dessus, je suis pas ce genre de choses. Je dis juste que les impôts, ça paye tout. Ça paye même la SACEM. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un lobby sassénique en France? J'essaie vraiment de comprendre le lobby marxiste, mais je ne comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Parce que tu as été éduqué, comme moi, comme tout le monde, dans un pays marxiste. Donc au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte. Mais déjà, pour te répondre, je ne valide pas un terroriste. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es fou ou quoi? Moi, je valide un terroriste. J'ai condamné. Ok, c'est la première chose que j'ai dit. Tu veux ma mort ou quoi? Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Qui que tu sois, moi j'en ai rien à foutre. Tu dis, je valide un terroriste. Débaisse un peu le ton aussi. Bah ouais, calme-toi, pourquoi tu t'énerves? On est soit des imbéciles, soit des ignorants avec toi. Donc s'il te plaît, baisse un peu le ton et respecte aussi les mecs qui te posent des questions, s'il te plaît. Je reformule ma parole parce que je suis peut-être. Je valide un terroriste. Plaisante ou quoi? Moi, j'ai ma vie là, ok? j'ai ma vie. Vous, vous êtes qui? Vas-y, donne ton nom, ton adresse, qu'on rigole un peu. Oh, voilà. Je peux le faire, mais aucun souci. C'est pas le problème. Ce soir, Jean-Robin, là. Alfred Hartmann, 68. Non, on ne rentre pas là-dedans, s'il te plaît, Mickaël. Ma question, parce que je valide, d'accord, ce n'était peut-être pas. Est-ce que tu peux t'excuser? Dans tous les cas, ce que tu dis. Pour m'avoir accusé de valider un terroriste? Non, c'était une mauvaise phrase, mais là de côté, voilà, je m'excuse. On pardonne celui qui s'excuse. Voilà. Tu peux pas t'excuser. Et aussi, on valide les gens qui donnent leur vie pour sauver d'autres personnes. Mais ce que c'est pas à la limite valider, c'est à la limite se dire qu'est-ce qu'on en a à faire quelque part du discours d'Ambersbrevik et de ses mémoires et de sa vision de voir le monde. C'est un mec qui a tué des étudiants. Il en a tué des dizaines. Enfin, d'accord, on peut comprendre éventuellement Mein Kampf, lire Hitler pour voir comment il est arrivé. Mais comment arriver à dire que Beltrame est un traître? Arriver à dire que Beltrame est un traître, mais derrière nous parler pendant plus d'une heure des mémoires de Breivik. J'ai beaucoup de mal avec ce principe. Tu défends sans dire que tu valides. L'Elysée, puisque tu défends le mec qui a protégé l'Elysée pendant 4 ans. C'est ridicule, sincèrement, c'est ridicule de stigmatiser comme ça. C'est n'importe quoi, sincèrement. Je préfère te le dire, c'est un argument que ça fait 3 heures qu'on me rabâche ça, c'est ridicule. Désolé. Et insultant. À titre personnel, je ne le valide pas, je suis cohérent, hein. Moi je suis le premier à gueuler contre ces cons de gendarmes, moi dans mon village, qui sont avec leurs jumelles, alors que tout est limité à 50 et qui t'emplafonnent à 70. Donc il y a une certaine cohérence. En contrepartie, je dis juste que j'ai une sympathie ou pas pour les flics, je suis forcé de reconnaître que ce mec a donné sa vie, et c'est pour une femme. Et je trouve ça, rien que le geste, je trouve ça beau quand même. Suicidaire, il a empêché le GIGN d'intervenir, ok? Il a échoué, il a été égorgé comme un mouton. Tu trouves que c'est un bon exemple? Tu crois que tous les militaires ils vont aller s'égorger comme ça, se remplacer par les otages? C'est ça le but? C'est ça le but pour notre armée? Comment tu peux critiquer un mec de défendre l'Elysée et derrière critiquer le fait qu'il donne sa vie pour un simple citoyen, quelle que soit sa situation? C'est complètement antinomique. Là, Qu'il est franc-maçon, donc à ses yeux, si tu veux, il revêt aucune importance. À partir de là, on a bien compris son discours depuis tout à l'heure, malgré ce qu'il pense. Mais moi, je peux comprendre ça. Hein. Je peux comprendre. Je peux comprendre ce point de vue-là, où ça pourrait être autre chose qu'un bon gars qui veut sauver une vie, quoi. Je comprends ça. C'est l'élite militaire. J'ai beaucoup plus de respect pour lui que tous ceux qui pleurent des larmes de crocodile, d'accord? Parce que moi, je lutte contre l'islam depuis 10 ans, figurez-vous. J'ai mis en ligne sur ma chaîne un discours que j'ai fait dans l'église catholique, ok? Pour ceux qui me disent « Ah, catophobe !» J'ai fait ça dans l'église catholique de Charleroi. Pour ceux qui ont l'honnêteté d'aller regarder ma chaîne, vous verrez un discours de 2009, on parle pas là de hier, hein, en 10 ans... exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une guerre, c'est l'islam et l'oligarchie marxiste qui nous l'impose. Et que ça recommence comme en 40. Et il y a des gens qui sont endormis par l'oligarchie, qui viennent nous présenter un héros qui est un gars qui n'a servi à rien, alors que lui, son rôle, c'est un gars dans lequel la France a investi des impôts, si vous voulez, et puis du temps de ses instructeurs, etc. Il n'a pas à aller dans ce cadre-là, c'est pas son rôle. Lui, il doit préserver des milliers de caissières et de Français. Moi, j'ai rien contre les caissières. Ceux qui me disent « Ah, voilà, c'est parce qu'elle était caissière. » Voilà, c'est toujours les mêmes arguments marxistes, parce que c'est une caissière. Et ben, son rôle à lui, c'était de protéger des milliers de caissières. Pas une, des milliers. C'est un membre de l'élite militaire. Moi, ce gars-là, je le respecte je l'aurais respecté s'il avait vécu et s'il nous avait rejoints. Ok? Parce que si tu avais vu... Est-ce que tu penses sincèrement que le type avait le plan en tête d'aller vraiment se faire égorger par une caissière? C'était pas son plan. Attention. Moi, je sais pas, mais il a réagi avec son cœur. La Bible condamne les réactions qui viennent du cœur. Le cœur est trompeur, nous dit la Bible. Il aurait mieux fait de la lire, parce qu'il s'est fait avoir, et avec son expérience, c'est incompréhensible son geste. C'est incompréhensible, et le justifier, c'est tout aussi incompréhensible. Parce que lui, on l'attend... Parce que le mec, c'est son taf, il prend exactement la place de l'otage 3 semaines avant. Apparemment, il est en train de faire le même genre d'exercice. C'est pas son taf. On l'attend pas dans ce rôle. Attends, garde du plan, par logique, à la place. Par logique, en toute logique. En tant que garde du plan, on va prendre la balle à la place du président. Non, mais en toute logique, si la personne dans un exercice, elle a fait cet exercice où elle a pris la place d'un otage, en toute logique, c'est vrai que ça peut être son taf. Maintenant, moi, je suis étonné aussi de la procédure, mais bon, en toute logique, s'ils l'ont fait dans l'exercice, c'est que ça, que ils ont estimé que peut-être que c'était une des situations où ils pouvaient le faire. Est-ce que c'était pas un sacrifice? Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça dit de l'armée française, de la France, c'est qu'il n'y a plus d'armée, je suis désolé, l'armée a trahi la France. Pourquoi vous croyez qu'on est dans cette merde, hein, que ce soit les Sioux? Là, tu as l'exemple inverse, c'est-à-dire que tu as un militaire qui donne sa vie justement pour la France. Si je vois, si, c'est... c'est tellement plein de contradictions, mon pauvre, que c'est compliqué de faire le tri. Je suis désolé de ramener à ça, marxiste, j'ai toujours pas compris. Je suis pas marxiste non plus, d'ailleurs. Bonsoir. En deux minutes, le lobby marxiste, ou de toute façon, on s'est tout expliqué dans les trois premiers tomes de Breivik, mais c'est ça la force de la propagande, c'est qu'on voit même plus la merde dans laquelle on est, et on sait plus la désigner, et on se fait avoir par les premiers pièges qui nous sont tendus par des gens plus malins que nous. Mais la sécurité sociale obligatoire, bon, c'est interdit de sortir, la retraite par répartition obligatoire, moi j'ai interviewé Mélenchon, justement, dans une manif. Vous manifestez pour un truc mis en place par Pétain et René Belin de la CGT. Hein ? Il m'a dit sortez. On était dehors, il m'a dit sortez. C'est marxiste, la retraite par répartition. C'est en train de couler. La France va couler économiquement. C'est la convergence des catastrophes, comme dit Guillaume Fay, mon auteur. Voilà, alors là, tiens, on a un exemple, Guillaume Fay. Hein, peut-être tu le connais pas, mais renseigne-toi. Si, je connais Guillaume Fay. Condamné pour avoir dit quoi ? La colonisation de l'immigration sous la bannière de l'islam, condamné à 100 000 francs. Voilà, c'est ça la réalité, bien avant tout le monde. Et donc, morale derrière, c'est de la bibine, franchement. D'ailleurs, Jean, juste une petite question un peu à part. Il n'y avait pas un prince arabe en Polynésie qui s'est fait éjecter il y a quelques mois ? Il en a parlé tout à l'heure. Il a expliqué. Ah, excuse-moi, j'étais pas là. Excusez-moi. Ah, il a expliqué, tu réécouteras. Qui est-ce qui veut prendre la parole de façon intelligente, calmez-vous les enfants là. Alors, qui est-ce qui tourner votre micro au vert. Valider un terroriste s'il vous plaît, parce que ça c'est le langage que je vais recevoir de l'oligarchie, figurez-vous, hein. C'est ce qu'on va entendre sur MTV dans les mois qui viennent, donc merci. Là, j'espère être parmi des résistants un minimum quand même. Alors Vitriol, vas-y, tu as la parole. Oui, bonsoir Jean-Robin, bonsoir Topa, bonsoir tout le monde. On va sortir de ce sujet du terrorisme. En fait, Jean-Robin, je trouve que vous ajoutez de la confusion, parce que ne pensez pas que on n'est pas que nous soyons dupes. Je pense que on sait globalement cibler ce qui se passe, parce que nous, on vit en France. Hein, je vous rappelle que on n'est pas à plusieurs milliers de kilomètres du territoire. Mon ami, vous êtes en ex-France, en France occupée, c'est moi qui suis. On se comprend, on s'est compris, on est sur le territoire, nous, de nos ancêtres, sur la terre de nos ancêtres, on y est. Il n'y a pas d'Union européenne. S'il vous plaît. Mais je trouve que vous ajoutez de la confusion et de la simplification là où il devrait y avoir plus de subtilité et de nuances. Quoi votre question ? Et que vous utilisez beaucoup de raisonnements sophistiques en fin de compte. Quoi votre question ? Dans ma question, je voudrais revenir notamment, par exemple, sur ce que vous avez dit au début, notamment quand vous parliez d'Adrien Bozzi, qu'il glorifiait Louis XV et Louis XVI, alors qu'ils étaient francs-maçons et catholiques, et que c'est antinomique. Alors, nous sommes bien d'accord, mais... Alors déjà, le discours d'Adrien Bozzi sur ce sujet n'est pas exactement celui-là, et vous modifiez en fait la substance de l'idée pour que ça colle à votre idéologie à vous, alors que ce n'est pas le propos. Adrien Bozzi, dans son ouvrage, je ne sais pas si vous l'avez lu, « La France divisée contre elle-même », il précise que, au contraire, les rois de France ont été corrompus, leur esprit a été corrompu par les idées des Lumières, et que à partir de là, le ver était dans le fruit. C'était les Lumières ? Pardon ? Les Lumières ? J'ai pas ça compris. Ça coupe, pardon. On n'entend pas le début de ta question. Lumières. Est-ce que Louis XV, c'était les Lumières ? Est-ce que Louis XV, c'était les Lumières ? Ça arrivait. C'était le début. Ouais, ça, c'est le discours de Marion Sippos. Donc, je l'ai bien analysé avec lui. C'est une réalité historique. Les Lumières ne sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça. Ça a été une implantation progressive. Et une partie de la noblesse était aussi corrompue là-dessus. Mais autre chose sur pour en finir non, avec, je avec Adrien. Non, oui, je vais terminer simplement. Mon propos, c'est je vous laisserai répondre. Et puis tu poseras ta deuxième question juste après, mais c'est rapide, crois-moi. Donc, cette histoire de vouloir faire croire. Merci. Cette histoire de vouloir faire croire que c'est pas les rois de France qui avaient le pouvoir en France, mais que c'était des sous-fifres ou je sais pas quoi, c'est faux. Marion Sigaud essaie de le faire croire avec Turgot qui aurait eu plus de puissance que le roi de France de l'époque, en l'occurrence Louis XVI, c'est faux. Ensuite, c'est la même chose avec ceux qui nous disent « Ah ben la vraie, celle qui avait le vrai pouvoir, tu vois, c'était Simone Veil, c'était pas Giscard, non. C'était Simone Veil, une ministre, c'était pas Giscard, président de la Ve République, qui a jamais eu plus puissant en France, mais c'était pas Giscard. Donc c'est la même logique, il faut essayer de voir qui est au pouvoir en France. C'est pas des ministres, c'était Mitterrand qui avait le pouvoir, c'était pas Fabius. Hein. Fabius c'était son premier ministre, il l'a giclé. Donc quand vous dites, certains d'entre vous, la loi Fabius-Guesso, il faudrait mieux dire la loi Mitterrand-Guesso, mais comme Mitterrand n'était pas juif mais antisémite, évidemment, ça arrange pas tout le monde. Donc faut voir aussi ces stratégies de manipulation, là, si vous êtes tombé dedans, essayer de prendre du recul et de vous dire, ben oui c'est vrai, pourquoi on a toujours dit Fabius-Guesso et pas Mitterrand-Guesso hein. Pardonnez-moi, je vous interromps en fait. Moi, je ne revenais même pas sur le fond, mais sur la différence entre ce que vous avez dit et ce qui est. Et je vais donner un second exemple. Quand vous dites qu'Adrien Abosi a soi-disant dit qu'il ne voyait pas dans le voile une oppression vers la femme, je suis allé vérifier. Alors, j'ai retrouvé la phrase exacte qui est en fait dans le rendez-vous dissident numéro 5. 50e minute, 59e seconde, j'invite tout le monde à aller vérifier. Il dit exactement qu'il ne voit pas en quoi c'est une oppression si c'est librement consenti. Non, mais tout bêtement, ça ne vous a pas échappé que Adrien Abosi est avocat. Et quand on a un esprit juridique, on raisonne en termes de juridique. Porter un couvre-chef sur la tête qui ne masque pas le visage. Ce n'est pas juridiquement punissable. Ça montre justement. Si c'est librement consenti, la personne fait ce qu'elle veut. Et le problème ne vient pas de là, mais de si certaines femmes mettent des voiles, un voile sur la tête, c'est à cause de la présence de l'islam en France. Et quand vous dites que Adrien Abosi est un collabo parce qu'il dit que. Vous voyez, vous modifiez en fait la substance de la phrase. Est-ce que je peux répondre maintenant? Parce que c'est bon, cette propagande. C'est pas la réalité. Et il faut que je prenne des points d'apparence tous les jours et il dit des choses qui honnêtement je trouve c'est pas spécialement lui lécher les bottes hein, mais je trouve beaucoup plus courageux lui avec ce qu'il dit parce que il dit des choses beaucoup de choses notamment sur ce qui se passe sur le remplacement de population. Mais il prend les transports en commun tous les jours. Il n'est pas à 20 000 km de la France sur une île. Il a quel âge, Adrien Abosi? Il est plus jeune que moi, non? Moi, jusqu'à l'âge de 36 ans, je les ai pris, les transports en commun en France. J'étais à Blois, à côté d'une ZUP, où il y a des gens qui se sont fait couper la gorge. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Mais là, on parle. Laissez-le répondre. Adrien Abosi n'a jamais publié, à ma connaissance, le livre noir de l'islam que j'ai publié moi, d'accord? Et je me suis pris la protection de la... Attendez! Laissez la parole! La DGSI m'a proposé sa protection rapprochée, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un problème en France. Mais... Et j'ai été courageux, non, sur ce coup-là. Eh ben, je l'ai refusé, d'accord? Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas courageux que... Entendez-moi bien. Laisse-le terminer. Il est à l'acide, là. Donc, Adrien Abosi est un avocat. Moi, je me méfie beaucoup des avocats parce que leur métier, c'est qu'ils en ont rien à foutre de la vérité. C'est leur métier, d'accord? Si leurs clients les payent pour dire quelque chose, c'est... Alors, qui on a comme avocat précis hein, dans l'histoire récente? Marine Le Pen, Sarkozy, et il y en a même un que j'ai eu sur le plateau de TV Liberté, une télé de droite, soi-disant, et ben ils invitent des gauchistes aussi, ils font l'ouverture à gauche, hein, comme Sarkozy, qui est un mec de droite, vraiment. Et bien j'avais un avocat, là, je sais plus lequel, comment il s'appelle, celui qui a défendu Serge Ayoub, qui est un gauchiste fini, et il m'a dit, moi je suis avocat, donc vous savez, la liberté, la vérité, hein, je m'en fiche. Et ben voilà, donc si vous préférez faire confiance à un gars dont la vérité, ben, c'est celui qui le payera le plus, et ben voilà. Je pense désolé, que moi je suis journaliste, et donc le journaliste, sa mission quand il n'est pas une pute justement dans le système, moi j'ai jamais été dans le système, ok, celui qui veut m'accuser de ça, bah, libre à lui, mais c'est pas vrai, j'ai jamais été rémunéré, contrairement à Soral par exemple, tiens donc, et ben voilà, c'est celui qui sait très bien de quoi il parle. Ben, moi j'ai jamais été rémunéré, et donc je dis la vérité, parce que c'est mon métier de journaliste de vous dire la vérité. Après, si vous préférez un gars qui vous amène, je sais pas où, là, avec Pétain, et ben voilà, Pétain, vous, enfin je sais pas, ça a amené quoi Pétain? C'est la folie, là. Vous êtes dans le suicide. C'est ceux qui croient à Pétain aujourd'hui qui sauvent la France. L'armistice. Pétain a fait ce qu'il a fait. Et ben moi, je suis pour l'honneur. Honnêtement, à 84 ans. Trahi la France. Il y a eu l'armistice, c'est un sujet. On va pas revenir dessus, mais. Pétain, moi, je veux pas de vous, voilà. Quand vous aurez compris, quand vous serez monté en compétence, vous me rejoindrez. Monté en compétence. Ça va, elle est excellente. Non, mais là, c'est trop. C'est pas possible. En fait, vous êtes au sommet d'accord. J'ai bien compris, et nous sommes là à des pâquerettes, à monsieur, c'est sans moi. Vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez pas écouté. Attends, je réponds à ça. J'ai dit, je n'étais pas assez au niveau. Je n'étais pas au niveau. J'ai lu les 3 tomes de Breivik, ça m'a fait monter en compétence. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Si vous refusez, c'est votre droit. Mais j'ai dit moi-même que je n'étais pas assez en compétence. Tu crois que je m'exclus du fait de monter en compétence? Mais non. Faut pas m'accuser de n'importe quoi. Je suis pas Dieu, hein. Ok, Michael, tu veux répondre, tu veux dire quelque chose, vas-y. Et reste poli. Ben, moi, je voudrais déjà poser une petite question qui emmène une réponse finalement par oui ou par non. Pour introduire peut-être un éventuel sujet, est-ce que la Russie de Staline, c'est le marxisme? Parce qu'il vous faut, là, oui. C'est le marxisme sous une des multiples formes où il a été implanté. Mais je sais que les marxistes les plus durs veulent dire « Ah non, le stalinisme, c'est autre chose. » Mais je sais qu'on veut pas... faut lire le livre noir du communiste, là aussi, il faut monter en compétence. D'accord, bah écoutez, ça me surprend que vous me disiez ça. Je pensais que vous alliez me répondre par non. Et du coup, je peux pas m'empêcher de penser... à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Avec Pétain, alors, c'est très bien. Moi, je suis gaulliste, désolé pour vous. Non, mais simplement sur les mots. Et la Russie de Staline, est-ce que le bolchevisme fait référence à la Russie de Staline? Je vais vous dire, je ne vais pas vous répondre directement parce que c'est bon. Par contre, je vais vous répondre par... Attendez, Pas oui ou pas non. Est-ce que le bolchevisme, c'est la Russie de Staline? Déjà répondu, vous voulez que je répète? Donc, Malraux a dit... Ben non, c'était pas la même question. Tout à l'heure, c'était pas la même question. Tout à l'heure, c'était le marxisme. Là, c'est un autre mot. Le mot employé, en l'occurrence, dans le nom d'une unité militaire française. Je vais en venir. Moi, je vous cite... Je vous cite Malraux. Malraux disait, les gens qui aiment la nuance, c'est très bien, mais les gens qui aiment l'action... Ce sont les intellectuels, voilà, les mecs qui restent dans les idées, dans l'éther. Voilà. Et ben, quand on est dans l'action, on est manichéen. Je suis désolé. Il y a effectivement des choses qui nuancent. Je suis très manichéen. Attends, laisse-le répondre. Écoutez, je coupe du bois toute la journée. Aujourd'hui, j'ai fait de la mécanique. C'était le jour de Pâques. Si vous voulez, je suis H24 dans le présent. Laisse-le répondre. Si tu poses une question, laisse répondre, sinon je vais couper tout le monde. Alors vas-y, Jean. Non, puisqu'il me reste 3 minutes. Je vous écoute. Ah bah oui, il reste 3 minutes en plus. Monsieur, voilà. Bah oui. Bon, bah c'est la fin alors. Bon, allez, le dernier qui a une question. Allez, on finit par une fille. Jessica, t'as pas une petite question vite fait? Je dirais que, j'ai toujours... Enfin, à part les médias, quels sont les autres moyens d'action, quoi? Ouais. On n'a pas compris, en tout cas, Jean. Je vois bien que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai compris, il n'y a que toi, Jean. Tu es la légionnaire polynésienne, peut-être. Nous, on est des pauvres imbéciles marxistes, lobotomisés, antisionisés, soralisés. Mon Dieu, on est foutus, quoi. Attendez, chez El Loco, c'est pas pour t'insulter, t'es pas, hein, mais chez El Loco, j'ai eu des questions un peu plus évoluées quand même. Non, mais El Loco, non, mais t'es sérieux. Désolé, tu vois. Et ben même chez El Loco, voilà. Alors ça, ça me dit ça parce qu'il fallait juste. Ce qui est aussi grandiose, c'est que cette question si simple, en 3 heures de débat, t'as été incapable d'y répondre. Non, mais attends, il nous parle d'El Loco. Moi, je suis arrivé, il nous parle d'El Loco. Systématiquement, c'est parce que El Loco lui a léché le cul. Mais ce qu'il comprend pas, c'est qu'El Loco, il a aussi bien le cul. Et il donnera aussi bien raison à Jean Robin, qui est un islamiste pro-charia. Calme-toi aussi, Jeannot. Bon, en tout cas, ouais, tu dis, c'est vrai, bon, bah, tu juges, tu dis que les questions étaient mauvaises, eux jugent que t'as pas répondu concrètement aussi aux questions qui ont été posées. Et parce que, alors, c'est quoi l'événement aujourd'hui? Est-ce que c'est Jean-Robin qui parle? Non. Je vous ai présenté, en avant-première mondiale, d'accord, un livre qui n'a jamais été édité parce que tout le monde a peur. Voilà, c'est ça la réalité. Tout le monde a peur d'éditer ce livre parce que tout le monde est dans le politiquement correct et on peut éditer des terroristes marxistes qui tuent 100 fois plus, mais Breivik, lui, on n'aurait pas le droit parce qu'il est de droite. C'est ça la réalité qui dénonce le marxisme et l'islamisation. C'est ça la réalité. Donc c'est ça l'annonce principale. Et il y a une nana que je connais pas et donc je vais pas dire du mal d'elle, mais elle ose me dire « Mais non, j'ai pas compris ». T'as pas compris que là, tu avais 3 tomes qui te permettaient de monter en compétence parce qu'en France, il y a une propagande telle que vous-même, qui êtes dans la résistance, croyez-vous, me dites « Ah, il est où le lobby marxiste? Je vois pas !» Il y a les cheminots qui vous bloquent toute la France avec RATP, Air France, j'y suis même pas, j'en sais plus que vous. C'est quoi ces histoires-là? Non, enfin, moi, ma connaissance, on n'est pas en train de nier l'existence d'un lobby marxiste. Seulement, c'est plutôt toi qui lis l'existence d'un lobby sioniste. Je nie pas l'existence d'un lobby juif. Je t'ai dit lobby juif. Comment tu peux me dire à moi que je nie l'existence de quelconque lobby en France? Tu n'as pas écouté ou alors t'es arrivé beaucoup plus tard. Je suis arrivé un peu plus tard, effectivement. Il y a un lobby. Ben voilà. Donc tu vois, c'est fatigant. Ouais. Donc les gars, écoutez ou taisez-vous. Ou à la sorale, mais c'est quand même fatigant. J'ai dit qu'il y avait un lobby juif en France, d'accord? Ça s'appelle le CRIF. Et ce sont des marxistes. Ils sont beaucoup moins puissants qu'aux États-Unis, où là-bas ce sont des libéraux. Alors, comment ça se fait? C'est marrant. La France est marxiste. Et ils autorisent Internet avec des propos antisémites. Je vous rappelle, hein, au début du débat, j'ai commencé en disant ça, ma vidéo sur CRIF, UGIF, même combat, point d'interrogation, est restreinte par YouTube. 600 vues. Ok. Hervé Rissen, le CRIF, salaud, machin, moi je suis antisémite et je vous dis que, 9000 ou 10000 vues. Alors posez-vous des questions. Ça juste nous dire dès le début que tu étais là pour vendre ton livre et pas pour répondre à nos questions. Ça aurait juste été plus rapide. Parce que moi, je suis pas là pour que tu me vendes ton livre. Je suis là pour débattre avec toi et que tu répondes à mes questions. En fait, tu vois. Et ça fait juste 3 heures que tu tournes autour du pot sans jamais répondre à personne, en fait, parce que tu n'as fait que des Exclus mondial, s'il vous plaît. C'est une exclusivité mondiale que tu nous annonces après 2 heures de débat où tu n'as rien dit. Donc il y a 2 minutes où juste... Ouais, regarde-toi dans une glace et essaye de voir ce que t'as fait pour la France, hein. Et va voir après ma... Mais t'as fait quoi pour la France? Un livre? Édite-toi un livre! C'est la fin, la sonnette, c'est feu à volonté, là, ça y est, c'est la... Non, franchement, bien joué, édité, Éditez Bénédicte, moi, je dis... Qui va faire la promotion de son livre et qui a la prétention de parler comme ça aux gens qui lui posent des questions? Les rabaisser comme ça, Éditer Breivik, franchement, moi je dis bien joué Jean-Robin pour éditer Breivik. Je vois pas le problème, Jessica, mais le problème est ailleurs. Avec Jean-Robin, j'entends. Bon, ben voilà. Ça finira, on sera... Jean-Robin, pourquoi le protestantisme des peuples catholiques ou l'antidote? D'ailleurs, si vous permettez, j'ai une dernière question. Il n'a plus le temps, là. C'est pour ça qu'on va rendre l'antenne, mon ami. Alors, vas-y, vite. La mienne. Monsieur Robin, j'ai cru comprendre que vous étiez protestant. Ah ben voilà, pourquoi quand on parle. Il a expliqué déjà. Non, les mecs, il a déjà tout expliqué, vous n'allez pas. Non, mais là, vous êtes ridicule. Il a déjà expliqué ces questions-là, on va pas revenir là-dessus. Non, c'est bon. Bon, on rend l'antenne. C'était. Allez. Merci, Jean, d'avoir, de toute façon, joué le jeu. Voilà, de toute façon, c'est la caserne, donc ça se tape. Hein. T'as vu, même les femmes chez nous à mettre des coups de poing. Donc. Je l'ai esquivé facile, son coup de poing, il tombait dans l'eau. Parce que franchement... Elle était impeccable. Il y a que toi qui a cette impression, et c'est ça qui est navrant, quoi. Et c'est pas t'es un troll de compétition, en fait. Crois-moi. Après, de l'escale à Jean-Robin, je sais pas si t'es pas là-dedans. Bon. Ah, mais t'es un héros, donc c'est bon. Bon, bah merci, en tout cas. Merci aux soldats bien énervés, là. Et tu vois, je respecte la liberté d'expression, moi. Mais tu l'as dit dans une vidéo, je reconnais. C'est vrai, tu le dis. Moi, je reconnais les vrais patriotes, je suis désolé. Et ceux qui commencent à faire l'apologie de Pétain, eh ben, c'est pas mes copains, et ça le sera jamais. Voilà. Eh ben, le message est passé. Merci à vous. C'est déjà ça. Merci à ceux qui nous écoutent en ce moment, sur YouTube, partout dans le monde. Merci à tous les soldats d'avoir participé. Calmez-vous, gardez la paix avec vous, que la force soit avec vous. Paix, force et honneur. Travail, famille, patrie, voilà, rien que pour vous. Je suis d'accord, par contre. Voilà. Ah bon, bah non, non, tu vois bien, tu vois, il y a une marge de réconciliation. Merci, voilà, on nous dit que c'est un super meilleur premier avril. Oui, tu vois, je fais des premiers avril un peu plus soft. Parce que j'ai fut un temps, genre, les gens, ils faisaient des crises cardiaques. Donc là, bon, en tout cas, ça vous fait un bon 1er avril, vous allez vous souvenir, c'est clair. Merci, Jean, et je vous dis tous à bientôt. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.